Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Oui, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast, ce nouvel hors-série de Floodcast. Mais alors, la saison nouveau, t'es aïe, aïe, t'es gentil. Aïe, il attaque très très vite dans ce qui me fait très mal. On est sur une carte parallèle. Nous reprenons le Floodcast spécial Spider-Man qu'on avait enregistré il y a un an déjà. Non, un peu moins. Ah, c'était pour la sortie de Infinity War. Oui, parce que c'était non, de Spider-Verse. C'était au moment de Spider-Verse, je crois. Ah oui, donc ça fait 9 mois. Un truc comme ça. Et donc, du coup, oui, on refait cette mission parce que vous nous l'avez beaucoup réclamé. Et en même temps, je comprends parce qu'on a tous envie de parler de Spider-Man. Et l'actualité brûlante et l'espèce de circuit fermé que ce que propose Hollywood depuis maintenant plusieurs décennies fait qu'il y a déjà un nouveau Spider-Man et qu'il y a même eu deux Spider-Man entre temps qui sont apparus au cinéma, puisqu'il y a eu. Endgame, voilà. Infinity War était sorti du coup. Voilà, ouais, donc non, il n'y en a eu qu'un. Il y a eu Captain Marvel, mais il n'y a pas Spider-Man dedans. Et donc, du coup, comme la dernière fois, je vais vous présenter. Nous sommes avec Ben Renault, aka Nekoto. Bonsoir. Ben, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Alors, Ben Renault, humain, geek, non, faux. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Que vous venez tous les deux régulièrement maintenant dans les hors-séries, j'aime beaucoup cette idée. On passe pour des gens érudits. Je suis à la ville illustrateur et graphiste, et je fais de temps en temps quelques podcasts comme Comics Outcast, ou bien Comité sur Jean-Claude Van Damme, bien évidemment. Ou bien sur Les Passions, qui s'appelle C'est Cool C'est Quoi, mais qui est un mort-vivant, un podcast mort-vivant. Le mec en parle encore aujourd'hui. Il n'y en a pas eu depuis le dernier podcast qu'on a fait. Depuis la mort de Mitterrand, il n'y en a pas eu. D'ailleurs, le dernier, c'était sur la mort de Mitterrand. Nous sommes également avec Joe Hume. Bonsoir. Merci. J'adore accentuer le H. Grand plaisir. Joe, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, écoutez, je suis Joe Hume, animateur, journaliste pop de mon état. Et à côté de ça, j'officie aussi dans quelques podcasts dans lesquels j'apparais de manière fantomatique une fois tous les ans. Tu fais des caméos. Chez Comics Outcast. Et puis voilà. Tu es le Stan Lee de Comics Outcast ou quoi? Je suis geek. C'est un petit peu ça. Bon, il est poivré ça, il est poivré ça. Oui, j'ai une moustache ainsi qu'une barbe, mais si j'enlève la partie barbe, ça fait une moustache. Mais tu es vivant, contrairement à Stanley. C'est la grosse différence entre les deux. Et voilà, et j'officie en tant que pop culture experte, entre 1000 guillemets, sur MCM, et je fais de la photo de jouets. Voilà. Écoutez, je suis très content que vous soyez là tous les deux pour refaire cette émission. Merci. Alors, je le fais à chaque hors-série, mais je le fais quand même parce que je reçois quand même des messages. Mais je comprends, c'est des gens passionnés, ils n'aiment pas qu'on dise de la merde, ils n'aiment pas que la vérité ne soit pas éclatée au grand jour. Mais les hors-séries de podcast, c'est des passionnés qui discutent entre eux. Nous n'avons pas de velléité à connaître par cœur l'histoire de Spider-Man. Non. On connaît des anecdotes, sont-elles vraies, sont-elles fausses? On pense qu'elles sont vraies, mais après, effectivement, on n'a pas bossé comme des oufs pour vérifier tous les trucs. Mais si vous aimez bien Spider-Man, il est possible quand même que vous appreniez des trucs et que vous écoutiez des gens qui partagent vos avis et qui les défendront bec et ongle. Et évidemment, l'inverse est tout aussi vrai. C'est vrai. On peut également vous énerver très fort. Je fais un dernier petit disclaimer en disant que effectivement c'est le dernier Floodcast de cette saison. Voilà, on part en vacances avec ce Spider-Man. Ouais, on est début juillet. Ouais. Et on devait en faire un dernier avec Adrien. Malheureusement, il est tombé malade. Oh. Un malheureux sida. Donc du coup, il a chopé la crève comme plein de gens l'été, et qu'il y a des clims partout. Oui. Mais nous revenons à la rentrée. Il y a pas de teasing, il y a pas de comment dire, il y a pas de faux trucs. On ne fait pas de secret sur le retour. Non, on revient vraiment. On n'a pas grand chose d'autre à foutre. Non, on revient. Je pense en septembre. On va commencer début août. Mais on va essayer de voilà de cette année. On est pour faire un dresser un rapide bilan de Floodcast cette année. Moi, je suis quand même très content. Ça tombe sur nous. Non, ça va aller très très vite. On a réussi à faire à réussir à 24 ou 25 épisodes. Donc, ce qui fait à peu près un épisode toutes les deux semaines, et c'est gigantesque. Comme une bonne saison de Dawson. Voilà, exactement. Un épisode à peu près toutes les deux semaines, des épisodes qui quand même régulièrement duraient plus de deux heures. Cette année, on a eu plein d'invités, que je ne m'attendais pas à recevoir quand j'ai commencé Floodcast. Plus prestigieux que nous, c'est bien. Pas du tout, Joe, arrête. Non, mais par exemple, il y a eu ce spécial Robin des Bois. Ce spécial Robin des Bois qui moi, m'a fait un plaisir fou. On a appris des choses que je ne savais pas sur des DVD ou sur des bouquins concernant les mecs. Donc, j'étais quand même ravi. Donc, voilà, je suis trop content de cette saison. Je ne sais pas trop ce qui va se passer l'année prochaine. Bah, avec Joe D'Apato, quoi. Il y a, a priori, c'est ça le goal. Joe D'Apato, Alain Chabat, John Cerelli. Et Kevin Smith. Allez, on est bon. Mais en tout cas, la rentrée, potentiellement, bon, on vous le tease sans le teaser, mais peut-être, voilà, vous serez peut-être dans le coin. Enfin, voilà, on vous en dit pas plus. Il y a des gens qui vont théorie crafter. Il a dit ça, il a pris une respiration. Il va tous nous inviter chez lui. Il a vraiment un grand appart. Mais aujourd'hui, que nenni. Aujourd'hui, Floodcast spécial, puisque aujourd'hui, on parle de Spider-Man. Les Ramones, Joe, je peux pas m'en empêcher. Ah, désolé. C'était une très très bonne imitation. C'était une très belle manière. Écoutez, parce que là, on écoutait les Ramones qui se sont appropriés le générique de Spider-Man et qui en ont fait quelque chose de complètement punk. Mais attention, punk new-yorkais, à pas confondre avec les Sex Pistols qui étaient beaucoup plus bad boys. Non, les Ramones c'était vraiment cuir, CBGB et compagnie. CBGB New York, le. D'accord, bon alors. CBGB, carte bleue, gerboule. Non, le CBGB était une salle de concert new-yorkaise dans laquelle s'est un petit peu épanoui le punk américain. Vous pourrez bientôt retrouver l'émission de Joe, une imitation, une info, c'est-à-dire qu'il imite quelqu'un, il vous donne des petites infos derrière. La seule imitation que je sais faire, c'est Jim Manor. Sinon, c'est rappelez-moi Dieu. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est... Sinon, c'est fait Kermit et Ran. C'est rattaché au sujet parce qu'une des meilleures versions de Spider-Man dans le Spider-Verse, c'est le Spider-Man punk anglais. Oh, ouais, il va très très vite dans le sujet, il est très très fort. Sur la tête et une guitare. Il est très très fort, mais on va commencer par le commencement en expliquant quand même très vite fait qui que quoi dont où, j'ai envie de dire. Spider-Man, la bande dessinée créée par il y a plein de trucs, c'est-à-dire que c'est une idée qui a été commencée par certaines personnes qui ont été reprises, mais officiellement c'est une bande dessinée de Stan Lee et Steve Ditko. Tout à fait. Stan Lee au scénario et Ditko au dessin. Ce qui est un peu fou, c'est qu'ils ont tous les deux perdu la vie l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils sont les deux créateurs de Spider-Man sont morts la même année. Ouais. Donc, voilà, Spider-Man est orphelin maintenant. Mais à la base, à la T'inquiète, toi, il y a Kevin Feige qui attendait. Derrière. J'ai mes droits d'adoption. On va faire plein de choses. Donc oui, Spider-Man. Sans rentrer trop précisément dans l'historique, qu'est-ce que ça évoque chez vous quand on dit Spider-Man ou Spider-Man? Tu veux y aller? Moi, je t'en supplie. Ce que ça a apporté, en tout cas, j'ai l'impression à l'époque où c'est arrivé, en début des années 60, c'est que jusqu'au Silver Age des comics, les super-héros étaient surtout des figures presque paternelles ou vraiment de grands frères d'adultes ou des dieux. Enfin, c'était un peu des personnages inaccessibles. Le premier gamin. C'était difficile de s'y identifier. Et Spider-Man, c'est le premier super-héros auquel les ados s'identifient à mort et peuvent se dire « Ah ouais, mais en fait, ce mec, il a les mêmes problèmes que moi, il a la même vie que moi. » Et c'était ça, le coup de génie, je pense, de Ditko et Stan Lee, c'était de créer un super-héros auquel les gens allaient pouvoir s'identifier, qui, en plus d'avoir des problèmes de super-héros, vivait vraiment des problèmes du quotidien, c'est-à-dire « Je suis un nerd, j'ai pas de meuf, j'ai pas de thunes, il faut que je fasse plein de petits boulots. » Et donc, ma vie de super-héros, elle est glam, mais en fait, ma vraie vie de vrai mec, elle est pas glam du tout. Et c'est ça, je pense, que ça a apporté à l'époque et que ça a apporté au sens plus large à la mythologie super-héroïque au sens large, c'est-à-dire DC, comics, tout confondu et tout, dans les comics en général, dans la culture comics, le personnage de Spider-Man a montré qu'on pouvait faire de perso avec des super-pouvoirs auxquels nous n'avons pas accès, des gens auxquels tu peux t'identifier et te retrouver dans leurs problèmes ou dans leur quotidien. et utiliser le super pouvoir même comme une métaphore de devenir tout adulte, la puberté, lancer d'étoiles, c'est quand même bien le sperme. Je veux dire, sans Spider-Man, il n'y a pas d'indestructible, quoi, si tu veux, par exemple. Oui, c'est pousser un peu loin le raisonnement que de dire ça, mais c'est... Ah, j'allais dire, sans les 4 fantastiques, il n'y a pas d'indestructible, mais... Non, mais les 4 fantastiques, en fait, c'est le même schéma, c'est un truc, c'est la famille aussi, on peut s'identifier. C'est... En fait, c'est ça, c'est le genre de héros très, très street level et très... Street level, c'est qui s'attaque un peu aux gens de son niveau, enfin dans la rue. Et voilà, on en reparlera quand on parlera du tout nouveau. Mais c'est un sujet qui est clairement évoqué dans le film où Spider-Man dit mais moi je veux pas retourner dans l'espace. Et tout, mais l'expression un peu connue, c'est le friendly neighborhood. C'est un peu ce que tu disais dans l'émission sur le MCU où tu disais que toi des fois les problèmes étaient tellement gigantesques que t'arrivais pas à te projeter. Bah là c'est vraiment le truc très concret. Et Joe disait à l'époque, mais c'est même à toutes les époques parce qu'évidemment il y a des reboots tout le temps. Ils ont même sorti la version un peu teenager, encore plus teenager avec Ultimate Spider-Man dans les années 2000. Ouais, moi j'ai même grandi avec celle-là. Bah voilà, tu vois. Et donc, du coup, teenager plus moderne, mais il n'est pas plus teenager que le Spider-Man oui, non, de l'époque. Moderne, oui, effectivement, c'est plus moderne. Il est importable, c'est ce qu'on voulait dire. Et donc, ça permet à chaque génération de s'identifier. C'est vraiment le héros. Je suis même pas sûr que chez DC, par exemple, pour en parler juste de la maison adverse, il y ait un héros aussi accessible. C'est les sidekicks, en fait. C'est Robin. C'est un peu Robin. Ce qui est vrai, c'est que c'est Spider-Man et c'est pas Spider-Boy. Ça reste quand même un héros puissant. Juste pour vous faire la mini historique sur les auteurs, pourquoi je dis que c'est un peu le bordel, puisque le nom Spider-Man a été créé par Joe Simon en 53 pour Harvey Comics. C'est lui aussi qui a eu l'idée du logo, enfin qui a dessiné le premier logo de Spider-Man. Ensuite, Jack Kirby reprend un peu le truc à sa sauce et ça devient The Fly, donc ce n'était plus une araignée. Kirby part pour Marvel après, donc il quitte Harvey Comics. Et ensuite, The Fly, du coup, atterrit dans les mains de Stan Lee, qui du coup décide d'en faire Spider-Man. Et du coup, on reprend et Ditko se lance dans ce cas, à ce moment-là dans le dessin, tout simplement avec, qu'on connaît bien avec les yeux, la toile sur le corps, etc. Mais c'est un truc plus longiligne que Kirby, qui dessinait des personnages très terriens, très carrés, très fat, et Ditko, c'est plus le c'est plus fluide, c'est plus en fait c'est comme si tu comparais les éléments de terre et d'eau, quoi. Steve Ditko mais c'est vrai parce que tu sais, tu as pris des grosses pincettes en disant oui, alors c'est les auteurs de Wikipédia, mais il y a dilemme et tout. Et c'est vrai que Stan Lee, mort ou vivant d'ailleurs, il y a toujours eu ce truc de ouais, mais en fait on dit toujours que c'est Stan Lee qui a créé, c'est un voleur. Voilà, exactement. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on peut pas lui enlever qu'il a toujours eu des putains d'idées, ou en tout cas qu'il a récupéré des idées et qu'il les a transformées en ce que c'est aujourd'hui. C'est un grand créateur de personnalité de personnages. C'est-à-dire que le ton de Spider-Man, à savoir faire un peu des petites blagues et tout ça, on peut pas, et je crois que personne ne le fait d'ailleurs, on l'enlève pas à Stan Lee, ce truc-là. C'est lui qui a apporté ce ton un peu moderne. C'est un mec qui arrive à prendre une matière première et la transformer en or, quoi. Enfin, si tu veux, c'est peut-être pas lui qui a les idées de base, mais c'est lui qui en fait des trucs qui parlent à tout le monde, en fait. Êtes rentré en contact vous deux avec la planète Spider-Man, vu que je suis vraiment un animateur radio qui utilise des formules très formulées. J'ai commencé avec toi, Ben. Moi, je pense que je suis rentré dans les comics par possiblement une des pires portes, c'est-à-dire les années 90, parce que les années 90 c'était un peu la liberté, mais donc avec les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire que déjà visuellement il y avait beaucoup d'excès et pas mal de trucs dégueulasses. Et je suis rentré avec la guerre des clones, qui est possiblement un des passages les pires de toute l'histoire de Spider-Man. Je pense qu'on aura l'occasion vite fait d'en reparler. Je me suis senti perdu parce que c'était clairement pas une porte d'entrée. Et après, je me suis mis avec Ultimate Spider-Man et toute la game Ultimate. Ça servait à ça d'ailleurs, et je suis rentré avec ça, quoi. Donc un Spider-Man pas plus jeune, mais en tout cas plus... déjà il était moins axé intello, ça se passait pas dans les années 60, enfin tu vois, c'était beaucoup plus moderne comme on l'a dit tout à l'heure, et c'était cool, il y avait un graphisme pas si dégueulasse que ça, même si je suis pas genre Humberto Ramos, pour ceux à qui ça parle c'est pas ouf, mais c'est un style très particulier, mais voilà, moi je suis particulier, comment très cartoonesque, en fait, c'est avec des personnages qui jouent dans la main, c'est-à-dire des jambes et des bras très fins, mais des mains et des pieds très gros. Effectivement très cartoon, c'est ça. Donc par la game Ultimate, comme toi, je suis rentré par là, et puis après en vieillissant, en voulant apprendre, tu sais, tu tapes les meilleures histoires à connaître de Spider-Man, et puis tu plonges dans le truc avec le Spider-Verse, et là je suis complètement... Mais ça n'hésitez pas d'ailleurs, enfin je trouve c'est de très bonnes portes d'entrée. Il y a des super sites. Vous cherchez 5 sites qui font des tops, des meilleures portes d'entrée dans une BD. C'est souvent les mêmes. Oui, c'est ça. Et vous recoupez à peu près les infos, et souvent c'est très bien. Et toi, Joe ? Alors moi je suis rentré au tout départ, ma porte d'entrée pour Spider-Man ça a été l'Estrange de mes cousins, de quand j'allais bouffer chez les potes de mes parents, il y avait toujours un gamin un petit peu plus grand que moi qui avait des Strange ou des Nova dans lesquels il y avait les Spider-Man de l'époque. Est-ce que les pages étaient collées? Non, bah pas, non, pas dans les... Non, les, pas, les mecs se masturbaient pas sur l'Estrange, bah, quand même. Pas. pas, non, pas. Non, non, non, il non, vraiment, non, c'est... non. Je pensais non. à la toile d'araignée, mais... Non, non, non, non, mais j'ai vraiment un souvenir très sensitif, en fait, de ces trucs-là, parce que je me souviens pas vraiment des histoires, mais je me souviens vraiment de la gueule que ça avait, ouais, je me souviens du papier, je me souviens de l'odeur des trucs et tout. Oui, les, et, bah, les très fins, comme ça. Là. Voilà, mais surtout, l'Estrange, en fait, c'était vraiment du papier de mauvaise qualité. Ouais, ça sentait vraiment l'imprimerie, quoi. Ça jaunissait dans les brocantes, ils étaient souvent un peu jaunes. Complètement. Et donc moi j'ai des souvenirs de ça et quand j'étais petit je faisais pas forcément de distinguo entre Marvel et DC, entre tous les super-héros, c'était juste genre ils étaient tous super et c'est vrai que Spider-Man avait malgré tout, comme quoi il y a vraiment une force assez universelle dans ce personnage et qui peut parler à tous les âges, c'est que c'était malgré tout un super-héros qui m'apparaissait beaucoup plus accessible que les autres, beaucoup moins monolithique, beaucoup moins déifié si tu veux, et effectivement tu le voyais dans la rue quoi, enfin tu le voyais se enlever son costume et mettre ses lunettes et aller à l'école, et ça je m'en rendais déjà compte quand j'étais petit, donc ça ce fut ma porte d'entrée pour Spider-Man. Et après je dois bien avouer que moi je suis tombé dans DC Comics et dans des trucs complètement différents, et que c'est concrètement les films de Sam Raimi qui m'ont refoutu dedans. Moi aussi. Et via les films de Sam Raimi, ma meuf de l'époque qui se disait bon mon mec c'est un peu un geekos donc je vais lui offrir des trucs comme ça, elle a eu l'excellente idée de m'offrir les recueils Panini des premières années de Spider-Man où c'était des complètes, et du coup je me suis plongé dans des comics qui sont très vieux, qui sont très difficiles à lire finalement, parce que ça a vraiment pas hyper bien vieilli en termes narratifs et de construction de dynamique de page et tout, mais ça m'a surtout, c'est très très verbeux, verbeux, mais c'était néanmoins une expérience hyper intéressante que de se replonger vraiment dans les origines du truc et de savoir apprécier pourquoi les films de Raimi se réclament de cette époque là et pourquoi aujourd'hui il y a des Spider-Man qui sont très très différents, qui en fait Spider-Man c'est tellement un personnage qui doit s'adresser à chacune des générations dans laquelle il est publié, si tu veux, que c'est vraiment un des personnages qui dont les évolutions au travers des âges sont les plus intéressantes je trouve, parce qu'elles suivent plus les évolutions sociétales que d'autres super-héros qui ont des phases qui sont définies par des auteurs qui ont des grandes idées et qui définissent des grands arcs. Mais c'est arrivé aussi dans Spider-Man, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que le personnage en soi, son essence, elle vient vraiment quand il est bien fait, je trouve, Spider-Man, c'est quand les auteurs qui l'écrivent savent sentir l'air du temps de l'adolescence, quoi, si tu veux, de l'époque à laquelle. Et c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas bien vieilli, parce que tu te reconnais plus dans les thèmes de l'époque. Mais cela dit, ça collait aux problématiques des périodes données dans lesquelles ça a été publié. Quoi. Mais d'ailleurs, dans cette idée-là, je pense qu'on n'en parlera pas vu que c'est pas un film, mais je regardais avant ceux de Sam Raimi, je regardais le dessin animé. Ah, si, sur TF1. J'ai pas prévu un gros truc, mais. Qui était en animation, c'était pas dingue. Graphiquement, ça faisait le taf, mais c'était hyper basique. Attends, moi je sais que j'ai grandi pile dans la meilleure génération pour ça, c'est-à-dire qu'il y avait X-Men. Ah, ça par contre, et Spider-Man. X-Men, c'était au-dessus de Spider-Man en termes de réal, en termes de prod. Moi, Spider-Man, j'avais qui? Ouais, non, c'était cool. Et là, pour le coup, c'était vraiment les trucs street level avec un méchant par épisode et tout machin. C'était vraiment, mais c'était cool. Ah, c'est très rafraîchissant. C'était très pulp et tout, tu vois. Et ça, pour le coup, ça passait le matin, donc c'était pour choper les très jeunes ou en tout cas les jeunes ados. Les Fox Kids. C'est ça. Et du coup, bah encore une fois, sur ce que disait Joe, c'est ça. C'était pour essayer de choper les jeunes et de leur dire, bah voilà, ça, c'est un héros qui vous ressemble, même en mangeant des céréales. Quoi. C'est un héros qui a des problèmes. Mais là, aujourd'hui, c'est fou hein, de constater à quel point il y a des trucs qui t'échappent, parce que je vais pas rentrer trop loin dans ma vie privée, mais je suis papa d'un petit garçon qui a 4 ans. Et c'est ouf à quel point. Donc, il adore les super-héros, alors qu'il a jamais vu ni un film de super-héros, ni un dessin animé de super-héros, qu'il a juste vu à l'école. Super, et à la maison. Non, mais pas que ton slip. Je pensais que c'était que moi, mais ça vient aussi vraiment de l'entourage de l'école, des trucs qu'il voit dans les. Enfin, tu vois, des Spider-Man Far From Home, les affiches partout. Bah, les jouets, les t-shirts. Et donc, les en fait, il a beau beaucoup aimer tous les super-héros. Tu vois, il connaît Batman, il connaît Superman, il connaît tous. Spider-Man, c'est le seul qu'il veut accrocher dans sa chambre, c'est le seul dont il a voulu les pompes alors qu'il n'en a jamais vu un de sa vie. C'est vraiment un truc où les gamins s'identifient immédiatement, quoi. Et je pense que c'est vraiment une combinaison de puissance visuelle implacable, du design, et de quelque chose de ouais, qui vient du domaine de l'irréflexe, de l'inconscience, tu veux, mais qui parle vraiment aux gamins. C'est comme Mickey, quoi. Et je sais pas, après, si, on peut pas tous les comparer, mais si tu prends Batman, il fait quand même un peu flipper pour un enfant. Oui, Spider-Man, il est intriguant. Il est un petit peu, tu vois ses grands yeux, il est mystérieux, mais il fait pas peur. Ça se rapproche presque du dessin animé. Tu vois, quand il a peur, quand il est triste et tout passe par les yeux. Ouais, quoi. Tout est exagéré. Les expressions sont exagérées et sont donc hyper identifiables facilement. Et c'est fou. C'est vraiment une force incroyable. Enfin, tu te dis des réussites artistiques et de design comme celle de Spider-Man. Il y en a vraiment peu qui parlent à autant de monde, quoi. Parce qu'il y a Spider-Man, mais il y a aussi c'est méchant. Enfin, moi, je trouve qu'une bonne BD, c'est aussi une BD qui a d'excellents méchants. Et alors, dans l'univers Spider-Man, il y en a moult. Ouais. Je vais pas vous faire une liste exhaustive. Je vais plutôt vous demander, lesquels vous parlent, vous. Moi, par exemple, je me permets d'ouvrir. Il y en a qui est pas forcément le plus célèbre pour les gens qui ne s'intéressent pas, enfin qui ont vu peut-être les films, mais qui s'intéressent pas plus que ça. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Kraven le chasseur, qui est, je trouve, qui est typiquement le genre de méchant. Très crédible, en fait, c'est à dire que même si les trucs de super-héros ça vous saoule, les trucs de dieux vivants, les trucs de symbiotes, de machin, de trucs nucléaires, là on est juste sur un gars qui voit Spider-Man comme un phénomène de foire et qui se dit ça fait partie, je le chasse et ça fait partie d'un truc que je veux afficher chez moi. Et je trouve que c'est un personnage extrêmement moderne, en fait, puisque c'est une problématique qu'on a même aujourd'hui avec l'écologie, l'environnement, ouais, tout ça, des mecs qui juste veulent, mais oui, mais. Moi, j'ai la fierté de l'avoir tué. Et en plus, c'est un personnage qui est complètement... Enfin, qui est tragique, qui est presque shakespearien, puisqu'il a une quête qu'évidemment, personne ne le suit là-dedans, et il devient presque fou à vouloir chasser Spider-Man. Et j'en profite pour vous conseiller. Alors, tout à l'heure, je vous demanderai, vous, vos bandes dessinées, parce que vous avez une plus grosse culture BD que moi sur Spider-Man. Mais moi, j'ai la BD La Dernière Chasse de Kraven, qui est une très très bonne bande dessinée que je lis même plusieurs fois, de Matisse et Zec. Et je sais pas de quelle année elle date, mais le dessin est assez moderne. 90, hein. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Vu les yeux, c'est années 90. un peu daté grâce aux yeux de Spider-Man. Non, et je vous invite vraiment à lire cette BD. C'est un joli morceau. En plus, c'est typiquement la taille que j'aime bien, quoi. C'est pas Civil War où il faut 14 semaines pour le lire. Figure-toi qu'il y a 1985, 1963, 1976, 1992, 1996. Il doit y avoir une sorte de compil. C'est ça, mais du coup, tu rentres dans un univers qui est vraiment chambé. Et voilà, donc si vous connaissez pas Kraven le chasseur, je vous invite à lire les BD avec ce méchant parce qu'il est vraiment cool. Après, évidemment, il y en a plein d'autres. Non, bien sûr. Et moi, celui que j'adore aussi, c'est évidemment le Docteur Octopus. Je sais pas Docteur si Octopus. Mais justement, en fait, je pense que là, un des points communs des deux persos que tu viens de citer, des deux vilains, c'est que c'est pas le mal incarné. Bien sûr. C'est pas un Joker qui est complètement fou et qui veut juste voir le monde brûler. C'est Kraven, tu vois. Bon, alors c'est un chasseur et c'est pas bien de chasser. Mais il y en a beaucoup en France, ils ont aussi leur petit parti politique. voilà, on va pas. Et ils ont le droit de s'exprimer, quoi. Jour d'aujourd'hui, hein, les AJW. Non, et c'est pareil, le Octopus, moi, c'est le genre de méchant que j'aime bien parce que c'est un savant fou, quoi. C'est le savant fou. Et puis d'ailleurs, on n'a pas encore parlé du côté scientifique de Peter Parker, mais c'est vrai que c'est un gros morceau. Mais je t'ai coupé, tu parlais de. Non, je te lançais plus ou moins. Je sais pas si Octopus est parti. Si, bien sûr, Octopus, et même ne serait-ce que visuellement. Bah alors, il a une sale gueule, hein, sa coupe au bol et ses lunettes, il a quand même sacrément une sale gueule. Du coup, ils le font pas mal évoluer d'ailleurs. Ils le font pas mal évoluer. Dans le jeu vidéo, il ressemble à François Hollande. Je sais pas si vous avez vu le jeu. C'est tout à fait vrai. Et dans Spider-Verse, c'est carrément une meuf. Ouais, complètement. Moi, je pense que mes vilains préfs. Bouffon vert, j'ai jamais été très très bouffon vert. Moi non plus. En fait, j'aime. Très théâtral, mais. Ouais, mais j'aime beaucoup par contre le fait que. Enfin, le côté Osborn. Et ce qui est génial d'ailleurs dans le premier film, bon, on va pas trop parler des films parce que je pense que ça va être le gros morceau du podcast, puisque moi j'ai plus grandi avec les films, mais c'est le côté le père. Je sais pas s'il y avait ça dans les BD, le côté ce serait le père parfait pour Peter, mais c'est le père d'Harry, et ça je trouve ça formidable. Et en plus, il délaisse Harry parce que Peter est une tronche et que il est torturé et tout, c'est vachement bien. Effectivement, plus Norman Osborn que le bouffon vert, mais sinon en méchant pur, moi j'aime beaucoup les méchants un peu désuets qui jusqu'à avant très récemment, n'avait pas vraiment évolué comme le vautour par exemple. Oui, bien sûr. C'est un méchant des années 50-60, quoi, juste à sa gueule. En 50, il n'existait pas, mais oui, 60. Ah ouais, 60. Ouais. 60. Bah, Spider-Man, c'est 62. Ah, donc, pardon, Pierre Tchernia, excusez-moi. et sinon, évidemment, Mysterio, que j'aime tout. C'est-à-dire, visuellement, sans même parler du dernier film, hein, mais juste visuellement, il est super. Et c'est juste un gars, c'est un pauvre type qui veut passer pour un héros et qui est un maître des illusions. Enfin, je sais pas, c'est. Il a aucun pouvoir, c'est juste un mec qui envoie de la poudre aux yeux et c'est mais un qui mec... arrive souvent hein, dans les BD bien à sûr. 20, ouais. enfin 20, à la à mettre minable ouais. Spider-Man. Ouais. Mais c'est juste un pauvre gars qui veut juste dire aimez-moi en fait. Donc c'est... non mais c'est pas en fait c'est ça, c'est les méchants un peu torturés et encore une fois qu'ont des problèmes de la vie quotidienne quoi, qui sont évidemment exacerbés. Et c'est des méchants hyper théâtraux. Oui, tout à fait, Spider-Man, tiens, prends ça. Donc ça c'est plutôt cool. C'est Nicky Larson ça, voyons. Ouais, tout à fait. Je suis Philippe Lachaud, c'est moi. Bah, j'allais dire Mysterio aussi, j'adore Mysterio déjà parce que ouais, voilà, quand j'étais gamin, ce mec avec un bocal sur la tête et sa cape, moi j'aime les capes et la cape de Mysterio elle est tellement théâtrale et tout, enfin, j'adore l'accoutrement du mec. Et effectivement le côté spécialiste des effets spéciaux un peu loser qui arrive pas à devenir célèbre et le seul moyen de devenir célèbre c'est de péter la gueule d'un super-héros. C'est complètement neuneux comme motivation, mais tu te dis bon bah parfois quand t'es vraiment un gros loser t'es prêt à tous les trucs les plus pétés juste pour te sentir vivre un peu. Et pour moi Mysterio c'est vraiment ça, c'est un personnage qui se marre pas, qui a pas vraiment de trucs cool dans sa vie et qui a besoin de se sentir exister quoi. C'est vraiment très inspiré des gens qui ne réussissent pas dans leur carrière, ouais, surtout les acteurs. Et c'est vrai que ça à ce niveau-là. Le personnage de Jean Dujardin dans The Artist pourrait devenir un méchant. De complètement. De Spider-Man. Mais non, mais tu plaisantes. Mais oui, je suis assez d'accord. Mais c'est marrant parce que tu peux faire ça pour à peu près tous les univers de super-héros, mais tu peux un peu classer les méchants dans deux catégories. Il y a ceux qui sont les méchants un peu occasionnels qui vont donner du fil à retordre et il va y avoir baston et ça sera fini. Et il y a les méchants avec qui Peter Parker entretient quand même une relation un peu amour-haine, comme Norman Osborn ou Octopus, où tu vois, en fait, il y a plusieurs fois, des dizaines de fois dans les comics, dans les arcs, où ils vont se retrouver nez à nez et puis ils vont devoir, entre guillemets, faire équipe ou en tout cas ne pas se mettre sur la gueule parce qu'ils ont un intérêt commun et parce qu'ils peuvent pas juste se tuer, tu vois. Un peu comme Batman le Joker, par exemple, à un autre level. Alors, tu disais qu'il y avait deux catégories de méchants, il y a aussi une troisième catégorie qui sont les grosses merdes. Puisque j'ai noté, en fouillant un peu dans le web, parce que pour un lézard, un scorpion ou un rhino ou un venom, il y a par exemple Plantman. Oui. Vous avez déjà vu Plantman? Oh bah oui. C'est un homme plante. Ouais, non. Mais encore pire, c'est qu'il est en haut d'un arbre. Ah oui, voilà. C'est génial. Voilà, il y a une. Ah c'est Plankman alors. Non, c'est Plankman. Ouais, non. Et il balance par exemple pour combattre Spider-Man, il lui envoie des coconuts, des noix de coco, tout simplement en pleine gueule. Voilà, ce genre ça fait, je sais pas si tu as déjà pris une noix de coco dans la tronche, mais ça fait quand même vraiment très très mal. C'est vrai. Mais genre, il y a des cocotiers à New York donc. Non, parce que c'est un homme. Peut-être qu'il a le pouvoir de faire pousser des noix de coco. Il y a le kangourou. Ouais. Alors pareil, c'est un mec très balèze qui ressemble un peu à Drago dans Rocky, mais qui saute très très haut. Ça, et est-ce qu'il a dans sa poche abdominale un autre petit kangourou non. Tu vois, un sidekick. En tout cas, pas sur les images que j'ai sous les yeux, mais ce serait vraiment stylé. Dans une poche abdominale. Et il y a aussi, alors celui-là est très connu des fans de Spider-Man, qui est vraiment ridicule, c'est la grosse roue. C'est un mec qui est dans une très grosse roue. Et alors c'est une grosse roue un peu robot hein, qui attaque les gens. Mais visuellement, ça reste une grosse roue. Donc mais ça, tu vois, c'est tout à fait le genre de personnage que j'aimerais voir réinterprété par des auteurs qui en feraient vraiment des trucs un peu... Il y a un auteur chez DC Comics qui fait très bien ça, c'est Grant Morrison, qui son truc préféré, c'est de prendre pas forcément des méchants d'ailleurs, des personnages issus souvent des années 60 et 70 qui ont été complètement oubliés et qui sont nuls. Et de les remettre au centre de l'attention. Bah là, il y a Kite Man dans. Il est super d'ailleurs. Dans le Batman. Il est pas du tout ridicule. Non, il est pas ridicule, mais c'est juste devenu un personnage récurrent, un gros loser de Kite Man. Bon, c'est l'homme cerf-volant quand même. Hein, voilà. Et il en a fait un père de famille dévasté, hyper badass. Parce que son fils est mort empoisonné par la ficelle de son cerf-volant sur laquelle on avait mis du poison. ça, c'est un peu drôle. Et c'est vraiment ce genre de méchant-là où tu te dis, tu peux les récupérer aujourd'hui et en faire des trucs hyper second degré, mais hyper intéressants. Oui, parce que ce qu'avait fait un peu Lego Batman d'ailleurs, avec tous leurs méchants un peu nuls de Batman, parce qu'il y en avait des jolis aussi. Ah bah oui. Ils les avaient tous mis dans le film, quoi. Tu pouvais vraiment voir tous les méchants de Batman. Par contre, moi, dans ceux que j'aime bien, et alors je les ai rarement vus, enfin, je les ai jamais vus adaptés au cinéma. Et alors, moi, je voudrais vraiment rétablir quand même la justice sur la Chatte Noire. Qui est un personnage que je trouve fascinant, mais qui est mais un c'est peu. C'est casse-gueule, un peu, je pense. Hein. Au cinéma, c'est hyper casse-gueule. C'est casse-gueule, et ça nécessite que Peter soit un peu vieux, je pense, quand même. Parce que c'est un peu sexualisé, un peu plus sexualisé. C'est ça. Ce qui commence à peine à être le cas là maintenant, on est encore très loin. Mais voilà, je pense que ce sera un perso, j'ai hâte de le voir adapté au cinéma, clairement. Parce que je pense que ça pourrait être un super méchant. Mais c'est vrai, parce que dans les films dont on va parler là, il y a quasiment toujours eu Mary Jane, parfois Gwen Stacy. Et je me dis, est-ce qu'ils se sont dit, ah, si on met un vilain femme, est-ce que ça va pas foutre le bordel dans les triangles amoureux, blablabla. Donc, je sais pas. Mais effectivement, ça serait très intéressant d'avoir, d'avoir ce personnage. Il y a peu de méchantes stylées dans l'univers Marvel. C'est donc, quand on en a, ce serait quand même cool de les voir aussi. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Avant de passer au film, là, je me tourne vers vous. Alors, il y a eu de très grandes sagas de Spider-Man. Mm-hmm. Il y a eu, donc tu parlais tout à l'heure de la saga des clones. Ouais. Alors pour les gens qui connaissent peut-être pas beaucoup la bande dessinée, elle est quand même considérée régulièrement comme une espèce de blague. Ouais, mais en tout cas, comme une mauvaise, comme une blague, mais quelque chose de. Ouais, ça a quand même. C'était une bonne idée. Dans les années 90, ils en ont vendu par palette entière de la guerre des clones. Parce que quoi le concept alors du coup. Le concept, c'est que en fait, Peter Parker s'aperçoit du jour au lendemain qu'il n'est pas le seul Peter Parker, que des clones de Peter Parker existent et que lui ne serait pas son identité même est remise en question. C'est pas lui l'original. C'est pas lui l'original et donc il y a d'autres Peter Parker et d'autres Spider-Man qui eux aussi veulent veulent une vie si tu veux, veulent exister et c'est ça a vraiment mal vieilli effectivement, surtout visuellement en fait, parce que dans les c'est pas bien, mais les thématiques abordées sont pas inintéressantes. Ah non, je suis d'accord avec toi. De la quête d'identité et de comment un super-héros n'est pas. Comment être la copie d'un super-héros ne fait pas de toi le vrai même super-héros que celui d'accord. qu'on connaît alors depuis le début. Alors que génétiquement, t'es le même. Et, et je trouve qu'il y a plein de trucs pas inintéressants dedans, mais c'est juste illisible. En fait, t'imagines trop, il y a un gars, je sais pas si c'est Stan Lee ou j'en sais rien, qui a dit hey, les gars, venez, on fait un truc avec des clones, ça peut être intéressant, crise d'identité, machin, là. Donc tout le monde dit ouais, tu vois. Bon, là, c'est moi qui fais du crafting. T'inquiète. Et j'imagine des gars qui font ah ouais, on pourrait faire ça. Et ça, et genre après, c'est l'escalade, et en fait, c'est les mauvaises idées qui s'accumulent, et en fait, c'est la surenchère, et ça devient n'importe quoi. Ah, et puis, ils ont foutu le chacal au milieu, qui est quand même. Mais, de mon point de vue, ce qui ressort de bon de ce truc-là, c'est le personnage de Ben Reilly, et notamment de Scarlet Spider, parce que visuellement, un Spider-Man rouge avec une veste en jean, je trouve ça plutôt méga stylé. Après, voilà, c'est pas forcément le perso le plus abouti, mais il est pas dégueulasse visuellement. Moi, j'aime bien sa gueule. Ouais, je sais pas, c'est vraiment un truc un peu maudit, quoi, la saga des clones. Et je pense que comme dans plein de sagas un peu controversées aujourd'hui, il n'y a pas que du mauvais. Et on était, comme tu le disais tout à l'heure, on était dans les années 90, donc c'était vraiment une période où ça partait vraiment dans tous les sens. Et où aujourd'hui, tu te dis, c'était un peu les années 80 du comics, quoi. et pourtant, je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à creuser. Mais tu vois, là, récemment, je ne sais pas si tu voulais faire une chronologie des arcs les plus importants, mais récemment... Je vous avoue, je suis un peu moins calé, donc j'étais en train de me dire je me laisse guider. J'étais en train de me dire que justement, ils n'avaient pas spécialement tenté de refaire une saga impliquant des clones. Non, mais le multivers permet... Le multivers, j'avais amené à ça, le multivers qui pour moi est déjà une bonne idée. Qui est assez récent, d'ailleurs. Une bonne idée, réussie, notamment le dernier arc, ça arrive après beaucoup de trucs différents, notamment Miles Morales, l'arrivée de Miles Morales, etc. Spider-Geddon. Même avant Spider-Geddon, c'est le Spider-Verse, où tu apprends qu'il y a un multivers avec différents Spider-Man, et ça remonte même à avant où tu. Je sais plus, c'était vers les années. C'est dans les années 2000, j'ai pas la date exacte, où tu commences. En fait, ils ont plus ou moins réadapté. L'origine en tout cas du côté araignée de Peter Parker où l'araignée l'a piqué, mais est-ce que c'était une araignée juste dans un labo, est-ce qu'elle était pas censée être là, est-ce que c'est pas ton destin, est-ce que c'était une araignée, est-ce qu'elle t'a filé des pouvoirs parce qu'elle était génétiquement modifiée ou est-ce qu'elle avait déjà des pouvoirs et elle t'a piqué parce que c'était ton destin et tu devais être l'avatar du pouvoir araignée qui vient peut-être d'un dieu araignée, enfin un truc très mystique et très, moi j'ai trouvé ça super, en plus c'est dessiné par Romita Junior que j'adore. Qui est considéré comme un des ça plus... dépend ce qu'il fait mais j'avoue. Non, c'est vrai. Non, mais Spider-Man, il est très bien. C'est ça. Dans la saga Spider-Man, il est considéré comme un des meilleurs dessinateurs des aventures de Spider-Man. Avec Straczynski, j'avais jamais vu son nom, l'auteur Straczynski. Et donc voilà. Et Uderzo. Uderzo et Straczynski. C'est lui, tout à fait. Et donc voilà, ce truc-là a mené à peut-être qu'il y a d'autres entités totems aussi dans d'autres, dans d'autres univers du multivers. Et donc après, en gros, il y a une espèce de race de vampires, vieux vampires, qui avait pour but de chasser, un peu comme Kraven d'ailleurs, de chasser les totems araignées et de s'en repaître. Oui, parce que les vampires, moi, ça me faisait flipper quand j'ai commencé Spider-Verse, parce que tout le monde me le conseillait. J'étais là, genre, oh là là, les vampires, c'est pas mes trucs préférés dans Spider-Man. Mais celui-là, c'est très bien aimé. Puis en fait, c'est plus des éléments perturbateurs qui lancent tout le truc après. Exactement, donc après, c'est un prétexte, ça aurait pu être des aliens, ça aurait été pareil. Exactement. Et du coup, c'est là que tous les totems, tous les avatars, on va dire, du multivers, les spider avatars du multivers se réunissent pour contrer cette menace-là. Et là, c'est mortel parce que c'est méga méta. T'as même justement Tobey Maguire et Andrew Garfield qui arrivent en caméo. Il y a le Spider-Man japonais, il y a Spider-Cochon. Ouais. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Oui, mais c'est plus gros que si jamais vous avez vu le dessin animé Spider-Verse. C'est plus gros, c'est très complet. Hein, c'est une bonne nuit. On aura l'occasion de revenir, c'est une très bonne adaptation. Mais la bande dessinée, elle regorge de trucs super. Moi, je l'ai lu pour le coup, Spider-Verse, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Autre truc que j'ai lu et que moi, j'avais pas ultra kiffé, mais je trouvais ça plutôt intéressant autour de Spider-Man, c'est le Civil War, qui est quand même considéré comme un gros, gros moment de l'histoire des comics. Moi, c'était peut-être un peu gros pour moi. Moi, j'en pouvais plus. Le changement de dessinateur, des fois, j'arrive à passer outre, mais là, ça m'a trop saoulé. Enfin, c'est la foire. Enfin, c'est vraiment, Et le gros truc autour de Spider-Man, c'est qu'il décide de révéler son identité, ce qui avait fait un tollé à l'époque dans l'histoire des super-héros. Moi, j'ai vraiment des gros problèmes avec Civil War, donc je suis pas forcément la meilleure personne pour en parler. Non, mais c'est intéressant, Bah, pour moi, c'est vraiment un truc hyper surestimé et qui pâtit des tics d'écriture de Mark Millar qui peut pas s'empêcher parfois de faire juste du trash pour du trash, enfin de la provoque pour de la provoque et où tu te dis, ok, c'est con parce que tes idées de base sont pas inintéressantes, mais c'est tellement ça a tellement envie d'en mettre plein la tronche au lecteur que c'est quand même très souvent gratuit et je trouve que le traitement du personnage de Spider-Man n'est pas des plus passionnants. Mais moi j'aime bien le dernier combat de Mark Millar. Je trouve pas mal. Je me souviens plus du titre anglais pour être tout à fait. Une BD de Mark Millar. Ah oui, mais qui n'a rien à voir avec Spider-Man. Ah si de Spider-Man. Marvel Knight. C'était le label un peu adulto. Millar avait fait un Spider-Man qui était pas inintéressant, qui s'appelait Le Dernier Combat, où il y avait Captain America. Enfin, il essayait de les Avengers lui faisaient la gueule et tout. Donc au début, tu comprenais pas trop. Donc, celui-là était pas si. Enfin, moi, je l'avais trouvé pas si mal. Ok. Voilà. Non, mais voilà. Je pense aussi. Pour défendre un peu Mark Millar. Je fais un peu du theory crafting encore une fois, parce que j'ai pas lu Civil War en entier, ni le 2 d'ailleurs. Mais je me dis, ce qui a pu foutre la merde par rapport au moins à Spider-Man et le fait qu'il révèle son identité, c'est. Limite, c'est pire que quand un héros meurt, parce que c'est-à-dire, il meurt pas, mais sa vie va changer du tout au tout maintenant que tout le monde sait. En même temps, il a pris position aussi. Puis il décide de le dire lui-même, ce qui paraît peut-être un peu stupide, parce qu'effectivement, tout le truc de Spider-Man qui est intéressant, c'est de dire non, il veut protéger ses proches, du coup, il veut pas qu'on le sache. Et puis, tu sais, justement, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire que ce qui caractérise Spider-Man et Peter Parker, c'est le fait d'être street level et d'être accessible. Et là, il se rend un peu plus adulte et un petit peu plus responsable, il sort un peu de sa ligue j'ai fait un anglicisme, pardon. En enlevant un peu son masque et en disant voilà, je fais un statement, c'est moi. Enfin, tu vois, et du coup, ça fait un peu peur quand tu t'es attaché à un perso et que tu dis ok, c'est un perso qui m'appartient. Enfin, je sais pas, t'as l'impression qu'il rentre dans une guerre un peu médiatique. Et tu vois, c'est un peu. Je pense qu'en approchant ce sujet-là, on arrive sur un des paradoxes et un des trucs qui fait que Spider-Man est à la fois un personnage génial et en même temps hyper contraignant. C'est que il est vraiment toujours le cul entre deux chaises entre l'adolescence et l'âge adulte. Ouais. Et que dès que t'essayes de te mettre dans un côté entièrement ou dans l'autre, il y a forcément une partie du lectorat qui va se sentir lésée. Et c'est pour ça que je trouve que Spider-Man, c'est un des personnages, j'en sais rien parce que je suis pas auteur de comics, je suppose que c'est un personnage hyper difficile à écrire parce que il y a ce juste milieu qu'il faut savoir, parce que mine de rien, tu peux pas faire en sorte que le mec grandisse pas et que ce soit toute sa vie. Effectivement, c'est des choix d'auteur quoi. Moi je vais le faire comme ça. Ouais, et faut exactement. Pas trop trembler de la jambe quoi. Faut y aller à fond et je suppose qu'il faut vraiment savoir exactement où est-ce que tu as envie d'aller avec. Alors que les lecteurs, eux, vieillissent. Et donc, ils aimeraient bien évoluer avec leur personnage. Donc, c'est tricky. Mais c'est ce qui est un peu aussi excitant, je trouve, avec le fait d'avoir un truc qui est devenu aussi énorme que Spider-Man. C'est que maintenant, moi, j'ai l'impression qu'on. Enfin, je suis prêt à voir tout. Enfin, j'ai vu Spider Cochon, quoi. Tu vois, donc, je suis prêt ça m'excite, en fait, de me dire, on peut faire un peu ce qu'on veut, exactement comme tu disais tout à l'heure, Mickey ou tous ces trucs-là, quoi. Je me dis, ça y est, c'est devenu tellement un truc de pop culture énorme qu'on a atteint le stade où on peut le représenter un petit peu comme on veut, quoi. Mais d'ailleurs, même là, le Spider-Verse, c'est un outil qui permet quand même de créer, c'est un outil créatif de dingue. Et tu regardes, je pense que tu interroges les jeunes, enfin n'importe qui, c'est même pas par rapport à l'âge, je suis pas sûr que Peter Parker soit le Spider-Man préféré de la majorité. Spider-Gwen. Exactement. Du coup, c'est cool qu'un gars qui était tout seul au départ, maintenant il y a ce qu'on appelle la Spider-Family, et où chacun peut. Le degré de. L'identification potentielle. Mais ce qui est beaucoup moins évident pour tous les autres super-héros, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Parce que Wolverine, c'est Logan. Ouais. Batman, il y a eu d'autres Batman, mais c'est quand même régulièrement. T'as la Bat-Family, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais, c'est... Ouais. Quand c'en est d'autres, on est toujours un peu genre, ah, pas Bruce Wayne. Enfin, j'ai l'impression que ils sont pétés du casque en plus. Ouais. Ils sont tous fous. Ouais. Très bien. Bah écoutez, les amis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les bandes dessinées? Est-ce qu'il y a... J'ai vu que là il y avait genre JJ Abrams, c'est son fils qui allait faire un truc. Bon, ça c'est voilà, il y a eu une annonce, c'est le fameux truc où tout le monde a cru que c'était un Spider-Man 4 de Sam Raimi. Oui, parce qu'en fait non, il y a eu, en fait tout ce que disaient les gens était mieux que ce que c'était au final. Ouais. S'il y avait aussi genre le rendez-vous entre les 4 fantastiques et Spider-Man, ça a un peu fait pchit alors. Ah, ça a vraiment fait pchit. Alors ça se trouve ce surtout sera que c'est bien, un kiff entre JJ Abrams et son fils. Voilà, c'est ça, c'est moi le seul truc qui fait une balade en forêt comme tous les pères avec leurs enfants. Le seul truc qui me fait bizarre, c'est que le titre, alors c'est un truc vraiment d'aficionado, mais ça veut rien dire à la fois, c'est que le titre c'est Spider-Man. C'est pas genre The Marvelous Spider-Man ou un nouveau, tu vois, c'est Spider-Man tout court, comme si ça allait être la nouvelle série régulière. Ou alors comme si ça allait être un one shot décorrélé de la chronologie. Bah dans ces cas-là, c'est con parce que quitte à tant qu'à faire, moi j'aurais mis un adjectif de ouf devant Spider-Man, que tout simplement Spider-Man à moi, tu vois. Genre The Wonderful ou The Fantabulous. The Fantabulous. Il est pas un peu jeune, moi surtout le fils de. Je sais pas. Est-ce qu'il est auteur dans la vidéo que... Dans la vidéo, il avait l'air. Jeune de ouf. Il était en stage de 3ème chez son père. Non, mais j'en ai aucune idée. Moi j'aime beaucoup les metteurs en scène qui, pour se reposer d'un Star Wars, écrivent un Spider-Man. C'est vraiment une vie que je trouve pas mal. C'est un bon auteur, J. Abrams ou pas? Je sais pas s'il a fait du comics, quoi, tu vois. Ouais, en comics, je sais pas ce que ça donne. Après, c'est plutôt un bon réalisateur, malgré tout ce que les gens peuvent penser. Il a pas une patte de ouf, mais. Les lens flares déjà. Non, mais je veux dire, bon, j'ai jamais trouvé ça horrible ou quoi. Et non, en comics, je me demande, mais c'est vrai que ça a vraiment fait pchit quoi. Moi, je m'attendais tellement à 1000 trucs. Le Spider-Man 4, parce que Sam Raimi, il avait travaillé sur un film Spider-Man 4, et l'adapter en comics, c'est vrai que ça. Ouais, mais ça aurait été bizarre avec Sony qui team avec Marvel pour prêter le personnage. Ça aurait été bizarre qu'il y ait un truc qui arrive comme ça. Sony s'en branle, enfin, tu vois, il y avait un côté genre ça les regarde même pas Sony en fait. C'est les comics, ils s'en foutent. Tant que tu peux faire de la thune. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Le nombre de BD qui sont sortis autour des films, genre c'est l'univers, ça continue. C'est canon. Mais après, tu vois, comme tu dis, c'est pas un mauvais réalisateur, donc peut-être qu'en termes de mise en scène et de storyboard, ça aura de la gueule. Après, faut voir qui va dessiner. Ah, bah si, c'est Sarah Pichelli. Donc, Sarah Pichelli, c'est la créatrice de Miles Morales. Ça, c'est plutôt engageant. C'est une super. Dessinatrice, artiste. Voilà. Je suis papa pour la deuxième fois. Depuis peu. Ouais. Le mec, il invente des enfants pendant l'émission. Tout à l'heure, t'avais un enfant. Entre deux émissions, il a fait un enfant. C'est quand même assez fou. Nous, passons je à la tire plus vite que mon ombre. À la seconde partie puisqu'il s'agit des films. Bah quoi, c'est Spider-Man. C'est la BO de Spider-Man 1 des années 2000. Ah là, c'est très 2000. C'est Josie Scott. L'homme qui a des nouilles sautées sur la tête. Ah, Nickelback. Des nouilles chinoises. Non, j'avais pas. Des ramen, ouais. Bah oui, bien sûr. Attention. On est sur Wii FM, on est en 2002. On est sur Wii FM et c'est Nickelback à l'instant à venir dans les starting blocks. Superbus avec Pop of Gum. Hero. Alors, la chanson du générique de fin de Spider-Man 1. Spider-Man 1 qui a vraiment des milliards de chansons très début 2000. Je veux pas spoiler, mais peut-être qu'on finira l'émission sur une chanson que j'adore qui est dans cette BO. Spider-Man 1 de Sam Raimi. Alors avant de parler du film en lui-même de Sam Raimi, il faut savoir que Spider-Man, il y a eu une longue gestation puisque la BD est très vieille et qu'il y a eu plusieurs tentatives d'adapter la bande dessinée. Il y a même eu des téléfilms un peu pourris, des trucs un peu foirés à la télé. Mais l'adaptation la plus connue qui devait se faire était réalisé par James Cameron. Ouais. C'est le film qui devait faire. Donc il reste beaucoup de choses d'ailleurs dans le. Énormément de storyboard, énormément de dessins préparatifs, puisque c'était le film qui devait faire, je crois, à la place de True Lies, ou alors après True Lies. Enfin, en tout cas, c'était mi-90. Mais au final, ses envies étaient tellement énormes, et en fait, donc ils ont beaucoup galéré à trouver un bon scénario pour que Cameron soit heureux. Et en fait, les gens qui avaient les droits d'auteur, qui sont une très grande société, je crois que c'est Caroloco, je crois, de mémoire, ou un truc comme ça, ils ont fait faillite, en fait, tout bonnement. Voilà, tout simplement. Donc, ni plus ni moins, et donc, du coup, les droits se sont un peu perdus dans la nature, et James Cameron. A eu un peu la flemme et du coup a fait autre chose, donc il a fait True Lies et Titanic, donc on va pas lui, voilà, je pense qu'il sait ça va. Et derrière c'est Columbia et Sony qui récupèrent les droits de Spider-Man et qui vont pas vouloir les lâcher tout de suite, hein, vraiment pas avoir une succession de bastons. Pour ce premier film, donc Spider-Man, réalisé par Sam Raimi. Sam Raimi qui est un choix quand même un peu surprenant, qui peut paraître surprenant si on se remet dans l'époque, puisque c'est le papa des Evil Dead, des trois Evil Dead. Il avait fait Mort ou Vif aussi, un film de cow-boy avec Sharon Stone, c'est ça, je crois. Et DiCaprio aussi. Darkman, Un plan simple, Morceau le Grill, enfin, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que c'était pas un mec qui faisait des gros blockbusters hollywoodiens, quoi. Mais il le dit lui-même en interview que les Spider-Man, ça a été ses projets les plus challengeants parce qu'il était vraiment pas du tout dans sa zone de confort à réaliser ces gros budgets là et c'est marrant que tu parles du développement du film de James Cameron et tout, parce que il y a quand même quelques éléments qui avaient été prévus, qui ont été imaginés à la base pour le film de Cameron, qui se sont retrouvés dans le film de Sam Raimi. Bah, par exemple, la toile organique. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un truc qui vient du développement du film de Cameron. Qui fait débat, cette idée. Bah, on pourra oui, discuter. Oui, on peut le dire tout de suite. Moi, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça même très cool. Moi, je trouve ça super. Ouais, je trouve ça cool parce que ça va. Alors, c'est pousser la logique très loin de la puberté, mais je trouve que ça va très bien dans l'esprit et je vois pas le problème. Mais, seulement il y a ça, mais en plus, quand tu pars du principe que le mec s'est fait mordre par une araignée radioactive et que donc il hérite des pouvoirs d'une araignée, c'est quand même con qu'il ait toutes les caractéristiques d'une araignée sauf celle de pouvoir tisser une toile. J'ai tous les pouvoirs de l'araignée, mais il faut quand même que je fabrique ma toile parce que. D'autant plus chez Sam Raimi, où en plus c'est vraiment, il est vraiment filmé comme un mec qui se transforme en monstre en fait. Justement, je sais pas si on en est à donner son avis ou pas. Ah ouais, vas-y. Bon, en fait, sont les gens. Alors là, pour le coup, on va spoiler chaque film, dont on va parler. Je mettrai des petits disclaimers sur les plus récents, mais donnons notre avis. Les gens l'ont vu, je pense, Spider-Man 1. C'était pas pour donner mon avis en premier, c'est parce que je voulais rebondir sur ce que vous disiez et j'avais pas revu la trilogie de Sam Raimi depuis un très gros bout de temps. Et un truc qui m'a choqué, j'avais pas du tout ce souvenir-là, c'est qu'en fait, c'est des putains de films d'horreur en fait. Ah ouais, grave, mais oui, mais ouais. Alors quand tu dis Sam Raimi, évidemment c'est logique. De monstre en fait, moi. Voilà. Et en fait, ce côté toile d'araignée organique, c'est une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Moi, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est que je suis parti déjà d'analyse que c'était dommage parce que ça enlevait un morceau du côté ingénieur scientifique tronche de Peter Parker. Parce qu'on sait que c'est lui qui fait sa toile et c'est lui qui fait l'outil qui tient l'étoile. Pourquoi pas? Mais en revoyant le film, je me suis dit. Ok, sans parler de l'analogie de la puberté et tout ça, juste, ok, moi ça me fait penser à la mouche carrément Je pense que c'est même une, ouais, je pense que c'est une référence. Voilà. Et pendant tout le film en fait, et on va en discuter, mais ce qui fait que j'arrive pas à savoir si je l'aime moins bien ou mieux qu'avant, c'est qu'en fait, il est hyper dark et il est tout le temps en souffrance, Peter Parker. Ça crie dans tous les sens en mode vraiment film. En fait, j'ai eu l'impression d'un peu de subir le film. Mais pas forcément dans le mauvais sens, mais d'être attaqué entre guillemets, alors que mon Spider-Man, enfin l'idée que je me fais du Spider-Man, c'est plutôt un gars loser, oui, qui est dans la merde, oui, mais qui est quand même positif et qui crée l'espoir. Et là j'avais l'impression qu'il était vraiment en mode il m'arrive que des merdes, il m'arrive que des horreurs, tout le monde gueule. Bah c'est l'archétype un peu d'un truc qu'on a après beaucoup vu, mais c'est vraiment le petit geek pour le coup qui galère et qui est amoureux de la plus belle fille du lycée et qui aimerait trop la voir mais qui l'aura jamais et son corps change comme dirait De Cône dans son sketch. Mais il est même bully, hein. Enfin genre tout le monde. Ah ouais, il se fait défoncer, ouais, bien sûr. Par tout le monde, c'est... Bien sûr, mais moi j'aime beaucoup je rapproche vraiment les trois premiers Spider-Man aux deux Batman de Tim Burton d'aborder le super-héros vraiment du côté monstre, de la transformation et du côté, alors c'est le fameux extrait du film, mais c'est j'ai reçu un don, une malédiction, quoi. C'est, je trouve que tout est dit en ces deux mots. C'est est-ce que c'est un don, est-ce que c'est une malédiction? Et la trilogie parle de ça de façon assez intelligente et plutôt. Alors on aura l'occasion de parler du 3, mais en tout cas je trouve que c'est assez filé en fait. Quand tu revois les 3 d'affilée, il y a une sorte de cohérence qui saute aux yeux à laquelle on faisait pas gaffe forcément quand on voyait les films au cinéma parce qu'ils avaient 2 ans à chaque fois ou 3 ans d'espace. Et quand tu vois les 3 d'affilée, t'es là genre avec les qualités et les défauts de chacun des films, hein, mais il y a une vision d'auteur en fait qui s'étale sur les 3 trucs et c'est assez brillant. On va même s'écouter un petit extrait. Ouais. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Et même dans la musique, hein, d'ailleurs. Bah c'est un peu ta voix quand même. À la fin du film. Et la musique est cool. Allez, oui, salut, c'est la générique. Est super. C'est Daniel Elfman. Oui, bien sûr. Mais donc du coup, je file encore plus le parallèle avec Batman. Ouais, mais tu vois, c'est pas forcément. Alors, chacun sa vision du truc, et je pense que 1 million de comics peuvent me donner tort sur ce que je vais dire. Mais moi, j'avais pas cette cette vision d'un monstre. J'avais plutôt un gamin qui reçoit effectivement pas forcément un cadeau, mais peut-être un fardeau, mais qui va quand même essayer d'en faire quelque chose de positif et de lumineux. Alors que là, on est vraiment, comme tu dis, sur le côté. Mais lui, il essaye quand même d'en faire quelque chose de positif. Bah, il essaye, mais je trouve. Enfin, franchement, alors, j'essaie vraiment de mettre de côté ma hate pour Tobey Maguire, parce qu'en les revoyant, elle s'est amenuisée. J'ai moins envie de gifler. Je suis tellement heureux que tu dises ça, Ben. Mais je trouve pas que ce soit. Dans ces films-là, je trouve pas que ce soit bon acteur, mais ça, c'est mon goût perso. Mais je trouve pas qu'il propose un côté. Je veux être positif. Tu vois, il fait très peu de blagues. Alors, on aime ou pas, mais on n'est pas obligé de faire un Spider-Man qui fait des blagues, mais ça prouve que. Non. Il est vraiment très dark et très pessimiste, il est très en souffrance, je le redis. Et quand il a le costume de Spider-Man et qu'il fait des pirouettes en mode youhou et tout ça, j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, dire. Oui, voilà. Et du coup, alors ça fonctionne très bien dans les scènes de baston et tout ça, ouais. Mais tout le côté, ce qu'on va dire, à la ville, je trouve que c'est lourd psychologiquement parce que c'est la merde, quoi. Ouais, je sais pas, moi je me souviens quand même. Alors tu l'as vu plus tôt que moi, hein, puisque vous avez vraiment fait vos devoirs, les gars. Ouais, je l'ai vu hier. Tu l'as vraiment vu hier. Ouais. Moi je pense que la dernière fois. Moi je l'ai vu dans l'année, hein, quand même. Enfin, je les avais rematés. Moi je me souviens quand même de scènes un peu fun où justement il se révèle en étant Spider-Man. Je pense à la scène du catch, je pense à la scène où il se bat contre les. Contre les bullies, justement, enfin, quand il se venge et qu'il y a cette espèce de plan où il a vraiment une gueule de gars qui comprend pas, enfin, quand le point. Je me souviens de ce plan où le point arrive sur lui et du coup il le regarde, il fait oh, c'est trop bizarre. et moi, ce truc là me le rendait un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un Peter Parker un peu goofy, un peu nulos et qui apprend à devenir lui-même. Mais justement, c'est ce que je disais avec le côté filé de la trilogie. Je trouve que justement, c'est presque des graines plantées dans le 1 qui vont presque pousser dans le 2, où je le trouve dans le 2 plus dans sa peau, tu vois. Le 2 est. Oui, je suis après, on a aussi. Faut se dire que c'est des adaptations de la part de Rémy qui est vraiment très fan du Spider-Man du Silver Age, donc le début des années 60, et que dans le Spider-Man d'origine, il passe son temps à chialer. C'est très théâtral et très dramatique. C'est un gros loser. Quoi. Et surtout, moi, je trouve ça très intelligent de la part de Sam Rémy de. Parce que nous, aujourd'hui, on bouffe des films de super-héros tous les 3 mois, mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins. On sortait de Blade et X-Men, mais bon, ça restait quand même le début de qui cette génération-là. Cette génération-là. Et moi, pour avoir remetté le 1, Spider-Man, avec son costume de Spider-Man, apparaît finalement assez tard et a pas de grosses scènes d'action. Il y a la scène des ballons gonflables géants et la fin, quoi, et l'incendie. Mais sinon, il n'y a pas un milliard de scènes d'action où il est en costume de Spider-Man. Et je trouve que c'est une super origin story. Tellement bien d'ailleurs qu'ils ont essayé de la refaire plusieurs fois en gardant un peu les trucs et je trouve que c'est un très bon film pour installer un super-héros justement parce que je pense que n'importe qui a jamais lu la BD achète extrêmement vite le personnage. Ce que parfois je reproche un petit peu au MCU de vous connaissez la BD donc pas besoin que je vous explique, on va plutôt faire une blague tout de suite dessus parce que vous avez la ref. Toi t'aurais voulu que, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais t'aurais voulu que le MCU refasse une origin story? Non, parce qu'il y avait eu Amazing Spider-Man avant. Mais j'aurais aimé que certaines origin stories du MCU se rapprochent un peu. D'accord. Dans ce côté, je prends vraiment par la main. Mais ce que faisait par exemple Captain America, America du MCU, je trouve qu'ils prennent vraiment une heure à expliquer qui est le gars, comment il devient le machin. Faut pas avoir peur de ça. Je comprends que ça fait peur quand on fait des films de super-héros, que les gens veulent que ça tape parce que la place est à 15 balles. Mais ce que j'adore avec Spider-Man, c'est que c'est des films ceux de Sam Raimi en tout cas, c'est vraiment des films de personnages. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment ça. Parce qu'en plus, on parle de Peter Parker, mais il y a pas que Peter Parker dans les Spider-Man de Raimi. Je trouve qu'il arrive vraiment à donner de la consistance aux autres personnages. Sa relation, par exemple, avec Harry Osborn, je la trouve hyper intéressante, surtout dans le sens où elle se développe vraiment sur les 3 films et que ça atteint un peu son apogée dans Spider-Man 3 et que je suis pas loin de penser que c'est le meilleur truc du 3, la relation avec Harry. Tante May, moi je la trouve, c'est une Tante May, ok, old school, classique et tout, mais toutes les scènes où elle a des échanges un peu philosophiques, enfin pas philosophiques, philosophiques de sagesse avec, avec Peter Parker. J'ai un petit extrait pour le 2. Je les trouve souvent émouvants, souvent, elle a vraiment des mots très sages. Ils partagent leur deuil, ce que je trouve très beau déjà. Ouais. Les deux ont le même deuil de la même personne et ça les rapproche énormément. C'est vrai que ça, c'est des trucs qu'on peut absolument pas avoir dans le MCU parce qu'elle est plus jeune et il y a pas le deuil justement. Et puis, pour le coup, pour le MCU, c'est vraiment pas pour le défoncer. Enfin, je vous invite à réécouter le podcast qu'on a fait. Il y a plein de choses que j'adore. Ouais. Mais alors, en termes de personnage, moi, j'ai quand même beaucoup moins d'attachement quand même avec ce qui leur arrive. Et tu vois, par exemple, la gestion du deuil, sans spoiler de ouf. Je la trouve beaucoup mieux gérée dans les trois Spider-Man. D'ailleurs, tu parlais de personnages, Joe, il y en a un autre qui fait son apparition dans Spider-Man. Qui est Spider-Man? C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Monsieur Jameson, votre femme sur la 2, elle voudrait savoir... Monsieur Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous, on a un problème avec la 1, la ferme. Bien. Alors? Mais c'est un scoop. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Il a quand même sauvé 6 personnes dans ce métro. Ça devait être lui le responsable de l'accident. Un machin des rails et ce nuisible apparaît, regardez ça. Il fuit les lieux du crime, que dites-vous de ça? Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros. Alors pourquoi il porte un masque? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Elle aimerait savoir si vous voulez du chintz ou du velours dans la salle à manger. M'en fous, mets-le moins cher. Monsieur Jameson. C'est une de mes plus préférées. C'est trop bien. Jonah Jameson, le patron du Daily Bugle. Moi, j'ai deux choses qui me viennent là. Je l'ai vu en VO et je trouve que. Alors, le doubleur français est très bien, mais je trouve qu'en VO, il est vraiment beaucoup plus vénère et il parle beaucoup plus vite. En VO, il a son tempo et le tempo proche de celui. Et l'autre truc, c'est, je pense, après la tétrachée de films qu'on s'est tapé depuis 20 ans, que c'est le meilleur casting de tous les personnages de tous. Enfin, c'est comme Samuel L. Jackson en Nick Fury, quoi. C'est une espèce d'évidence où t'as du mal à voir autre chose maintenant, quoi. Et c'est une fois de plus, c'est un truc que j'essaie de rajouter parce que j'ai envie de rajouter des choses positives aux trois. Je crois que la partition de J.K. Simmons dans Spider-Man 3, c'est mon préféré des trois films. Il a des scènes, genre la scène où Betty Brant n'arrête pas de sonner pour dire votre femme vous dit de prendre vos pilules, et tu sais qu'à chaque fois il s'énerve et il se calme, merci, thank you, et il est vraiment genre avec hyper, le sbire qui hyper, rentre dans le bureau, drôle. C'est un très bon personnage comique. Oui, voilà, c'est le sbire qui lui explique quel va être le nouveau slogan du Bugle pour le rendre un peu sexy auprès des nouveaux lecteurs. C'est le frère de Sam Raimi d'ailleurs, je crois, c'est Ivan Raimi. Oui, c'est Ivan Raimi qui fait ça, et c'est il est à mourir de rire, mais vraiment il est tellement en plus drôle. Je sais pas trop si on s'en rend compte dans les films, mais c'est vrai que c'est quand même un personnage qui est censé être un peu la voix du lecteur, et qui est censé, enfin, le lecteur est censé le détester parce qu'il est contre le héros, mais en même temps on peut pas vraiment le vouloir parce qu'il est quand même, enfin, il est attachant en tant que mec qui dit que de la merde, et qui, voilà, de temps en temps il change d'avis, même des fois il est du côté de Spider-Man. C'est un perso qui est vraiment indissociable de toutes ces aventures, quoi. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que c'est un personnage, enfin, c'est un comic relief, très drôle, mais il a une importance capitale dans le récit. Et voilà, moi, j'ai vu Far From Home avant-hier. Et ce que je reprocherais, par exemple, à Far From Home, c'est que, par exemple, les deux profs, ils sont là pour être rigolos, mais ils sont là que pour être rigolos. Et tu les enlèves du film, et ils sont pareils, ils n'ont pas vraiment d'implication dans le récit. Ils sont trop de deux, quoi. Oui, et ils n'ont pas d'implication dans le récit, et encore pire, ils n'ont pas d'implication sur le personnage principal. Alors que le patron de Peter Parker, outre le fait que c'est son patron, il le fait avancer et il le fait douter. Enfin, c'est-à-dire que sans ce personnage-là, on n'a pas tous les doutes internes de Peter Parker qui dit, mais en fait, est-ce que les gens m'aiment bien? Est-ce que les gens me détestent? C'est-à-dire que s'il y avait sur son épaule gauche l'ange Tante May, il y a le démon Jonah Jameson sur la gauche, quoi. Et c'est vrai que ça met un sujet sur le tapis dont on n'a pas parlé dans les comics, alors que c'est très important, c'est que c'est un loser, blablabla, c'est un nerd et tout, mais les gens ne l'aiment pas. La majeure partie du temps, le public ne l'aime pas, et c'est un personnage qui est, enfin, un super héros qui est détesté, ou en tout cas qui est incompris, qui se fait braquer par la police. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas tout le temps. Après, ça change évidemment, mais et dans les films aussi d'ailleurs. Mais ça fait partie aussi du personnage de dire, en fait, c'est quand t'étais lecteur et que t'es petit, peut-être, tu dis, mais pourquoi vous l'aimez pas? C'est un super héros et tout. Et du coup, t'es de son côté encore plus, quoi, tu vois. Et la volonté aussi de Sam Raimi, et on va bientôt passer au numéro 2, c'est aussi, tu sens que New York est vraiment la zone de jeu de Spider-Man, et je trouve, alors, parfois à l'excès, mais il y a une vraie iconisation de New York. Il en fait vraiment une entité, quoi. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement les New-Yorkais dans les films Spider-Man. Et c'est d'autant plus vrai que dans le premier, par exemple, tu parles comme quoi tout vraiment tend vers le fait que c'est une origin story un peu parfaite, ce film. C'est que New York dans le premier est filmé de manière organique, effectivement, mais est très évolutive. C'est-à-dire que la première demi-heure du film, ça se passe dans un quartier où tous les immeubles sont bas, où quand il obtient ses pouvoirs, il essaye de sauter d'immeubles de 3 étages, où tu vois pas le New York que t'as l'habitude de voir. C'est-à-dire que tu vois vraiment un New York avec des petits immeubles, avec des baraques qui se ressemblent toutes. Et plus il commence à prendre confiance en lui, plus il a son costume, plus il est sur des grands buildings, et ça termine par voilà les plans de ah bah de le drapeau américain la toute fin, voilà, où tu vois, j'adore ça, on sort du 11 septembre, Ben, il faut souder les liens des Américains. Non, mais on dit beaucoup, ouais, que Christopher Nolan c'est le mec qui a le mieux filmé Gotham City dans The Dark Knight et tout. Bah non, en fait moi, je pense que le mec qui a le mieux filmé la ville d'un super héros, je pense que c'est Sam Raimi dans Spider-Man 1, où c'est vraiment tout est pensé et sert le récit, c'est-à-dire que en fait même les plans qu'il fait de New York sont censés te raconter quelque chose sur le personnage et son évolution, et ça c'est et je pense que tu kiffes quand t'es new-yorkais aussi, c'est-à-dire qu'en plus c'est même pas trop le New York de carte postale, c'est-à-dire qu'il utilise ce que lui propose New York, mais c'est pas genre on va te montrer l'Empire State Building et puis après on va te présenter la Statue de la Liberté et puis après... non, justement c'est vraiment le New York des rues ce côté toile d'araignée, sans vouloir faire non mais voilà, mais c'est pensé comme ça. je pense que c'est vraiment pensé comme ça. Bah et même dans le t'as dit qu'on allait partir sur le 2, donc attends, j'avais un truc à dire juste avant, pardon, non mais pour rester sur les décors, pour dire pour aller dans le sens de ce que vous disiez, même à la fin je crois, ouais, c'est quand il se bat le dernier combat contre le Bouffon Vert. Il y a les New Yorkais qui lancent des trucs, c'est carrément c'est ça. C'est la première partie du dernier combat. Oui, c'est ça que je disais parfois la limite du ridicule. C'est que, par exemple, dans le 1, t'as trouvé ça ridicule toi? Dans le 1, maintenant quand je le revois, il y a toujours à côté de. C'est surtout la voix de. Tu t'en prends Spider-Man, c'est mieux géré dans le 2. C'est mieux géré dans le 2. Et alors, juste avant de passer au 2, je voulais faire un petit pavé dans la main. Le jeu pavé. Il a pris la voix de Stéphane Guillon, du coup, t'as remarqué. C'est que. Alors, je trouve, attention, qu'il a pas très bien vieilli visuellement. Je parle pas forcément de la 3D, mais je suis de ceux qui trouvent que le costume, enfin le costume est bien, mais les toiles d'araignée en volume, ça vieillit trop mal. Enfin, ça fait vraiment costume cheapos. Et par contre, alors je peux pas, je suis pas réalisateur, je suis personne, un peu comme ce que Joe disait tout à l'heure, je ne fais que supputer et donner mon avis de spectateur, mais j'adore Sam Raimi, j'adore ce qu'il fait avec la ville, on a dit les scènes d'action, la balade d'immeuble en immeuble, c'est lui qui a posé ça et tout le monde a copié après. Ah, bien sûr. Cependant, je trouve que les scènes de ville, de normal, les dialogues entre les dialogues sont très bien, les personnages sont très bien, mais je trouve ça un peu mou en termes de rythme. C'est-à-dire que c'est vraiment une succession de scènes, c'est genre Peter Parker dans sa chambre avec Mary Jane, ensuite c'est avec Tante May, ensuite c'est James Franco, enfin... Et je trouve ça dommage parce que après j'ai pas de leçon à donner, tu vois, mais ça m'a un peu ralenti en me disant ah ok, là c'est un peu mou, voilà, j'attends la scène d'action pour que ça pêche, que ça soit un peu plus péchu, ou qu'une engueulade ou un truc comme ça. Je trouvais que des fois c'était un petit peu mollasson, quoi. Mais bon, je sais pas. Oui, mais ça peut être aussi le scénario, hein, tu sais, des fois c'est les trucs. Et d'ailleurs, juste aussi pour parler des trucs qui ont peut-être un peu vieilli, moi je me souviens pour l'avoir rematé, c'est quand il y a des effets un peu 3D quand il se transforme en araignée. Sur la... Et ce que j'adore, c'est qu'il y a une tête de mort qui hurle. Et là tu te dis ah oui, là c'est pas fino là. Ah non, c'est dans le. C'est la nuit, quand son sang devient celui d'une araignée, t'as vraiment une tête de mort en 3D qui te fonce dessus comme dans la maison hantée de Disneyland. C'est vrai. Et du coup, voilà, ça a peut-être un petit peu vieilli. Mais ça, c'est très cauchemardesque pour retrouver ce que je disais tout à l'heure. Mort sur le grill. Enfin, ça, on en parlait tout à l'heure. Puis c'est la gueule de Tobey Maguire quand il est en galère aussi est un peu. c'est pas de sa faute, le pauvre, mais pas lui tirer dessus. Mais après, il a fait un deuxième Spider-Man qui, vraiment, pour le coup, est considéré pour beaucoup, en tout cas, comme peut-être le meilleur Spider-Man, en tout cas, fait à l'époque, en tout cas, oui, ça, c'est sûr. Il s'agit de Spider-Man 2, donc toujours. J'ai les poils quand j'entends cette musique. Elle est vraiment. J'ai vraiment les poils, c'est ouf. Et puis, meilleur générique, même visuellement. Si j'ai pas de conneries, c'est Alex Ross qui fait les dessins, non? Ouais. Et c'est les dessins des scènes du 1, mais fait en. Justement dessiné. Ouais. Et je trouve que autant le générique du 1 est hyper basique avec juste des toiles d'araignée, et le 3, ils ont repris des photos. Ouais. Mais celui-là, dessiné façon comics, c'est super. Oui, Spider-Man 2, alors qui est sorti quand même. Pas si longtemps après le 1. Pour le coup, même tout de suite après la sortie, Sam Raimi, il a voulu faire le 2 et ils ont commencé à développer une suite avec des scénaristes. Alors au tout début, l'idée était d'avoir le Docteur Octopus, ça a toujours été le cas, mais c'était aussi l'idée d'avoir le lézard et la chatte noire, parce que ça on l'a pas dit dans le 1, mais c'est vrai que tout le long c'est présent. Il y a le lézard dans sa forme de docteur, c'est-à-dire qu'il est présent avec son bras en moins, ça, le docteur Connors. Et à aucun moment on dit il va devenir le lézard. On voit qu'il a pas son bras. On voit qu'il a pas son bras. On voit qu'il connaît Peter et c'est en tout cas c'est placé. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir sur une théorie de fan sur potentiellement la trilogie qui aurait annoncé un méchant du 4. J'y viendrai tout à l'heure. Mais au final, exit le lézard et exit la chatte noire. Ils rejoignent toutes les idées sur le docteur Octopus pour en faire vraiment une figure de méchant. Et alors, je continue à filer un peu ma comparaison avec Batman de Tim Burton, parce que je trouve vraiment que là, dans Spider-Man 2, on ressent tout l'amour de Sam Raimi pour ce méchant, ce monstre qu'est le docteur Octopus. Qui, encore une fois, n'est pas le mal incarné, qui est un genre de savant fou qui croit bien faire et qui va aller au fond des choses, et qui est maudit un peu. Et qui a ce truc qui était déjà dans le 1 de... ils adorent Peter et ils détestent Spider-Man, quoi. Enfin, il y a ce truc super où lui, Peter Parker, est au courant, mais les méchants ne le sont pas. Moi, il y a un point commun entre le Bouffon Vert et Octopus qui m'a un peu fait chier, j'avoue. C'est peut-être le fait de les avoir vus les deux à la suite, comme disait Joe tout à l'heure. C'est qu'en fait, il y a un peu ce... Alors, il y a énormément le côté Jekyll et Mr. Hyde pour Norman Osborn, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans Docteur Octopus, il y a ce côté, ses tentacules lui parlent. Enfin, tu vois, il y a ce côté genre dédoublement de personnalité, et pourquoi, enfin, t'étais pas obligé, ça fait un peu doublon, je trouve. C'était pas utile parce que c'est Alfred Molina est super, il y a pas de problème, t'étais obligé de faire que les tentacules soient un peu vivantes, très bien. Mais je sais pas, le fait de comment quoi, il faut braquer une banque. Oui, d'accord. Ça, tu dis ça, mais c'est hyper. Ouais. C'est vraiment très très peu. Ouais, mais du coup, pourquoi le faire quoi, pourquoi le faire, tu vois, ça m'a un peu fait chier. Je pense que c'est pour le sauver à la fin aussi. Je pense que c'est pour que tu dises pour montrer qu'il est pas perdu. Oui, il a une rédemption à la fin. Il se retourne contre le. Oui, il y a ce truc, pour le coup, qui est très comique de la petite loupiote. Enfin, genre, il y a la petite loupiote, genre pour pas devenir fou, en gros. Qui pète et du coup, il est bien fou. Qui est vraiment exposé à tous les dangers. Quoi. C'est même pas, elle est pas planquée, elle est pas, y a pas d'un truc en métal par-dessus. C'est genre. Vraiment une loupiote de télécommande. Ouais. T'es au bout de ta télécommande quand c'est tu veux jouer à ça. C'est vraiment sinon, ça. Sinon, c'est un super méchant. C'est vraiment super. Et il y a cette scène, j'ai retenu ça, mais pour revenir sur à quel point tous les détails sont importants dans le Rémy, et là, les décors sont vraiment primordiaux aussi dans la scène où Docteur Octopus foire son expérimentation et devient Docteur Octopus. Ça se passe dans les labos de Oscorp, et ils ont vraiment beaucoup changé par rapport au premier épisode où c'était un laboratoire un peu lambda, un peu impersonnel, et où là c'est une sorte de laboratoire très gothique avec donc des sortes de trucs voûtés, ouais. en briques voûtées, qui évoquent tout de suite les tentacules, en fait, quoi. C'est assez dingue quand tu vois les tentacules posés et les décors derrière, t'as une sorte de superposition comme ça qui est vraiment qui donne que tu ne vois pas quand tu regardes le film juste comme ça, mais qui en fait imprime un peu ta rétine, et tout est très cohérent, quoi. Mais d'ailleurs, tu disais, pardon, je reviens juste un tout petit peu en avance sur le côté devenir fou, mais vu que c'est un petit peu aussi effectivement le méchant du 1 qui est un peu comme ça, qui a un peu une double personnalité, bien sûr. Ça permet aussi de changer un peu ce truc là puisque là c'est plutôt la machine qui prend pas sur l'homme, et c'est un peu différent à ce niveau là d'ailleurs. Il faut savoir que ça est arrivé assez tardivement que le docteur Octopus soit une espèce d'idole pour Peter Parker, c'est à dire que dans les dernières versions scénario c'était encore pas le cas, c'était deux personnes différentes, et Sam Raimi qui a dit non, il faut qu'ils aient une relation pour que, en gros, Sam Raimi, son idée pour le 2, c'est ce qu'il raconte en interview, c'est que vu que dans le 1 c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est ok, mais donc comment tu as ta vie d'homme avec tes grandes responsabilités de héros. Et tout le film parle de ça, même si on gratte un peu, c'est même une métaphore de vouloir abandonner et de même potentiellement d'être déprimé par ce que tu fais, puisqu'en fait il y a ce truc qui peut paraître aujourd'hui un peu cliché de mes pouvoirs marchent plus parce que je suis pas heureux, mais qui, je trouve, est d'une efficacité redoutable. Alors vous l'avez vu plus récemment que moi, j'ai un souvenir de c'est exactement ça marche et trop c'est bien en plus, enfin ça j'y avais pas pensé quand je l'ai vu à l'époque, et avec ma vision de personne plus adulte aujourd'hui, il y a vraiment un truc de quand tu fais ce que tu rêvais de faire, quand tu fais ce que t'aimes vraiment dans la vie, et que ça commence à devenir juste ton taf, il y a un moment où tu n'y prends plus de plaisir et où donc tu le fais de manière un peu mécanique, et c'est exactement ça dont je pense parle le film, et c'est je peux pas m'empêcher de penser que Sam Raimi parle un peu aussi de lui et de son expérience en tant que réalisateur, de ce qui bosse sur un blockbuster et qui bosse sur un personnage et sur un univers qu'il adore, mais où il est obligé de composer avec des exigences de blockbuster, de studio et tout, et où donc il a dû certainement, j'en suis certain, se remettre en question en tant que réal, d'ailleurs il le dit même en interview que c'est le genre de mec qui, quand il faisait les Spider-Man, il se réveillait toutes les nuits à 3h du matin en se disant j'ai fait de la merde, et sûr que ce film parle aussi un peu de lui, de comment il a eu des moments de doute et comment il s'est ressaisi avec probablement des gens autour de lui qui lui ont dit non mais mec en fait ce que tu fais c'est chambé. Alors qu'il y avait un million moins de pression que maintenant par rapport à la fanbase et aux gens qui attendent le film qui sort, parce que comme tu l'as dit c'était avant le MCU, c'était avant la grosse mode des super héros, donc il s'est mis la pression lui-même par rapport aux comics et tout ça. Et d'ailleurs encore non parce que tu parles là tu parles en tant que français, mais aux États-Unis Spider-Man mec fallait pas déconner avec, déjà les fans étaient hyper vocaux, lui il le dit souvent en interview que c'est ce qui craignait le plus quand d'accord, il faisait les Spider-Man fans, c'était vraiment les fans, je pensais que c'était pas ça et que sa plus grosse angoisse quand il faisait les films c'était ce que les fans allaient en dire quoi. Donc d'ailleurs je pense qu'il se mettait vraiment la pression et qu'en plus aujourd'hui effectivement la pression des fans avec internet quoi, tu vois, c'est devenu aussi oui voilà aussi c'est énorme. Ça en fait il y a un entonnoir résonnant mais je pense que en plus de ça à l'époque, aujourd'hui les films de super-héros c'est tellement devenu la norme que c'est même pas qu'il y a plus de pression parce que la norme à Osborn oui tu sais que tu t'es dans une industrie t'es dans un cercle vertueux de films qui généralement marchent. Là en fait la pression aussi sur le 2 c'est que le succès de Spider-Man 1 c'était presque un succès surprise et qui avait été énorme et que donc la pression qu'il avait sur les épaules elle venait surtout de Sony et du studio de mec là il faut que tu fasses il faut que tu transformes l'essai et que tu fasses un film générationnel, mais surtout que c'était pas si évident à l'époque parce que en fait on parle tout le temps de X-Men, Spider-Man qui sont effectivement des franchises qui ont cartonné et que les gens adoraient, mais Spider-Man enfin c'est l'époque aussi de Daredevil, l'époque de Hulk, c'est l'époque de The Punisher avec Travolta, c'est l'époque de Elektra, c'est l'époque des 4 Fantastiques, c'est pas l'âge d'or non pas plus du film de super-héros, c'est que d'un coup Spider-Man 1 cartonne, Blade aussi je crois avait quand même un peu bien marché et les X-Men cartonnent, donc tout le monde sort ses films de super-héros. Mais c'est un peu un blobby, enfin il y a à boire et à manger et il y a quand même principalement de la merde quoi. Donc c'est aussi pour ça je pense que le 2 est autant sorti du lot quoi, parce que d'un coup là il y a un metteur en scène qui iconise vraiment ces héros, ce qui n'était pas vraiment le cas dans ces autres films que j'ai cités. Même si je préfère Spider-Man 2, je trouve que la vision de Sam Raimi est plus claire et plus facile à voir dans le film que celle de Bryan Singer, mais il y a un parallèle à faire avec X-Men 2 qui est aussi d'une certaine manière un peu l'opus majeur de Singer dans la trilogie, la première trilogie de film X-Men quoi. C'est un peu le truc où tu as l'impression que tout s'imbrique pour faire une sorte de film presque parfait de super-héros quoi. Et non, je voulais rajouter sur le passage tout à l'heure où vous parliez qu'à un moment il perd ses pouvoirs parce qu'il croit plus en lui. C'est un arc ça du comics qui, d'ailleurs il y a une couverture ultra connue avec le costume dans la poubelle complètement, Spider-Man No More. Moi il y a un petit truc qui m'a fait chier, désolé on va croire que je suis le hater. Non, il y a un petit truc qui m'a fait chier, c'est que c'est celui qui l'a vu le plus récemment quasiment pour, donc c'est celui qui a raison ça. pour reparler de Tante Mec, il a aussi est super, le personnage est super, l'actrice est super. Quand il perd ses pouvoirs parce que voilà il croit plus, il veut arrêter d'être Spider-Man etc, Tante Mec lui fait un petit laïus sur les responsabilités, le côté d'être un héros, inspirer les gens, il y a même un petit gamin qui l'aide à déménager. Tout ça c'est super, et c'est pas à ce moment-là qu'il va regagner ses pouvoirs, c'est quand Mary Jane va être en danger. Donc l'histoire d'amour est super, c'est son love interest de la vie et tout, mais j'aurais préféré qu'il commence à regagner espoir grâce à ce petit laïus un peu de mais je crois qu'il commence à regagner espoir. Oui, ça joue. C'est-à-dire qu'en ça fait joue, il c'est il moins prend théâtral, le ouais mais c'est comme si le c'est comme si Aunt May vient de lui dire un truc. Il a genre ok d'accord, elle a raison. Ouais, et ensuite la vie lui, enfin la vie, enfin ouais, le destin lui permet de mettre en pratique ce que Tante May vient de la lui. La scène juste parce après. Que juste, pardon vas-y. Non excuse-moi, la scène juste après le discours justement, il essaye de sauter d'un toit et il se foire. Se plante, parce que c'est pas si simple. Non que c'est moi, pas je, si je simple. Trouve, mais... Parce que je trouve ça vrai. Et puis il y a la blague, il y a la blague I'm back et my back quand il tombe, ça me fait hurler de rire moi. Tu es une personne. Et ensuite il se pète my back. D'ailleurs la traduction française c'est ça va faire mal, ça fait mal. Ouais, ça passe. Non, moi ce que j'aime bien que ce soit pas si immédiat que ça. Parce que justement, et spoiler alert, je vais parler de Amazing Spider-Man 2, c'est beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire qu'il vit un drame dont on va parler un peu plus tard. Mais vraiment 10 minutes après le film, il fait ok, c'est bon, je suis reparti en fait. Alors que c'est un énorme drame qu'il vit. Donc moi j'aime bien que ça prenne un peu son temps et que ça réfléchisse. C'est pas forcément le timing. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. C'est pas forcément le timing, c'est peut-être plutôt le fait que le déclencheur final ce soit Mary Jane et pas mais parce que c'est... Ouais, Mary Jane c'est justement c'est la personne qui fait qu'il se pose toutes ces questions, c'est j'aimerais vivre ma vie avec cette meuf et parce que je suis Spider-Man j'y arrive pas. Mais tu parlais de ce laïus de Tante May, on va se l'écouter parce qu'il est magnifique. Tu ne devineras jamais qui il veut être plus tard. Spider-Man. Pourquoi? Il sait reconnaître un héros dès qu'il en voit. Dans ce monde, trop peu de personnages passent leur temps à voler dans les airs, à sauver des vieilles dames comme moi. Et Dieu sait que les enfants de l'âge d'Henri ont besoin d'un héros. Courageux, prêt à se sacrifier à tout moment, à être un exemple pour nous tous. Tout le monde adore les héros. Les gens font même la queue pour les voir, les acclamer, hurler leur nom et raconter des années après qu'ils ont attendu des heures sous la pluie rien que pour apercevoir celui qui leur a appris à tenir bon une seconde de plus. En fait, je pense qu'il y a un héros en chacun de nous qui nous rend plus honnêtes, nous donne de la force, nous ennoblit et à la fin nous permet de mourir avec fierté. Oh, j'ai envie de chialer, putain. Tante mère. Non, non, cette mais tu scène-là vois... et la scène où ils lui, où ils sont juste en train de prendre le thé et qu'il lui explique enfin que ah oui. Que il aurait pu sauver la vie de oncle Ben et que c'est dans le 2 hein, ouais, si c'est je ça, me, c'est si ça. Je me ouais, pas. Ouais, qui lui avoue, qui lui et avoue. Où juste elle dit rien, elle se lève et elle monte et tout. T'as des scènes comme ça où t'es là genre putain c'est deep. C'est des films de personnages encore ouais, une fois. Ouais, c'est ouais, des vraiment. Films où ce qui est bien c'est qu'ils ont pas, et encore une fois c'est pas pour trasher le MCU, mais c'est qu'ils ont pas une espèce de pression de 1 milliard de trucs derrière leur dos, et c'est que c'est l'histoire de ce jeune mec qui a des pouvoirs du jour au lendemain, et il se concentre sur ça et sur son histoire d'amour, et en fait c'est ça, c'est que tu crois en leur galère, c'est ça que je trouve fascinant dans la première trilogie. Je saute sur cette occasion. Le mec vas-y. Saute parce qu'il voilà tant pis, on dira que je suis de parti pris et tout, mais j'ai envie, parce que je trouve que c'est dans le 2 qu'il est le mieux, mais de réhabiliter un petit peu la performance de Tobey Maguire, qui est souvent moqué, qui est devenu un mème, hein, voilà, qui est devenu clairement un mème, et qui pourtant je trouve dans ses films, en fait, amène son personnage jusqu'au bout, propose une partition à laquelle on adhère ou on n'adhère pas, mais je veux dire, son personnage et la manière dont il l'interprète, je trouve, ça reste hyper cohérent du début à la fin. Et vous, Pardon. Il a des. C'est pas forcément le meilleur acteur de la planète, ça je le reconnais, mais en même temps, je trouve que ça sert ce personnage complètement gauche et un peu foireux, loser qu'est Peter Parker. Et je trouve que justement, dans les moments où il est vraiment Peter Parker, moins quand il a le costume de Spider-Man et qu'il enlève son masque, mais quand il est Peter Parker et qu'il lose parce qu'il arrive à la bourre, à la pièce pour aller voir Mary Jane, parce que, en fait, dans tous ces moments-là, je le trouve ultra crédible et je le trouve complètement. Non, mais moi, il me fait. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il me fait pitié parce que c'est dégueulasse et c'est pas le cas. Mais si, il faut qu'il fasse pitié. Non, oui, mais justement, en fait, j'ai de la peine pour lui, mais je m'attache pas à lui. Je sais pas comment expliquer la nuance, mais c'est juste. Je le trouve pas spécialement attachant. Parce que t'es un gros connard et puis c'est tout. Ouais, ok. Non, mais parce qu'il fait trop loser, peut-être, c'est ça, tu veux dire. Je sais pas. Mais moi, j'aime bien. On aime tous les underdogs comme moi. Mais j'entends aussi que quand c'est trop aussi. Bah là, je sais pas, j'arrive pas. Mais c'est peut-être visuellement. Je sais pas. Mais d'ailleurs, tu sais qu'il a failli ne pas reprendre son rôle. Il a beaucoup hésité. Il avait pas de contrat. Est-ce que vous savez quel acteur a failli le remplacer, qui avait même commencé à s'entraîner? Jake Gyllenhaal. Exactement. Qui est un peu rigolo. Bah, même physique un peu, mais meilleur acteur quand même. Ça faillait, ouais, Jacques Guillenol qui reprend le rôle de. Et qui c'est qui allait faire Docteur Octopus? Alors, avant Alfred Molina, le studio avait d'autres choix. Un mec connu ou pas? Sam Raimi voulait Alfred Molina dès le début. C'est le studio qui avait dit oh, peut-être plus connu quand même. Et Sam Raimi l'avait adoré dans Frida. Et donc c'est pour ça qu'il a réussi à l'imposer au studio. Il a dit non, mais regardez Frida, les gars, ils jouent vraiment bien. Ouais. Mais le studio pensait à évidemment beaucoup plus gros. Il pensait à Robert De Niro. Robert De Niro, il y a aussi Sam Neill qui a été proposé. Robert De Niro, ça a vrai marché. Oh, Sam Neill, je l'aurais plus vu en Norman Osborn, justement. Ouais, il y a eu Ed Harris aussi, le méchant de The Rock. Ouais. David Duchovny et encore Chris Cooper. Alors, je sais pas qui est Chris Cooper. David Duchovny? Ouais. Écoute, c'est pas moi qui ai choisi le cast. Hein, David Duchovny. J'adore David Duchovny, mais alors. Non, en plus, c'est. Enfin, moi, je l'imagine avec un peu d'embonpoint, Octopus, donc c'est bizarre, ouais. Des mecs un peu fit comme ça. Bon, après, c'est juste physique, ça change, mais. Et qui? David Cooper? Ouais, en fait, Chris Cooper. Chris Cooper, ah, qui en fait jouera Cooper, la blague, c'est qu'il jouera en fait Norman Osborn dans Spider-Man Amazing Spider-Man 2. Ah oui, mais il est beaucoup plus vieux. C'est un acteur beaucoup plus vieux, non? Attends. Oui, c'est un vieux. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est. C'est un vieux. Il a vraiment une gueule. Il fait souvent des méchants. C'est le mec qui joue dans Jason Bourne et tout là. Ouais, c'est Osborn dans. Ouais, mais je voyais plus sa gueule. Amazing Spider-Man. Très bien. J'aime bien sa tête. Bon voilà, donc Spider-Man 2, n'hésitez pas. Ce qui est assez rigolo, alors là, je sais pas combien de temps, c'est pas pour faire la promo de Netflix absolument, mais ils sont tous sur Netflix en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a la première trilogie. Moi, c'est pour ça que j'ai tous rematé. Il y a la première trilogie et il y a les deux Amazing. Donc voilà, si vous voulez les remater, ils sont assez disponibles ici. Et j'enchaîne un peu vite, hein, excusez-moi, mais parce qu'on attaque le troisième morceau. Ah, moi la trompette. Oh, ouais, c'est moi. Pas mal. Avec cette scène très décriée, puisque c'est Spider-Man 3, et ça c'est la scène dans laquelle il danse, dans c'est Emo Peter, une scène très décriée, à tort selon moi, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Spider-Man 3, déjà on peut le dire, pareil, accouchement difficile, Spider-Man 3. Ouais, bah, Spider-Man 3, très très difficile, en fait... c'est assez éloquent d'écouter les interviews a posteriori de Sam Raimi, c'est-à-dire pas les interviews promo du film, mais les interviews qu'il a données 2-3 ans après la sortie du film, où il réfléchit un petit peu sur comment il se sentait quand il l'a fait. Et alors je les ai là, donc je me permets de les dire, parce que comme ça les gens les auront. Génial. Je te cite Sam Raimi, le film n'a juste pas bien fonctionné. Alors il parle vraiment du film, hein, puisque en box-office il a... Tonnecard de ouf. J'ai essayé de faire marcher tout ça, mais je ne croyais pas vraiment en chacun des personnages, ce qui n'a pas échappé aux fans. Si le réalisateur n'aime pas quelque chose, ce n'est pas juste qu'il détruise ce que d'autres personnes adorent. Ouais. Je n'ai pas su relier les différents protagonistes entre eux et les faire avancer comme il faut. C'était honnêtement la rupture la plus amicale et la moins dramatique du monde avec le studio. On avait simplement une deadline et l'histoire n'était pas prête selon moi. J'avais été mécontent de Spider-Man 3 et je voulais faire un 4 bien meilleur que celui-ci. Donc là, il parle du 4 et donc il explique que le fait qu'il n'était pas heureux du 3 lui a fait décider qu'il n'allait pas faire le 4, qu'il refusait de le faire dans ces conditions-là, avec effectivement, on peut le dire, Venom imposé. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que quand il dit que j'ai pas réussi à m'attacher à tous les personnages, il parle clairement de Venom et de Gwen Stacy, qui sont deux personnages qui servent pas, qui n'arrivent pas à foutre dedans. Ouais, voilà, qui n'arrivent pas à foutre dedans. Gwen Stacy, ça devient juste une sorte de pion qui sert à rendre jalouse Mary Jane et qui elle-même, à un moment, t'as l'impression qu'elle, dans la fameuse scène de la danse, elle se rend compte qu'elle sert à Cud en fait. Et t'es là genre, bah non, désolé chérie, tu sers à rien depuis le début du film. et il la sauve quand même d'une grue folle. Hein. Ça, c'est aussi cette scène n'a aucun sens. La grue a perdu la tête. Il faut sauver Gwen Stacy. C'est clair. Après, ça donne lieu à des trucs. Non, la scène est jolie, mais ça n'a vraiment aucun sens. Et Topher Grace, pareil, quoi. Pour le Venom, t'as vraiment l'impression qu'il est foutu au chausse-pied là-dedans et que, qu'il a été imposé, quoi. Je sais que Jojo va le sauver, donc je ne vais pas lui cracher dessus. C'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Non, je vais juste. En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce numéro 3 que j'avais pas vu depuis très longtemps, c'est qu'en fait, il y a trop de choses. Sans même parler des persos en plus, il y a trop de... Tu vois, par exemple, on a dit qu'un des points forts du 1 et du 2, c'était qu'il y ait un méchant bien taffé, bien qui est le centre du truc et tout. Et là, t'as l'homme sable, qui est au demeurant super. C'est le seul, tu le sens, donc il aime vraiment... Voilà. T'as le bouffon, je sais même pas s'il s'appelle le bouffon vert au final, c'est quoi? Non, mais il a le jetpack, il a ses costumes. Voilà, c'est le fils. T'as Gwen Stacy qui est pas un méchant, mais qui a un perso à gérer en plus. Et t'as Venom qui est vraiment fait par-dessus la jambe. Et pourquoi avoir fait tout ça? Et tu vois, tu prenais les Batman en comparaison. Batman le défi où il y a trois super vilains. Il y en a deux, mais il y a Max Schreck aussi. Oui, il y a la politique. Ça fonctionne de ouf, tu vois. Je dis pas qu'il faut copier et tout, mais là, c'est un gloubi-boulias. Il y a trop de choses. Non, mais surtout, ils sont grosse différence. Ils sont copains en fait. Dans Batman le défi, c'est assez tôt. Ouais. Bah, déjà, le pingouin est tout de suite avec Max Schreck. Schreck, je vais l'appeler Schreck directement. Christopher Walken avec les cheveux blancs. Et Catwoman le rejoint assez vite. Alors que là, c'est vrai que c'est vraiment à la toute fin. Je me souviens, Venom va voir le museau, il fait « Dis donc, il paraît que tu veux tuer l'araignée. Bah allez, viens avec moi. » Alors là, aussi, avec sa voix, pas du tout flippant. Et puis surtout, la manière dont il se retrouve, c'est genre dans la rue. La caméra est dans une rue, il y a le Sandman qui se balade et Venom qui arrive genre hey, salut, je te cherchais. Alors au fait, et c'est vraiment mais tu vois, c'est encore plus rageant parce que quand on est tous d'accord et je pense le monde entier pour dire que l'homme sable est très bien fait, l'acteur est super, c'est très poétique et tout ça. Mais moi, j'aurais voulu que ce soit le méchant principal et c'est tout quoi. Et faire un truc. Alors après, quand il réfléchit, effectivement, vu qu'il faut que le méchant quand même fasse écho à la problématique du héros à ce moment-là, le Sandman, c'est un pauvre gars qui essaye juste de sauver sa famille. Peut-être que ça suffisait pas. Venom, c'est pas une mauvaise idée, mais il y a trop de trucs. Le problème, c'est que le symbiote arrive comme un cheveu sur la soupe. Je trouve que toute la phase du symbiote, c'est-à-dire de la manière dont le symbiote va parasiter Spider-Man et en faire un super-héros finalement assez détestable, c'est super. C'est à partir du moment où il enlève le symbiote et que ça devient Venom que c'est moisi. C'est super, mais ça vient un peu pareil de nulle part. Ah bah oui, ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel à 10 mètres de Spider-Man. Alors que ça va, c'est peut-être le méchant qui aurait pu aller le mieux avec la problématique. En l'occurrence, il se cherche avec Mary Jane, ça va pas, machin. Mm-hmm. Donc ça, le symbiote qui le rend méchant, ça aurait, enfin, qui les asserve, ça marche. Je vais même te dire mieux, c'est-à-dire que dans le 2, ils installent le fils de Jonah Jameson qui donc revient de l'espace, qui est censé se marier avec Mary Jane. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu la bande annonce, je fais ok, c'est lui le méchant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va ramener la symbiote de l'espace. Ouais. Et vu que quand il apprendra que Peter Parker lui a tiré sa meuf, il va devenir encore plus fou. Enfin, ça aurait été, dans ma tête, très logique. Extrêmement logique. Ouais. Et en fait, non, ils ont voulu faire cette guéguerre avec le. Parce qu'il devient photographe aussi au Daily Bugle. Je me demande si dans. Alors, je sais pas quel arc et quoi, mais j'ai vu dans un comics que le symbiote venait avec un cosmonaute. Alors, je sais plus dans quel truc, mais ça existe. Quoi. Donc, il n'y avait pas à aller chercher très loin pour faire ce que tu dis. Et surtout, c'est installé. Enfin, c'est vraiment. Là, vous avez installé un truc dans le 2, potentiellement, pourquoi pas. Le MCU, c'est comme si Sam Raimi te le disait quand on lui a imposé le truc, c'est-à-dire genre bah alors il y a ça, on m'a dit de le mettre, donc en fait je le fais tomber et c'est là. Ouais. On sait pas, mais c'est vrai qu'il y a cette impression-là. Il y a cette sensation-là, et c'est vraiment effectivement c'est dommage parce que je trouve que ça gâche toute une partie d'un film que je trouve par ailleurs thématiquement intéressant et à certains moments en termes de réal pur juste époustouflant quoi. Enfin, tu vois, c'est ce que tu disais en plus, tu disais qu'il installait toute la relation MJ Peter Harry. Ouais. Tu vois vraiment l'évolution, et donc effectivement c'est pas une connerie de faire un nouveau bouffon vert parce que c'est le climax pour lui, mais c'est pareil, t'as l'impression qu'il a pas pu faire ça avec l'ampleur qu'il voulait et qu'il s'est retrouvé coincé quoi. Et surtout que le 2 se finissait avec cet énorme cliffhanger de Harrisset, et très vite dans le 3 il a perdu la mémoire et ça revient un petit peu, et donc du coup t'as ce truc très série télé. Pour mettre le film au-dessus de la série télé, mais qui fait un peu série télé bas de gamme. Moi j'ai beaucoup aimé ce passage en fait. D'accord. En fait j'ai trouvé que Franco était vraiment hyper bien quand il perd la mémoire et qu'il a son sourire de, tu sais, que tu te dis putain t'as l'impression de l'avoir perdu depuis le 1, depuis que son père est mort en fait, et là t'as l'impression de le retrouver exactement comme il était. C'est un peu cheap technique quand même. Même si le résultat est cool, Peter qui retrouve, t'as l'impression que d'un coup Peter va être très heureux, donc je suis d'accord, genre il retrouve son pote, ça avec sa meuf ça va. Hyper tout à cause une fois de plus de Mary Jane et d'un baiser volé et tout, et ça fait tout re-switcher. Et effectivement, je pense que s'il n'y avait pas eu Venom, il aurait eu certainement beaucoup plus de place pour développer ce truc et qu'il n'aurait pas eu à le réduire comme ça. Déjà le film dure un quart d'heure de plus que les deux premiers, et tu sens que c'est de toute façon clairement pas suffisant. Mais parce qu'il est pas, enfin comparé au film actuel du MCU et tout, il dure 2h15, 2h20, c'est pas non plus. Les deux premiers ils durent 2h. Oui je sais, mais je veux dire le 3 n'est pas non plus une espèce d'épopée de 3h, enfin ça. En plus je pense pas qu'on parlera de Venom avec Tom Hardy parce que vite fait quand même. On peut dire ce qu'on veut sur le film, mais bon alors peut-être c'est Tom Hardy qui joue et que Topher Grace c'est pas génial, mais il est pas du tout taffé le personnage. Il arrive, c'est au fait je suis nouveau photographe et je sors avec votre fille, il dit au capitaine là. Et après il a le symbiote en gros, enfin tu vois, c'est en fait le personnage n'est pas du tout creusé, on n'a pas le temps quand de s'attacher. La grue attaque, je me souviens, il est à côté, il fait au fait je sors avec votre fille, c'est ça, très bizarre. On n'a pas du tout le temps de s'attacher en disant oh merde il a le symbiote sur lui, qu'est-ce qui va lui arriver. Non, ça à aucun moment tu te dis mais ça, mais c'est vrai que c'est même surprenant de la part de Sam Raimi qui a tant taffé ces méchants qui sont pas tout à fait méchants. Lui c'est vraiment le douchebag qui arrive, et tu te dis ah ok, en fait tu veux nous montrer un pur connard qui va regretter et qui va dire s'il te plaît Peter, si je perds ça. Et moi il y a ce moment que je trouve un peu touchant quand même, où d'un coup le douchebag devient vraiment un mec qui dit si j'ai plus ça j'ai plus rien en fait, et que Peter devenu un peu méchant à cause de ça dit bah je m'en branle, va chialer en fait, et qui du coup il prie et il fait je veux que Peter Parker meure. C'est une scène très belle en fait d'être dans une église et de prier qu'un mec meure pendant que l'autre est au-dessus avec la cloche et ça, après finalement son ouais, ça lui tombe dessus, tu vois. C'est qui est la plus, j'adore cette scène. Moi quand il essaye d'enlever la symbiote dans la cloche et tout avec l'autre qui prie en dessous, je trouve cette scène magnifique. Après quand t'as l'image de dessus où t'as Peter Parker à moitié dans l'ombre nu et le symbiote qui se barre et tout, non, c'est vraiment après, très bon. Enfin plaisir coupable de façon purement popcornesque et blockbuster, quand il met les tuyaux pour faire du son, moi j'aime bien. Oui, que ça fait l'espèce de truc là, c'est hyper cheesy mais j'aime bien. Mais enfin globalement je trouve que c'est un film qui se tient mal, qui est hyper bancal parce que hyper déséquilibré narrativement. C'est ça, déséquilibré, c'est ça. Mais où il y a des trucs qui surnagent, et les choses qui surnagent sont vraiment brillantes, je trouve. Quoi. La scène de l'homme sable qui naît, la scène de la naissance de l'homme sable est ouf. Ouais. Mais moi, même le premier fight entre Osborn et Peter Parker. Oui, dans les ruelles là. Fou quoi. Alors j'aime bien la symbolique et tout, les amis et tout, mais je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu, sans même parler de ça a vieilli ou pas, j'ai trouvé que la réal, alors ok il passe entre les immeubles et tout, mais avec son surf et tout, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça un peu de cheapos quoi. J'accroche pas, mais après bon c'est une. Moi je me souviens aussi d'un gros climax au cinéma en tout cas, où il y avait vraiment un truc genre ok il y a beaucoup de persos mais putain c'est plaisant quoi, entre le climax de fin. Le climax de fin si tu enlèves la toile d'araignée qui fait viens nous chercher Spider-Man écrit en grand, où là j'étais alors Wow, quand je l'ai revu, je m'en souvenais plus de ouais, ça. Là, on est vraiment dans un dessin animé. Là, on est vraiment. Avec Marie-Jeanne qui hurle quand même au cas où. Si oui, voilà, on sait pas. Hormis ça, ce climax est fou. Enfin, le team-up. Team-up et Spider-Man. Que Harry devienne pote avec. Non, ouais. Puis surtout ce qu'ils font, c'est-à-dire la chorégraphie du team-up pour vaincre le. Elle est orchestrée de manière assez impeccable. Et puis même, alors je pense pas que ce soit un hasard, ça serait vraiment bizarre, surtout venant de Sam Raimi, mais la grenade qui défigure James Franco, ouais. C'est le même plan que quand Peter se mange une grenade du Bouffon Vert dans le 1. Ouais, non, mais sur le côté du visage et tout. C'est ce qu'on disait, c'est pensé. Il y a une cohérence. C'est pensé. Et je vous mets un petit extrait que j'aime bien, parce que tout le monde se moque du dark Tobey Maguire, mais moi, il y a une scène que j'aime beaucoup quand il est en dark Tobey Maguire. Hey. La VF rend pas justice du coup. C'est quoi ton problème? Toi. Je peux vous aider, monsieur? Non. Tout va bien, Paul? Ouais. Tout va bien, hein, Paul? Sors-moi ce gars. Bon, on y va, monsieur. Dépêche-toi de retirer ta main. Dehors. Corp! Lâchez-moi! Qui es-tu ? J'en sais rien. Ah, j'adore cette scène. Bah, ouais, c'est super. C'est trop dommage de pas avoir fait un film juste avec Venom et une crise existentielle, quoi. C'est vraiment trop dommage. Et puis ça n'a pas arrivé il y a 2-3 ans non plus. Hein. donc c'est le dernier film de Sam Raimi. Et comme je disais, il y avait potentiellement un 4 que Raimi a préféré ne pas faire parce qu'il n'était pas assez fan du 3 lui-même. Il avait trouvé que c'était un peu vite. Et puis bah, Sony voulait aller un peu vite parce que le 3 avait quand même ultra cartonné. C'est quand même un des films les plus chers de l'histoire du cinéma. Hein. Spider-Man 3, il faut quand même se le mettre en tête. Et que depuis, Sam Raimi a fait le monde d'Oz, mais pas vraiment d'autres blockbusters, hein, mine de rien. C'est un mec qui est redevenu... Celui avec James Franco, là ? Ouais, c'est lui qui a fait ça. Et depuis, en fait, il est surtout producteur de films. Il avait fait Jusqu'en Enfer, qui était en espèce de... C'était pas mal, petit ça. C'était super. Qui sonnait vraiment comme un... Je vais refaire des petits trucs, hein, tu vois. Après avoir enchaîné Sony et Disney. Et après, il est parti sur les films, sur la série Evil Dead, où il est pareil, il officie des fois en tant que créateur de petits épisodes. On ne sait pas si Kevin Feige l'a approché pour le MCU. Je pense pas. Pour Kevin Feige, pardon, parce que je coupe moi-même la parole. Vas-y. Qui est au générique de je sais plus quel Spider-Man. Qui est producteur. Il est producteur. En fait, il était producteur déjà. Les trois. Ouais, il était. En fait, il était déjà à la tête de Marvel, qui était quand même toujours qui avait des billes. Et Marvel, ensuite, il a studio. Fondé Marvel Studios. Je savais pas. Où là, du coup, il est devenu l'espèce de mogul. Ouais, c'est ça. Un des hommes les plus puissants de la planète, tout simplement. C'est clair. Et donc oui, ils ont voulu faire un 4 quand même. Sam Raimi, l'idée du 4, et je vous ai teasé un petit peu l'idée tout à l'heure, c'est que le méchant du 4 devait être Mysterio. Qui devait être Mysterio ? Bruce Campbell ! Exactement, ça devait être Bruce Campbell. Qui fait des caméos. Et en fait, c'était l'idée de Sam Raimi, c'était de dire, en fait, Bruce Campbell, donc, qui est le héros de Evil Dead, qui joue donc le speaker du catch dans le 1, le mec qui déchire les tickets à l'entrée du théâtre dans le 2, et le serveur dans le 3. Français. Excellente scène. Et qu'en fait, il disait, c'est un seul et même acteur. Ça, c'est super. L'acteur de Mysterio, puisque Mysterio, c'est un acteur raté à la base, qui devait être du coup le méchant du 4. Au final, ça s'est pas fait. Ça aurait été super. Et Mysterio n'apparaîtra que très longtemps après, puisqu'il est sorti cette année dans Far From Home. Ça n'a pas empêché Sony de faire d'autres films. Mais avant ça, j'aimerais marquer une mini pause en parlant du jeu vidéo Spider-Man. Est-ce que vous avez joué vos jeux vidéo? J'ai tout à fait platiné ce jeu. Moi aussi. Je platine pas beaucoup de jeux, mais t'as récupéré les sacs à dos. C'est ça. J'ai récupéré tous les sacs à dos. J'ai pas joué au DLC. Ah, le tout dernier là, vous voulez parler du tout dernier? Ouais, je voulais parler du tout dernier qui pour moi est. Il est super. Est une vraie aventure de Spider-Man qui m'a fait kiffer de ouf. Bah, en fait, ils ont eu l'intelligence de prendre la mécanique des Arkham Knight, Arkham City de Batman. Exactement. C'est un open world. Exactement. Et effectivement, c'est là pour le coup, c'est extrêmement lumineux. New York est extrêmement bien représenté. Alors, je sais pas si c'est fait à la carte comme le vrai New York, mais en tout cas, c'est hyper jouissif de se balader. Quand tu vas à Times Square, tu sens que ils que c'est un peu le pied quand même sur le monde. Oui. Et c'était extrêmement plaisant à jouer. Mais tu vois, tu te marrais sur les sacs à dos qu'il faut récupérer. Mais c'est le genre de jeu où des fois, t'as 20 minutes et tu dis ok, je vais faire que de la collecte. Après, t'as 2 heures, tu fais ok, je vais aller battre lui, machin. Enfin, hyper cool. Et là, tu vois, il y a des DLC qui sont sortis auxquels j'ai pas joué, mais à tout moment, je les télécharge. En en parlant, ouais, je me dis, putain, faudrait que je les télécharge. Il y en a un sur la chatte noire. Oui, oui, justement. Ouais. Du coup, et je pense qu'ils vont faire une suite parce que, pareil, très très gros carton dans le monde du jeu vidéo que ce Spider-Man. Et d'ailleurs, tu peux avoir le costume de Far From Home dans le jeu là. Ouais, mais ils ont fait. En fait, tu pouvais avoir tous les costumes de Spider-Man. Ils ont vraiment voulu coller le truc à ce niveau-là. Non, c'est top. Et voilà, donc très bon jeu. Et je crois qu'il est un peu en solde. Donc si jamais vous voulez l'acheter, il a baissé un peu. Franchement, il y a pas mal d'heures de jeu. Alors je sais que si vous êtes un hardcore gamer, je crois que c'est facile. Moi qui suis pas un très bon gamer. Si, il y a un trophée, toi-même tu sais, dans le cimetière. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est peut-être les seuls trucs un peu compliqués où il faut regarder un peu sur internet. Mais sinon. Ouais. Et puis c'est totalement enfant-friendly parce qu'il n'y a pas de sang ni rien. Non, c'est très cool. Non, et Octopus est extrêmement bien écrit dans celui-là. C'est François Hollande. Déjà, c'est François Hollande. Il essaye de revenir à la politique. Et non, mais il est vraiment bien écrit. Ouais. En fait, ce qui est extrêmement plaisant, c'est que c'est aussi, ça s'adresse aussi aux fans, puisque tu sais tout ce qui peut se passer. Sauf que ça se passe pas exactement comme ce que t'attends non plus. Et donc ça, c'est extrêmement plaisant à voir. Et alors après, t'as aussi toujours ce truc où il y a des méchants, ils savent pas les adapter, donc c'est juste des benets. Enfin, genre, il y a le rhino, mais il sert à que dalle. Non, c'est vraiment pas, c'est un peu des sbires de la mafia. Voilà, c'est ça. C'est genre, bon, bah voilà, il va avoir un accent, puis il va foncer. Mais voilà, très bon jeu que ce Spider-Man. Dedans, il y a, pardon, parce qu'on parlait des méchants au tout début, il y a Taskmaster. Qui est un méchant qui a l'air pété, mais qui en fait est un. Qui est très cool. C'est un peu le Deathstroke de Marvel. C'est un mec ultra armé, qui connaît tous les arts martiaux et qui est un stratège militaire de ouf. Et il te fait faire des missions de merde. Mais en termes de personnage, dans un film en tant que vilain, ça peut être assez. Bah, ça tombe bien, puisqu'il vient d'être teasé comme prochain méchant du film Black Widow. Je ne savais pas. Écoute, bien, oh, les news dans Foodcast. Je vous mets un petit extrait directement. Tu sais, à l'avenir, si t'as l'intention de voler des voitures, te déguise pas en voleur de voiture. Et t'es qui, toi? T'es un flic? T'es sérieux? Tu crois vraiment que je suis un flic? Un flic en combi moulante rouge et bleu? Non, là, j'avoue, franchement, tu... T'as l'esprit d'analyse d'un type qui a fait de longues études. Je m'attendais plus à être pris pour un pilote de bobsleigh. Ah oui, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu. Utilise la fenêtre. Sors par la fenêtre. Vas-y, bravo, t'as réussi. Donc un nouveau Peter Parker, elle le défonce. Un nouveau Peter Parker, donc qui tranche un petit peu quand même avec celui d'avant. L'idée est de coller à une version un petit peu plus cool kids, j'ai envie de dire. Alors, un peu trop pour certains. Voilà, j'essaye d'être comment dire objectif, mais en fait je me rends compte que dans ma présentation on voit très clairement ce que je pense du film. Amazing Spider-Man 1 de Mark Webb que moi j'étais plutôt content. Bah, il a le nom film. Déjà. Oh joli, oh. Un jeu de mots pour nos amis anglophones. Non, moi Mark Webb est le metteur en scène de 500 jours ensemble, le scénariste de 500 jours ensemble, qui pareil film un peu décrié avec le temps parce que voilà un peu un film de Stalker, un peu voilà. Mais c'est que j'avais vrai, beaucoup vrai, un peu creepy, un peu creepy, mais un film que j'avais beaucoup aimé à l'époque et qui en tout cas je trouvais mettait le doigt sur un truc un peu attention avec mettre les doigts quand même. Ouais. Non, bah, c'était le bon film de blanc quand t'avais 14 ans, disons, tu vois, c'est la petite histoire. Quand t'aimes bien Zach Braff, t'aimes bien 500 jours ensemble. Et me dire que ce mec-là allait s'attaquer à Spider-Man m'intéressait, parce que je me dis, ah bah il sait filmer les ados, l'histoire d'amour, les trucs comme ça. Et alors, du coup, sort ce film avec Andrew Garfield, qui est pas forcément un très mauvais Spider-Man, je trouve. Je trouve que l'acteur n'est pas mauvais. Non. Loin de là. Mais l'écriture est compliquée. Le personnage veut peut-être un peu trop trancher avec la trilogie de Sam Raimi. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, j'ai eu exactement le même parcours d'attente et de réception que toi. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai su que c'était Mark Webb, je me souviens à l'époque, je traînais vachement sur le forum de Mad Movies. Et évidemment, sur le forum de Mad Movies, tout le monde était groupie de Sam Raimi, si tu veux. Et donc, l'arrivée de Mark Webb, c'était décrié nous par tout le monde. Nous, on veut George Miller. Voilà. Et j'étais là, genre, mais les gars, en fait, c'est quand même un mec qui a un vrai regard sur l'adolescence et sur les sentiments amoureux et sur la manière dont t'as envie que les choses se fassent et finalement se passent pas de la manière dont t'aurais aimé qu'elles se passent. Donc, pour moi, c'était un mec très indiqué, en tout cas, pour parler du personnage de Peter Parker et de ses problématiques. Pas forcément pour réaliser un super gros film d'action, mais j'étais sûr qu'il allait faire quelque chose d'intéressant. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, à la découverte du film, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment laissé de côté tout ce qui faisait le sel un petit peu de son cinéma jusque-là pour essayer de faire un film de Sam Raimi, quoi. Et mais c'est raté. Là, on n'était pas encore dans la frénésie du MCU et tout ça, mais est-ce qu'il avait vraiment les commandes? Est-ce qu'on était encore à une époque où le mec qui est choisi, c'est par un Yes Man et il a les commandes de sa vision et tout? Bah, de toute façon, ça, savoir, c'était, mais... c'était la poule aux œufs d'or de Sony, et surtout aussi le MCU commençait à se profiler. C'est-à-dire qu'il y avait un petit peu l'urgence. Ah non, c'était le Hulk d'Angly, t'as dit tout à l'heure. Hulk d'Angly. Oui, mais là, il y avait eu déjà. Là, quand le Amazing Spider-Man est sorti, il y avait déjà eu Iron Man et c'est Hulk. C'est quelle année, 2012 au moins. Oui, 2012. Ah, ok, ouais. Ça, il y a. Donc, oui, il y avait eu Iron Man 1, et bah, même Captain America 1. Et Hulk. Et Captain America. Et donc, il y avait une espèce d'urgence de vite utiliser la licence Spider-Man pour en faire des films. Enfin, en tout cas, c'est la rumeur qui tournait autour de ces productions de films, ouais. En tout cas, de dire Sony a peur de perdre les droits, a peur que tout le monde rachète ça à leur place, et donc du coup se dépêche de faire des films. Le problème, c'est que c'est un film qui ressemble quand même beaucoup au film de Sam Raimi dans ce qu'il essaie de raconter, ouais. Et en même temps en étant très différent sur les côtés un peu cool du film, à savoir s'attacher au personnage, tout ça. En fait, l'extrait que t'as mis, il était dans la bande-annonce. Alors, je l'ai vu. J'ai essayé de mettre l'extrait. En vrai, c'était pas du tout un extrait choisi pour se moquer, parce que c'est un des plus connus du film. Mais en plus, en l'écoutant en VF, je me demande, faudra vérifier chez vous à la maison, si c'est pas le doubleur du jeu vidéo. Ah, si, c'est le même gars. C'est Donald Reignoux. Ok, très bien. Qui fait aussi Fry de Futurama. Et en fait, justement, en voyant cette bande-annonce en VO avec Andrew Garfield qui dit vraiment, tu crois que je suis flic, blablabla, et ben, je me suis dit cool, ils font un angle Spider-Man genre qui fait des blague, qui est léger, qui est un peu le ultimate. Ouais. Exactement. Et en fait, quand tu penses à ça, t'imagines pas qu'à la ville, c'est un Darkos et qu'il va s'ouvrir les veines, quoi. Et c'est un peu ça, parce que à la fois, il est trop cool pour certaines personnes, et je suis d'accord, il fait du skate, il est photographe, et il est un peu trop beau gosse pour être un loser. Et à la fois, les scènes aussi où il est un peu en galère, parce que c'est Martin Sheen, c'est ça qui fait Oncle Ben? Oui, c'est ça. Je trouve ça super, leur relation elle est cool et tout. Et puis tout le gimmick du répondeur qu'il arrive pas à écouter ou je sais pas quoi. C'est des trucs que j'ai trouvé sympa. C'est un petit peu des grosses cordes, mais j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Mais il y a un déséquilibre entre qu'est-ce que tu veux faire. Justement, tu veux être comme Sam Raimi ou tu veux ta propre vision du truc un peu plus light. Enfin, c'était un mais c'est moins le réalisateur, je pense, que le studio en l'occurrence. C'était est-ce qu'on on veut faire du Sam Raimi parce bien que sûr, ça a cartonné, mais en même temps, on peut pas refaire le même film parce que. Mais je sais pas sur qui tirer. Enfin, on n'est pas là pour tirer, mais tu vois ce que je sais pas trop trouver le responsable de ça. Non, mais c'est un film qui a été fait extrêmement vite. Moi, il y a un truc que je sauverais quand même et que je trouve peut-être presque meilleur, mais c'est encore une fois c'est dans mes souvenirs, donc peut-être faudrait que je remate. C'est que je me souviens me dire que Mary Jane dans la trilogie de Sam Raimi est pas le perso le mieux écrit du monde. C'est vraiment la meuf en détresse. Et oui, même si on comprend que moi dans le 3 ça m'a sauté. Genre, elle a fait que hurler au secours pendant 3 films. Hein. Et je trouve que Gwen Stacy est plus attachante. Enfin, en tout cas, ce qu'elle fait, Emma Stone. J'adore qu'il je pense qu'il y a ça, et je pense qu'il y a aussi le plaisir de pas voir une Mary Jane mais de voir effectivement une autre personnage de l'univers de Spider-Man. Et voilà, je m'étais dit je crois un petit peu plus en ce mec tombe amoureux d'elle que dans la trilogie de Sam Raimi. Mais c'est peut-être le seul truc que je préfère. Et mais voilà, après je sais pas si vous avez d'autres choses alors, à dire. Alors attends, je confonds. C'est dans le 2 qu'il y a Jamie Foxx, hein. Donc on va venir. Il y a le rhino et c'est... Non le rhino c'est le lézard. Dans le 1 c'est le lézard. Et ben moi j'aime bien. Le méchant est pas nul. Je suis d'accord. Bah d'ailleurs l'acteur le... est super. L'acteur c'est le truc de Notting Hill, c'est le gars de le colloque de Notting Hill. Non, pas Jonathan Rhys-Meyer. Rhys-Ifans. C'est le gars qui est en slip dans Notting Hill, c'est ça. Exactement. Je trouve que le personnage est intéressant, l'acteur est top et j'aime bien le design du lézard, j'aime bien la scène où il met des toiles d'araignée pour faire un genre de sonar et tout. C'est des petites gimmicks que moi j'aime bien. C'est très comique ça après bon. Non, mais ils ont voulu le réorienter un petit peu jeunesse. Un des scénaristes du film est celui qui a écrit sur tous les Harry Potter par exemple. Donc il y avait cette volonté d'essayer de allez, on va essayer de chercher justement pas trop du geek de 30 ans comme la première trilogie de Sam Raimi, essayer de choper les jeunes. Et dans cette idée de choper les jeunes, ils ont fait le 2 peu de temps après avec cette petite chanson dans la BO qui est toujours un plaisir. And everybody know the story of David and Goliath, but this is bigger than Trump. This is for the warrior, this is for you and I. This is for euphoria, give me a peace of mind. God is recording this, won't you look in the sky. Tell him that you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor. Fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley. Bon, il est très énervé, hein, il fait ça tout générique. c'est The Amazing Spider-Man 2. Toujours de Mark Webb, toujours chez Sony. Toujours nul. Ouais, non, pire. Ah bah oui, succès du 1 du coup, s'il y a un 2 ou pas. Bah écoute, visiblement, écoute, j'ai pas les chiffres là sous les yeux, tu me prends de court, je vais aller regarder. Mais en tout cas, il y a un 2. En tout cas, il y a un 2. Qu'est-ce que vous pensez de ce film? En fait, je vois là quand j'essaie de m'en souvenir, je l'ai pas revu pour le coup récemment, mais comment t'en vouloir? C'est ça, je vois la gueule bleue de Jamie Foxx qui met les doigts dans la prise. Et je vois, et que j'aime pas, du coup, et je vois Paul Giamatti en Rhino et je déteste pas. Paul Giamatti, il y a quand même un petit souci d'accent, encore une fois. Je me souviens pas, il a un accent quoi, italien. Non. Je sais plus du tout, mais y a, c'est une autre ethnie. Et le rhino en mecha, je déteste pas. C'est un parti pris. Non. Pas, c'est moins ridicule qu'un mec déguisé en rhino, cela dit. Franchement, c'est un bon move. Dans le dessin animé, c'était ça. Hein. Oui, dans oui, le dessin animé, bon, il y a son visage, vrai. Hein, vraiment. C'est vrai. Je sais pas. J'ai pas d'autres souvenirs. C'est vraiment. Ça, on va bien. Enfin, moi, j'en ai que des mauvais souvenirs. Ah, si, il y a la mort de Gwen Stacy. Alors voilà. Avec cette scène iconique. Oui, mais alors ça, justement, c'est quand même un truc hyper fondateur du mythe Spider-Man et qui, là, je trouvais quand même. Oh, la scène, elle était pas bien, je m'en souviens. Non, c'est pas que la scène est pas bien, c'est qu'en fait, t'as aucune implication émotionnelle en tant que spectateur. Quoi, mais même là, genre, en termes de, alors sans vouloir faire le trou de balle qui lie les deux scénarios, même en termes de structure, ça arrive un peu tard en fait. C'est-à-dire qu'elle décède à 20 minutes du film, à 20 minutes de la fin, alors que c'est le genre d'événement que t'as un peu envie de voir au milieu oui, du qui te film, bouleverse le truc. Ouais, qui va changer le héros. C'est ce que je disais tout à l'heure en blague. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que le perso veut plus du tout devenir un héros, et ça va changer méga vite en fait. C'est-à-dire que très très vite, il va se dire bon allez. Les gens sont en danger quand même. Et c'est pas super bien fait. Bah d'ailleurs j'ai un petit extrait. Écoute le speech de Gwen Stacy. C'est facile d'être rempli d'espoir par une belle journée comme celle-ci. Mais nous connaîtrons aussi des jours sombres. Il y aura des jours où nous nous sentirons seuls. C'est là que nous aurons le plus besoin d'espoir. Même si ça semble trop difficile, même si vous êtes complètement abattu, vous devez me promettre que de toutes vos forces, vous vous accrocherez à l'espoir. Ne le lâchez pas. Nous devons être plus forts que nos souffrances. Ça fait tellement Disney. Je fais le vœu que vous incarniez l'espoir. Les gens en ont besoin. Peu importe si malgré tout nous échouons. Peut-il y avoir une meilleure façon de vivre ? Quand nous regardons autour de nous et que nous voyons tous ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes, nous avons le sentiment de leur faire nos adieux. Mais ils continueront à vivre en nous et nous accompagneront partout où nos chemins nous mèneront. En fait, ce qui est terrible en plus dans cette scène, c'est lui donner pour nous rappeler qui nous sommes. Elle fait des phrases très longues quand même. Qui nous sommes destinés à devenir. Ce n'est pas possible. Et il y a vraiment le costume de Spider-Man dans le placard et tout. Et après, c'est la scène où il y a le petit enfant qui arrive déguisé en Spider-Man contre le gros rhino. Et le rhino fait « Alors, oh, t'es magnifique !» Ah ça, il a un accent russe. C'est une catastrophe. Et il y a Spider-Man qui fait « Non mais je vais m'en occuper. » Il se bat contre le rhino. Et c'est là, le speech que vous entendez, c'est vraiment à 13 minutes de la fin. À 13 minutes de la fin, il veut plus être Spider-Man. Alors, non, mais c'est pas possible, c'est fou, ce speech, c'est... on est d'accord. Putain, je viens de penser à Jamie Foxx avec un petit toupet. Il a un toupet au tout début, tu sais, avant de devenir électrique. Et il parle comme ça. Ouais. Enfin, il a des lunettes de geek. Il a des lunettes et il a un petit. Il zozote un peu, il a un petit souci d'élocution. Il n'y a rien. C'est dur. Mais d'ailleurs, il faut savoir que Electro, c'était la volonté de. Comment James Cameron. C'était le méchant qu'il voulait dans son film. Il voulait Electro. C'est un méchant hyper camerounien. Electro et Mysterio. C'était les deux en même temps. Donc, il voulait utiliser ces deux-là et Electro, pardon. Aider Mysterio à faire ces espèces d'effets chelous pour que ça ait l'air plus crédible et donc ils étaient ensemble contre Spider-Man. Mais donc oui, on va pas en parler des plombes, hein, c'est pas très bien et on connaîtra jamais la Marie-Jeanne de Mark Webb. Non, et puis surtout tout n'est pas fini puisque je crois alors de mémoire. Mais non. Mais à la fin de celui-là, je crois qu'il arrête pas le bouffon vert en fait, je crois qu'il y en a un qui... enfin je crois qu'il tue pas les méchants tous. Ah oui, le bouffon vert, je veux parler mec de Chronicle. Là. Ouais, je crois qu'il y en a un qui arrive à se barrer ou je sais pas quoi et tu sais pas comment il va enfin tu vois, il y a une espèce de avec tout le bordel du MCU, il y a le Sinister Six, c'est toujours prévu ou pas? En fait, je crois que ça a été relancé par Venom. Alors, ne me grillez pas mes cartouches. Ah, pardon. Ah, non, mais parce que. Ouais, mais de quoi on parle là? Je sais pas. Là, on va parler de Venom. Ah, très bien. Tant qu'on y est, enchaînons un peu les films du chef-d'œuvre. Ça nous a permis d'avoir une chanson un peu rigolote. C'est ça, Eminem. Ah. C'est la chanson Venom. Ah, oui, on reconnaît. Dr. Dre said, hell yeah, and I got a stamp like a postcard, word to mailman. And I know they're gonna hate, but I don't care, I barely can wait. Donc ouais, j'enchaîne un peu les petits films de la saga Spider-Man avec Venom. Alors vous avez tous vu Venom? Oui. Je pense que Tom Hardy regrette. Ouais, c'est assez étrange en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fou avec... j'adore quand il écrit Venom et Eminem dans cette chanson. Il fait Venom. Venom. Ouais, c'est-à-dire que Tom Hardy en Venom, moi j'étais excité de ouf. Je fais ok, mec baraque, mec vénère, bah, mec surtout, acteur mec studio, casque, ouais, ça, ouais, mec fatigué et tout. Et en fait, ce qui est très bizarre, c'est que il y a un petit côté The Mask en fait. Enfin, c'est que c'est vraiment c'est un gars vrai, qui se transforme putain. En. C'est qu'en fait, c'est vraiment de l'humour de slapstick et oui. que tu... on aurait très bien pu mettre Jim Carrey à la place de Tom Hardy et ça aurait été mieux en fait. Je pense. Parce que Tom Hardy, on n'avait pas trop envie de le voir comme ça. Mais après, enfin, c'est clair que en tant qu'acteur, lui, il aime bien faire des rôles un petit peu vénères. Enfin, si vous avez pas vu Bronson, par exemple, je vous le conseille, c'est un très bon film, chef-d'œuvre. Et donc, c'est clair que alors, je sais que ça s'est pas fait facilement. Hein. Il a été en pourparlers, on va dire, pendant longtemps. Mais c'est clair que ça peut être séduisant pour un acteur comme ça de prendre un perso comme Eddie Brock. C'est Eddie Brock, hein, ouais, c'est Eddie Brock. Eddie Brock. Dans celui-là, ouais, bien sûr. Dans celui-là. Qui bosse pour une sorte de BuzzFeed. Enfin, non, qui est au chômage oui, d'ailleurs, mais qui bosse pour une espèce de BuzzFeed. Et putain, mais elle a... en fait, c'est même pas le côté visuel, parce qu'après, on peut essayer de défendre la gueule du symbiote et tout ça. C'est juste que tu vois Tom Hardy casté, tu dis, ok, ça va être un truc pas cérébral, mais ça va être un truc vraiment fucked up avec des personnalités différentes. D'un mec qui perd la tête, ouais, exactement, voilà. Un truc peut-être psychédélique visuellement et tout. Et puis physique, quoi. Ouais, ouais. Enfin, pour moi, Hardy, c'est un acteur un peu brut, quoi, tu vois. Et je m'attendais à ça, mais. Non. Et non. Non. C'est non, parce qu'en fait, c'est un film qui est vraiment tout public, en fait, qui est pas si violent que ça. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a été, monté à la serpe pour enlever justement la violence qu'il y avait à la base. Je pense la boucherie ne se voit pas. Lady Dar et que finalement, il est pas. Bah, j'en ai aucune. Oui, je crois que c'est ce que disait Tom Hardy. C'est-à-dire que Tom Hardy, en promo, disait ils ont enlevé tout ce que j'aimais du film. Ouais. Ce qui est normalement, tu ne fais pas. Non. Et le réalisateur, c'était le mec qui avait fait Zombieland, qui était pas nul et qui était en tout cas un film plutôt généreux dans le gore. C'est pour ça que Woody Harrelson, c'est Carnage. Ah, bah, je sais pas. Mais en tout cas. C'est peut-être son pote, Zombieland. Aucune idée. Bah, de toute façon, je pense que c'est tellement des grosses machines que je suis même pas sûr que le réal impose qui que ce soit. Ouais, mais non, c'est possible que non. Mais ça a peut-être aidé à motiver à ce qu'il le fasse, par contre. Après, c'est un. En fait, le truc, c'est que c'est un nanar, quoi. Donc finalement. Pas assumé. Non, pas assumé, mais c'est. Finalement, en fait, beaucoup plus de sympathie pour ça que pour les deux films de Mark Webb, si tu veux, par exemple. En fait, il relie. Putain. Bah ouais, parce que c'est plus. C'est neuneux, du coup c'est plus rigolo. Ouais, quoi, mais j'ai envie de dire que Mark Webb, alors après il faudrait revoir les films, bon, essayer de faire une pseudo-analyse, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une intention, il y a un truc derrière, il a essayé de faire des trucs où il a pas forcément réussi, et là Venom, j'ai l'impression que c'est juste un ratage quoi, total. Ouais, Venom en fait, il y a cette tentative, bon déjà cette folie hein, quand même, objectivement, de faire un film sur un méchant Spider-Man sans Spider-Man, c'est quand même une espèce de. faut le tenter. Oui, parce hein, que jusqu'à la fin, on aurait pu penser qu'il y aurait eu un caméo, tu vois, ou au moins un truc qui rattache. Exactement, comme Suicide Squad par exemple, avait une petite scène avec Batman. En tout cas, on là, n'essayait non, pas vraiment que de quoi. Spider-Man n'existe pas, quoi, on dirait. D'ailleurs, dans les geeks se demandent comment il peut avoir les yeux de Spider-Man sans Spider-Man. Oui, voilà, sans c'est ça. Non, mais c'est le enfin, genre de symbiote. C'est le genre de truc qu'on peut se dire, ouais, effectivement. Et puis la symbiote, il y a vraiment un truc. Enfin, tu vois, je citais The Mask, je peux citer Flubber aussi. Enfin, il y a une espèce de truc où il parle un peu avec la symbiote, il se cherche le cul un peu. À la limite, pourquoi pas tu fais un délire à Mr. Jekyll, à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pourquoi pas. Mais là, le symbiote arrive en mode. Notre race va conquérir la Terre et je sais plus à quel moment du film ça switch sans raison où il dit oh bah finalement je vais rester sur Terre avec toi, t'es mon pote pour zéro raison. C'est quoi cet envahisseur de merde? Non mais attends, c'est un film, voilà, c'est Amy Pascal qui est une productrice de chez Sony qui depuis a monté sa propre boîte qui essaie de tirer tout le jus possible des franchises, mais qui a raison puisque Venom est un énorme succès au box office. Ouais, Venom a cartonné et ils vont faire Moebius qui est donc le méchant le vampire avec Jared Leto dans le rôle du vampire. Ça me fait penser, tu dis ça et c'est vrai que j'ai vu au début de Far From Home dans les sponsors, enfin dans les prods, il y a Pascal Prod et donc c'est elle ouais, c'est d'ailleurs qu'elle a monté sa propre ouais, mais toujours avec Sony, c'est-à-dire qu'elle est derrière les New Generation, elle a fait aussi le remake de Ghostbusters, mais elle fait aussi Pentagon Papers, enfin c'est voilà, elle a toute une firme de, mais c'est une historique de Sony, d'accord. C'est quelqu'un très respecté là-bas. Et non, mais pour terminer assez rapidement quand même sur Venom, oui, c'est ce truc aussi de, enfin moi je me souviens, je suis allé voir le film au cinéma. Et genre dans le générique de fin, ils te foutent New Generation vite fait en pub. Genre, il y aura ça aussi. N'oubliez pas, dans notre univers. Il y aura ça. Et puis, il y a Carnage aussi. Enfin, c'est vraiment un espèce de truc. Ouais. Enfin, c'est le bordel, quoi. C'est vraiment un bordel. C'est un gros bordel. Il n'y a pas beaucoup de Venom. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est que c'est la fin la plus excitante, quoi. La scène que vous avez vue où dans une épicerie il devient Venom et il bouffe la tête d'un gars, c'est le dernier plan du film littéralement en fait. Oui, c'est-à-dire en fait t'as le running gag de à chaque fois il va dans l'épicerie il fait rien et à la fin il bouffe la tête d'un gars, sauf qu'en fait c'est le film qu'on voulait voir, c'est clair. Un gars et puis gros gâchis Riz Ahmed aussi que j'adore, qui est un méchant de merde. Mais c'est difficile de mettre un méchant en fait, fallait limite directement mettre Carnage en fait, c'est difficile de mettre un méchant dans Venom quand c'est Venom le héros. Ouais. Et le parti pris pouvait être intéressant, mais je pense en tout cas pas vendu comme ça, non. Et pas avec Tom Hardy, parce que dans le film il y a quand même Tom Hardy qui mange des homards et qui prend des bains dans un truc de homard et... Cette scène elle est un peu bizarre mais je la déteste pas. Non mais c'est pas ça, mais c'est juste c'est encore une fois c'est un Jim Carrey, ouais, quoi. C'est un truc bizarre. Où t'attends c'est pas ça, ça d'un film Venom, quoi. Je suis d'accord. Bon, mais bref. Je pense pas qu'il y aura deux, enfin en tout cas Tom Hardy ça m'étonnerait qu'il revienne, sauf s'il est sous contrat. Le film a cartonné putain, artistiquement t'as pas envie, quoi. Mais Sony quand même a fait d'autres choses avec, avec la saga Spider-Man, puisque récemment, ils ont décroché quand même un petit Oscar avec ce film. Putain, ça tue. 2000 on thermometers, 2000 surrounding us, travel 2000 kilometers to hang out with us. What's up, danger? What's up, Danger? What's up, Danger? Je peux m'empêcher de, vu qu'on est dans le podcast, j'arrive pas à m'empêcher d'imaginer Adrien Méniel danser là-dessus. Ah bah, il représente le vrai hip-hop. Bah là, il y a vraiment du vrai hip-hop à représenter, on le pense. What's up, Danger? Donc, ouais, issu de la bande originale, pardon, de Spider-Man New Generation en français, mais Into the Spider-Verse en anglais. Ça marche. Réalisé par Peter Ramsey, Bob Perichetti et Rodney Rothman. Avec au scénario Phil Lord, et produit par Phil Lord et Chris Miller, qui ont un peu porté le projet, parce qu'effectivement c'est les mecs qui ont un peu la carte en ce moment, enfin la carte, oui et non, parce qu'ils se font quand même virer de projet, mais qui sont en tout cas des gens qui intéressent les studios et les majors aux États-Unis, puisque c'est les mecs derrière les 21 et 22 Jump Street, qui ont voulu faire le film solo avant de se faire virer parce qu'ils faisaient trop d'impro. Et qui ont fait le film Lego, voilà. Ils ont fait que le premier ou ils ont fait Lego? Que le premier, enfin, ils produisent le 2, mais c'est les scénaristes et réalisateurs du 1. Mais ce ne sont pas les réalisateurs de New Generation. Ils sont producteurs. Et quand tu regardes le making-of, parce que moi j'ai acheté le Ultra HD avec tous les bonus, ils sont quand même beaucoup là. Mais techniquement, ce ne sont pas les réalisateurs du film. Donc Into the Spider-Verse qui a fait quand même très plaisir à plein de gens. Je crois que c'est le qui existe de mieux. Tout simplement sur l'univers de Spider-Man. Franchement, tous médias confondus. Bah, après, il y a les comics, c'est difficile de comparer avec un truc à 70 ans, mais bien sûr. C'est de très bonne qualité. C'est marrant parce que quand le trailer est sorti, visuellement, il n'était pas exactement comme le résultat final. Il y a eu quelques petits changements, mais les gens étaient un peu. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu saccadé, c'est bizarre. Ah, moi, c'est l'imagerie, ouais. Le nombre d'images par seconde, je m'étais dit, waouh, ça va être particulier. Ouais. Mais comme je m'étais dit avec Lego, donc je suis un débile, j'avais juste à me souvenir que je m'étais dit la même chose film d'avant. Les Lego, il y a un truc un peu de. Tu sais que c'est du stop motion parce que c'est des jouets, alors que là, tu te le dis pas, c'est volontairement le frame rate, parce que bon, on est des geeks ou pas. Non, mais du coup, effectivement, c'était. Tu dis ok, parti pris vraiment franc et massif, mise en danger, etc. Et en fait, le résultat, il est. Enfin, moi, franchement, pour moi, il n'y a rien acheté dans ce film. Vraiment, il n'y a rien acheté. Alors, si je dois émettre une seule petite réserve. Putain ! Non, mais il faut mettre une petite réserve. Que je trouve le personnage de Kingpin assez peu exploité et un peu. Je le trouve un peu unidimensionnel et je crois pas totalement en son histoire tragique de famille, si tu veux. Ah, c'est drôle, parce que moi, oui. Ah, bah, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça fou parce que justement, je m'étais dit, putain, ils ont réussi à m'attacher à ce gars-là en trois plans. Ouais, mais il tire pas trop la corde non plus. Ah, bah, pas du tout, parce qu'il y a trois plans. C'est bien, justement. Mais je trouve ça. Enfin, c'est pour ça que moi, ça m'a pas fait le même effet. Très bien. Parce que moi, en trois plans, j'étais ça dedans. A marché, quoi. Et je trouvais ça fou d'avoir réussi à me mettre dedans en trois plans. C'est ça justement que je trouvais assez. Mais du coup, tu trouves qu'il a pas assez d'implication sur la trame du héros et tout ça? Ouais, je sais pas. Il y a un truc que j'ai pas trouvé totalement abouti avec le perso. Mais c'est vraiment. Attendez, c'est intéressant. Je pinaille, parce que globalement, j'ai pris un pied phénoménal et que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça en salle de chialer quatre fois pendant un film, d'être complètement ébahi par les scènes. Enfin voilà, c'est une réussite totale. En plus, déjà, tu te dis, ok, on change de média, on fait pas un film, on fait un film d'animation. On change de personnage principal, on met pas Peter Parker, on met un Spider-Man moins connu, ou en tout cas beaucoup plus récent, qui est très connu aux États-Unis mais un petit peu moins en France. Et un parti pris graphique de malade, parce que au-delà du côté saccadé volontaire là, c'est quand même, c'est un genre de stop motion. Il y a mille idées, mille trucs. Et tout. Et puis le multivers, quoi. Et le multivers, voilà, le principe de multivers qui est utilisé dès le trailer. Et en fait, tout est clair tout le temps. Il y a aucun problème. Moi, il y a aucun moment où j'étais largué. Tout est très bien huilé, enfin, c'est vraiment super, c'est drôle, c'est dramatique à la fois, les personnages sont top. Enfin, c'est un grand film, tout simplement. Ouais, ouais. Enfin, je pense qu'on va pas se le cacher, on a tous kiffé autour de cette table. Et voilà, moi je me suis dit, En fait, c'est assez rigolo parce que à la sortie de Far From Home, dont on va parler avant la fin de cette émission, je suppose, je suis sorti assez frustré de Far From Home et je me demandais pourquoi. Et j'étais expliqué à Ben, on s'est vu ce week-end, de ma théorie sur Spider-Man par rapport à un super-héros. Je comparais par rapport à Batman, qui, à chaque fois qu'il a été adapté sur grand écran par un nouveau réalisateur, chaque réalisateur a vraiment apporté sa patte et sa vision très très différente du précédent. C'est-à-dire le Batman de Nolan n'est pas du tout le même que Burton, qui n'est pas du tout le même que Snyder et tout, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et pour moi, les Spider-Man depuis Sam Raimi, donc les Spider-Man de Mark Webb et ensuite ceux du MCU, je trouve, souffrent toujours de la comparaison avec Sam Raimi, qui a imposé une sorte de charte visuelle de Spider-Man au cinéma et en live action en tout cas, qui aujourd'hui demande encore à être dépassée, et surtout où les personnages n'arrivent pas forcément à se départir de ce que Sam Raimi avait proposé. Et Into the Spider-Verse, c'est l'exception où t'es là genre, bah là en fait, c'est différent sur le fond, sur la forme, sur la manière dont ça raconte les choses en tout cas, et c'est brillant, et c'est ça que j'attends de la part d'un film Spider-Man aujourd'hui, c'est de me proposer autre chose avec le même personnage, et c'est le film qui y parvient le mieux, quoi. Je suis d'accord avec cette théorie, enfin, comme tu dis, on en a parlé ce week-end et j'étais d'accord, mais en rematant quand même ceux de Sam Raimi, il y a quand même une sacrée différence entre le Sam Raimi et le MCU, enfin le bien Peter, sûr, tu vois, c'est quand même, il y en a un qui est horrifique et l'autre qui est plutôt lumineux, voire teenager, limite teen movie, quoi. Oui, bien sûr, mais en fait t'as quand même sur les couleurs, sur la mise en scène, visuellement, et tout, je suis t'as quand même sûr. Des trucs, t'as quand même d'accord. Des trucs où t'es là genre bon bah t'as l'impression que le cahier des charges c'est quand même Raimi, quoi. Oui, si visuellement, et Into the Spider-Verse, c'est un autre délire complet, quoi. Je sais pas, mais tu prends des exemples, c'est con, mais faire un Peter Parker avec du bide qui est dépressif et qui mange de la pizza, bah voilà. Mais c'est la riche idée, je trouve. Non, mais c'est la riche idée de Spider-Verse. C'est-à-dire que je trouve que tu as Miles Morales et tu as ce Peter Parker un peu gras du bide. Et c'est, pour moi, c'est la meilleure relation d'un gars pas prêt à être père et d'un gamin depuis Jurassic Park, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc de devoir gérer et de pas se sentir capable et de parler de la dépression de façon assez touchante. Et même la relation, alors moi après les gens le savent, hein, c'est ma petite marotte, mais les relations père-fils, le film regorge de ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a, alors on va spoiler un peu le film, hein, mais qu'il y a parfois des énormes ficelles et que moi quand même j'ai réussi à me faire embarquer et à y croire. Bah, la scène de la porte. La scène de la porte, non, je parlais de la grosse ficelle, moi surtout du méchant, du rôdeur, qui s'avère être en fait l'oncle du héros. Et tu pourrais te dire, ah oui, d'accord, donc c'est vraiment tout petit, hein, comme monde, mais bizarrement t'y crois et t'es à fond et tu te sens mal et le rôdeur est gracié à la dernière seconde, tu vois, c'est pas justement, ça arrive pas, c'est pas des facilités parce que c'est son oncle, mais son oncle il a des problèmes avec son père, tout n'est pas simple et tout, c'est ça que je te dis, c'est que de l'extérieur on dirait des grosses ficelles, mais sauf qu'en fait c'est tellement bien tricoté, pour filer ma métaphore, que tu vois rien venir. Et je vous mets un extrait, alors il est en anglais parce que je l'ai pas en VF. Une de mes scènes préférées du film. The hero known as Spider-Man has died after injuries related to another powerful earthquake in Brooklyn. Multiple sources are confirming that Peter Parker, a 26-year-old grad student, I'm not scared operated of the dark. I'm not running. No, I'm not afraid of the fall. I'm not scared. My wife, Mary Jane. I'm not scared. Our hero, Spider-Man, is gone. I'm not scared. My husband, Peter Parker, was an ordinary person. He always said it could have been anyone behind the mask. He was just the kid who happened to get bit. I'm going to miss him. Yeah. We were friends, you know. Can I return it if it doesn't fit? It always fits. Eventually. Peut-être un des plus beaux caméos de... Le plus beau caméo. Ouais, là, moi, il n'y avait plus... Je voyais flou, là. Il y avait du pollen dans la salle. Vraiment l'enfer. Mais tu vois, là, dans l'abondance, il y a un truc qui est dit et qui résume vraiment toutes les sens du film. Alors, évidemment, c'est un shonen, hein, c'est un héros qui apprend à grandir. Mais il y a cette notion... Alors, le Spider-Verse aide, c'est sûr, mais il y a cette notion de n'importe qui peut prendre le masque, n'importe qui peut être un héros. Et ça, dans tous les autres films, même Sam Raimi, avec tout le respect qu'on lui doit... Il a pas mis ce truc là en avant, c'est-à-dire qu'il s'est centré sur son personnage, ce qui est normal, tu vois, il a fait son choix. Mais là, c'est encore une fois, comme disait Joe tout à l'heure, là c'est une interprétation différente et un angle différent de dire, ok, on vous propose quelqu'un qui n'est pas Peter Parker, parce que n'importe qui peut être Peter Parker, entre guillemets, dans le sens n'importe qui peut être un héros. Et ça, c'est un putain de message artistiquement et au-delà du film, humainement, pour tous les jeunes spectateurs et autres. Quoi. Et alors, moi, je faisais partie des gens qui étaient un peu effrayés par en fait, la BO. Donc, il y a deux BO. Il y a la BO orchestrale de Daniel Pemberton et il y a la BO hip-hop avec tous les artistes qui y participent. Et elle était sortie, elle a été beaucoup mise en avant avant le film. Et moi, il n'y avait pas Willy Denzey, ce qui a tout fait un peu peur. Il a cassé le nerf du son. Donc. Et j'étais un peu effrayé en me disant. J'avais peur de ce film où la musique vient un peu phagocyter le truc et rendre tout un peu artificiel. Et en fait, que ce soit la BO de Pemberton ou les morceaux qui ont été enregistrés, les tracks de hip-hop qui ont été enregistrés pour le film, en fait, tout est hyper harmonieux, tout fonctionne bien et chaque morceau vient servir une scène et t'as pas l'impression que ça vient se poser maladroitement sur un truc ou comme parfois les BO de films des années 90 où le mec rentre dans un bar et d'un coup il y a la chanson de tel groupe qui joue juste pour justifier le fait que c'est sur la BO et tout. Là, à chaque fois, c'est vraiment genre What's Up Danger, c'est les paroles. Arrive pile poil au moment où elles doivent arriver dans le film et ça te colle des frissons même si t'aimes pas le hip hop ou même si c'est hyper bien quoi. J'adore. Et pour reparler des persos, tu sais, tu disais on dit que les persos étaient construits et tout ça et que ça parlait des relations père-fils, de la dépression, etc. Mais il y a aussi tous les petits acolytes qui viennent du Spider-Verse, donc Spider-Man noir qui est joué par Nicolas Cage, Spider-Cochon, la petite coréenne avec son mecha, ils ont tous une origin story mini qui est résumée le plus intelligemment possible. Gwen Stacy aussi, Spider-Man. Ouais. Et du coup, tu t'attaches à eux hyper rapidement en fait. Alors que le film, le film il fait 2 heures, non ? Ouais, un petit peu moins, de 2 heures. Ouais. C'est tellement efficace. Non, hyper dense. En écriture, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu de ma vie. Parce que mettre autant d'informations avec autant de personnages touchants, ce que je disais tout à l'heure, ce que parfois Marvel a du mal à faire, et ce que Sam Raimi avait réussi à faire avec 3 persos, et là, il y en a une pelletée, et vraiment, parce qu'il y a les Spider-Man, il y a les méchants, mais il y a aussi le père, moi je le trouve super touchant, l'oncle, je trouve ce film vraiment C'est fort. Extrêmement bien écrit, extrêmement bien pensé, on l'a peut-être pas dit, mais il est très drôle. À mourir de rire, et d'une modernité, c'est jamais aux chausse-pieds, en fait, toutes les questions raciales ou de sexe, ou toutes ces choses-là ne sont jamais forcées, et sont assez... fluide et on s'en fout en fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'en fout et du coup c'est important. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais de toute mais façon, du coup le film a été adoubé par Alain Chabat récemment. donc à partir de maintenant en fait il est intouchable, plus personne ne peut dire de mal. J'ai vu un screenshot de Chabat qui a le DVD et le tweet c'était photo retrouvée de Jésus tenant la Bible. Oui, c'est ça. Non seulement il y a de ça, et puis en plus les possibilités sont infinies en plus. Enfin, là, ils ont plus ou moins annoncé un 2 sur Twitter. Enfin, trop bien. Après les Oscars, ils ont posté une photo de Spider-Man qui fait 2 avec les doigts. Donc, ils ont dit est-ce que ça veut dire peace ou est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un 2 ou est-ce que. T'imagines bien que Sony, avoir un film Spider-Man qui marche bien, qui est pas chez Marvel autant, ça me surprendrait qu'ils disent non, on va pas le faire. Non, on va rester sur ça. Parce que même ça, avoir un Oscar, alors on peut s'en foutre des Oscars. Moi, je fais partie un peu de la team qui s'en fout des Oscars, mais. Ça faisait longtemps qu'un film pas Disney, pas Pixar gagne un Oscar. Même dans la frénésie encore une fois des films de super-héros, je crois qu'il y a que, alors attention c'est rigolo, il y a que Suicide Squad qui a gagné un Oscar, c'était pour les maquillages. Oui, c'est hop, Oscar posthume pour Heath Ledger dans The Dark Knight. Pardon, j'avais oublié, désolé. Troisième Oscar en million Panther de films. Black Panther a eu un truc, non? Ah oui, je suis con, Black Panther, c'est vrai. Ils étaient nommés en catégorie meilleure. Si, ils ont eu des trucs, ils ont eu des costumes. Non, mais effectivement, en tout cas, Spider-Man n'avait jamais eu d'Oscar auparavant. Un très beau film, un très bon film. Ouais. J'ai hâte de voir comment il va vieillir. Je pense qu'il vieillira comme un bon vin. C'est-à-dire que c'est délicieux de base et ça sera meilleur d'année en année. Et surtout, il sort du lot parce qu'effectivement, c'est difficile de voir un film de super-héros aujourd'hui qui n'est pas. Phagocyté par le système actuel, et que les films soient bons ou pas, c'est même pas un jugement, mais que ce soit DC ou Marvel, tu sens que tu fais partie d'un énorme truc, et même quand tu fais pas partie d'un énorme truc, tu fais le Joker qui dit moi je vais pas être comme un mec qui fait l'extrême inverse, et finalement tu réagis au système. Et Spider-Verse, j'ai vraiment la sensation de juste des mecs qui veulent raconter une histoire et qui la racontent bien et qui aiment profondément Spider-Man. Et d'ailleurs, c'était assez touchant que c'était le premier film Spider-Man après le décès de Stan Lee et de Ditko, et le film leur rend le plus bel hommage, je trouve. Je sais pas si ça aurait été possible, tous effets spéciaux mis à part, si ça aurait été possible de faire un truc aussi réussi en live. Ou est-ce que le fait que c'est peut-être un petit peu Far From Home, c'est ce qu'ils disent dans la bande-annonce en tout cas. Ça peut être pas plus haut que son cul. Non, mais ça parle des multiverses. Oui, enfin, oui ça bien parle sûr, mais je veux dire, enfin, tous les trucs positifs dont on a parlé, je sais pas si en live ça aurait fonctionné pareil. Je suis pas sûr. Il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne en ce moment qui est assez rigolote de The Nerdist où ils imaginent, où en fait ils mélangent Amazing Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi, les Spider-Man de Avengers, comme si c'était pour le faire multiverse. Un peu cohérent, pour faire le multiverse en fait. Et donc, du coup, il faut répondre les scènes de cafétéria, les scènes de métro, c'est assez. Ah, c'est cool. Non, c'est assez rigolo, c'est assez bien fait. Ça, j'aimerais. Ça, j'aimerais. De toute façon, Disney rachète tout, donc pourquoi pas. Nous allons d'ailleurs passer, en parlant de Disney, l'enchaînement est tout trouvé, puisque nous allons parler du Spider-Man de Disney, nous allons parler de Tom Holland. Petite basse. Tu vas slapper à qui n'a rien à faire. J'aime dommage. Beaucoup la musique de Michael. Qui vient, j'imagine, suggérer la toile. Michael Cappuccino. Exactement, c'est pas loin d'être du racisme, mais je prends. Je ne me souviens pas de son nom, c'est le mec de Lost. Ouais, Spider-Man Homecoming. Alors, juste avant de parler de Homecoming, petite intrusion dans Civil War. Oui. C'est-à-dire qu'il apparaît dans Civil War, c'était même en vrai. Petite insertion, petite pénétration. Se mentir, quand même, les trois quarts de la promo de Civil War, c'était de dire il y a Spider-Man dedans, il y a Spider-Man dedans, il y a Spider-Man dedans. C'était le dernier plan du teaser, je me souviens, où c'était Iron Man qui l'appelait. Ouais, c'est ça, et il arrivait immédiatement. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans Civil War, moi j'ai un souvenir d'inspecteur en me disant oh, ça peut être très très bien ce Tom Holland en Spider-Man. Ouais. Comment vous avez réagi, vous? Moi j'ai tout de suite été séduit par le choix de casting. Parce que je trouve que c'est physiquement en tout cas et dans l'attitude de l'acteur une sorte de Peter Parker un peu rêvé comme ça un peu idéal donc très bien j'ai trouvé que c'était le seul truc bien de Civil War. Désolé mais voilà j'ai trouvé que c'était le seul truc frais. Le seul truc frais on en a parlé dans le MCU le podcast de MCU que je vous invite à réécouter. Alors peut-être que si vous réécoutez je dis qu'il y a d'autres trucs. Attends, mais quand tu dis le seul truc bien Civil War, tu parles de le personnage de Spider-Man ou juste le casting de Tom Holland? Non, Spider-Man dans Civil War, c'est cool quoi, tu vois. Ouais, il a cet angle de je suis un fanboy, j'ai rien à foutre là, mais je suis un peu excité. C'est assez rigolo. C'est un bon comic relief. Enfin, en fait, quand il passe son temps à commenter la scène de baston, c'est cool quoi, tu vois. C'est Spider-Man. Et quand même, il a la petite scène un peu touchante avec Captain America, ça j'aime bien. C'est cool. Ils n'ont jamais rien fait, mais c'est assez rigolo. Moi, j'avais. En fait, c'est effectivement le choix de casting. Je connaissais pas Tom Holland avant, j'ai su qu'il avait fait Billy Elliot au théâtre. Et c'est comme musical en Angleterre. Et c'est là que tu vois que c'est un danseur. Et donc c'est peut-être le premier acteur incarné Peter Parker qui physiquement peut être Peter Parker, enfin peut être Spider-Man. Je vous invite à regarder une vidéo où il reprend Umbrella de Rihanna qui est assez impressionnant. Au Saturday Night Live Je crois que c'est un truc qui s'appelle Limson Battle. Et genre il fait des saltos arrière, enfin c'est extrêmement impressionnant. Ouais. Donc ça tu te dis, bon bah cool, il fera sûrement pas toutes ces cascades, mais déjà c'est cool d'avoir un gars qui va s'impliquer physiquement. Ouais. Et on en a pas parlé, mais ne serait-ce que dans le trailer, le costume, bah j'ai éjaculé partout. Voilà. Non, mais mis de la toile partout en plus. Oui, c'est ça. Le costume, il est parfait. Enfin, c'est-à-dire pour moi, après, il y a d'autres costumes et tout, mais le costume, son costume classique, on va dire. Il y a le truc des yeux déjà. Le truc des yeux, c'est méga smart. Ça lui donne des expressions qu'avant, il n'avait pas. Et justement, le truc de Civil War, c'est que donc, je l'ai rematé avant de remater Far From Home, enfin d'aller voir Far From Home. Et en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point Spider-Man, il était. Alors, ok, c'est un gamin, ok, c'est pas un super-héros tout de suite. Mais dans Civil War, t'as que des super-héros aguerris, qu'on en marre, qui sont fatigués, qui se fightent alors qu'ils devraient pas se fighter et qu'ont pu vraiment. Qu'ont perdu un peu le sens des choses et voilà, la foi et puis le sens des proportions, etc. Et lui, il est là, il est hyper frais, en fait, c'est la fraîcheur apportée. Alors, trop parce qu'il est naïf, mais c'est voulu. Mmh. Et du coup, ça fait vraiment un contraste. Où en fait, les mecs ont tout à apprendre, enfin les super-héros, mecs et meufs ont tout à apprendre de lui à ce moment-là. Mais de mémoire, de mémoire, il était même assez introduit quand même. Enfin, il y a quand même, ils prennent un peu le temps d'avoir Tony Stark qui va voir la tante, qui va lui parler, qui est machin. Alors que, on l'a dit effectivement dans le Floodcast MCU, Tony Stark c'est le méchant de l'histoire dans ce film-là en tout cas. C'est fou que le méchant recrute un gars qu'on va adorer, qui va être un surgentil. Et puis voilà, la scène de l'aéroport, enfin toute sa partie à lui dans la scène de l'aéroport, elle est super. Tu vois qu'il est monstrueusement fort. Il y avait le plaisir de le revoir aussi à l'époque, hein, faut quand même le remettre. On sortait des deux Amazing Spider-Man, il y avait un côté un peu kiffant. Et puis, alors, ça c'est le truc que parfois les haters du MCU ont du mal à comprendre, mais Enfin, quand on a grandi avec les dessins animés ou les BD ou les trucs comme ça, bah, c'est quand même kiffant d'avoir Spider-Man qui se frite contre Captain America pendant qu'il y a Ant-Man qui essaie de récupérer, bah oui. Qui essaie de récupérer Scarlett Johansson. Black Widow. Enfin, tous ces mélanges-là, ouais, ouais. Et c'est vrai que dans Civil War. Quel kiff de voir Spider-Man friter tous ses super-héros après tous ces films où il était tout seul. Et puis surtout, putain, Tobey Maguire 2% et Andrew Garfield allez, 20%, on va dire. Là, il y a des blagues, putain. Lui, il le fait à 100%. Il fait des blagues, il fait des vannes. Ouais. Il insulte les autres gars. Il est fan d'un autre gars. Il dit, oh putain, je suis fan de toi et tout. On pourrait être potes un jour. Enfin, il est, ouais, il est drôle. Il s'excuse en se battant. Bah, c'est je suis ça. Vraiment désolé. Vraiment, je vous adore. Alors mais... qu'il met une raclée à, ouais. à Falcon et à Winter Soldier. Enfin, je sais pas. Je trouve que juste sa partie dans Civil War, déjà, moi, c'était, pour moi, c'était vendu. Je suis tombé amoureux de lui, quoi. Mais qui nous amenait du coup à Homecoming, le premier film Spider-Man du MCU. Alors faut savoir qu'en production c'est un bordel, hein, puisqu'en fait Sony n'a pas voulu lâcher les droits, comme on peut l'imaginer. Et Disney a dit, ben bah, oui mais là vraiment faut qu'on le mette, le Spider-Man, vous êtes gentil, mais va falloir y aller quoi. Et du coup c'est une association, comme il est rare d'en voir en fait dans le cinéma aujourd'hui, ouais c'est ça, où ils se prêtent. C'est comme au foot quoi. Ouais, mais le contrat ce joueur pendant telle saison. Et le contrat est très précis, c'est-à-dire que c'est Sony a le droit de faire des dessins animés Spider-Man sans Disney. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire aux personnages quand même. Je pense qu'on a des dessous qu'on connaît pas, mais j'imagine très mal Disney faire oui, bah faites ce que vous voulez, bien sûr, tant que c'est pas MCU, nous on fait ce qu'on n'y touche pas. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Et ce qui explique aussi pourquoi on a ces méchants sans Spider-Man, puisque ils ont le droit en fait sur tous les autres personnages, de ce que j'ai compris, tous les méchants de Spider-Man, ils ont le droit de faire des adaptations sans Disney. Ouais. Mais Spider-Man, le héros Spider-Man, en tout cas, les films doivent être, bah, ça doit être Tom Holland et ça doit être dans la continuité du. Marvel Cinematic Universe, mais qui est un win-win puisque de toute façon les gens vont les voir ces films-là parce qu'ils font partie d'un certain univers. Bien sûr, donc, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours bizarre au début, c'est un bordel. T'as Tristar, enfin t'as Colombien machin, t'as 15 minutes de film, après t'as le logo Marvel. Enfin c'est vraiment c'est. Mais alors Homecoming, qu'est-ce que vous avez pensé de Homecoming qui, j'ai l'impression les gens reviennent sur ce film en disant eh, c'était pas si ouf, alors que moi je me souviens avoir été sorti de la salle estatique. Moi il y a un me permets. Oh, bah écoutez, il y a un truc qui frappe, c'est que bah, déjà il ressemble pas au film de Sam Raimi, je trouve. On va même pas parler de Mark Webb parce que c'est le cul entre deux chaises, mais il a pris le parti, enfin je dis il. Tu parles de John Watts. John Watts tout à fait. Et Kevin Feige bien sûr, parce que c'est lui. Oui, évidemment. Ils ont pris le parti de faire un film pour moi d'un teen movie, enfin un film de collège, un film de lycée quoi. Et du coup bah déjà c'est super parce que moi enfin c'est clairement calqué sur Ultimate, la version Ultimate de Spider-Man, donc un Spider-Man plus jeune qui est vraiment bah, même Tante May elle a 18 ans donc et voilà, et c'est un film avec en fait c'est marrant parce qu'il y a aussi une histoire d'amour, il y a aussi la fille qu'il n'arrive pas à avoir etc, mais il y a tout de suite un truc beaucoup plus touchant, ou enfin je sais pas, c'est peut-être Tom Holland, c'est peut-être le fait qu'il soit un peu plus jeune. Oui c'est ce que j'allais dire, là tu sens que c'est des vrais jeunes hein, aussi. C'est ça, c'est des vrais gamins. Et en fait tu vois qu'il a des vraies galères et ce côté qu'on a reproché de dire ah Tony Stark il est trop là et tout ça, je trouve que dans Homecoming on est à la limite, c'est à dire pas plus pas moins, mais il lui fallait une figure paternelle, il fallait qu'il faille, il fallait qu'il se fasse sauver le cul, il fallait qu'il se rende compte de ses erreurs. Mais tout n'est pas réglé puisque dans Far From Home pour moi c'est la continuité, on en parlera tout à l'heure, mais c'est la bonne continuité. Donc pour moi c'est vraiment le début, c'est une bonne origin story, on n'a pas repris la morsure de l'araignée, il n'y avait pas besoin. Je sais pas, moi je trouve très touchant et le méchant est super. On fait l'impasse sur Oncle Ben, on fait l'impasse sur. Peut-être un peu trop du coup, ce que tu disais, le deuil, ça aurait été peut-être pas mal d'avoir. Moi j'aurais peut-être. Alors ce que je voulais dire sur le deuil, donc là on est parti sur des spoilers sur le MCU et Spider-Man. Moi c'est plus par rapport à ce qui va se passer après Endgame. D'accord, ok. Mais moi le deuil c'était à ce niveau-là. Dans Spider-Man Homecoming, moi au contraire, je trouve ça parfait de le montrer dans son univers de l'école qui, pour le coup, même dans les Sam Raimi que j'aime énormément, je trouvais des très survolés, c'est-à-dire mais alors c'est que ça, dans les BD, il y a 5 minutes à l'école. Voilà, c'est vraiment au début il y a des bullies, il les défonce. Ah oui, il y a Flash. Ok, d'accord, et ils se battent et terminé. Là, il y a vraiment tout se passe à l'école. Bon, ça se revendique enfant de John Hughes, et moi, c'est vrai que c'est un de mes metteurs en scène préférés, donc ça me touche en plein cœur. Il y a carrément un ultra clin d'œil. Ouais, bah il cite Ferris Bueller ouvertement, et puis même tout le film se veut être une espèce de John Hughes d'aujourd'hui. Mais là où je trouve le film très fort, c'est que je trouve que c'est un John Hughes d'aujourd'hui. Enfin, c'est peut-être les fans hardcore de John Hughes vont dire que je vais peut-être un peu loin et qu'il faut que je me calme. Mais je trouve que c'est un on n'a pas tant de si bons teen movies actuels. Non, c'est vrai. Et je trouve ça cool qu'un énorme blockbuster comme celui-là, et je reviendrai sur ça dans Farm From Home parce que je trouve ça un peu moins bien géré, aille pas forcément dans les écueils ou dans les trucs qu'on voit d'habitude, et c'est plus finement fait. Et alors, il y a un énorme geek asiatique dont tu dis, oh là là, où est-ce que ça va ? Et ben non, il est pas vraiment dans les clichés qu'on attend, il a quand même des vannes, des trucs. Je trouve ça assez réjouissant. Et donc j'en profite parce que là j'aime bien faire mon name dropping. En fait j'adore l'équipe derrière ce film, puisque le metteur en scène John Watts a fait un film que j'adore, que je vous conseille, qui s'appelle Cop Car avec Kevin Bacon. C'est l'histoire de deux gamins qui volent une voiture de police, sauf qu'en fait le gars c'est peut-être pas vraiment un policier. Donc ça c'est un film génial dans le genre. Moi j'adore les films où les héros sont des enfants, mais le film est pas du tout pour les enfants, tu vois. Quand j'étais gamin c'était mes films préférés, tu vois, c'est les Freddy, les trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu te dis mais ils sont très jeunes quand même. Bah, Cop Car c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. C'est des enfants qui jurent, qui fument des clopes et qui crachent par terre. Et puis tu crois que Kevin Bacon il peut pas être gentil, enfin, il est forcément tendu. C'est difficile de le voir dans un Disney. Au scénario, il y a outre Chris McKenna qui est un peu maintenant le scénariste, c'est un gars qui vient de Community, de American Dad, donc qui a été élevé à la vanne, à la pelle, qui maintenant a écrit le remake de Jumanji, voilà, par exemple, et donc Homecoming. Mais on pense qu'on veut du remake de Jumanji, mais qui est pas mal vraiment scénario, pour le côté bien géré, pour le côté gamin et relation entre les enfants, j'adore, mais pour moi il y a pas assez d'aventure, voilà. Mais après c'est une non mais histoire. Donc tu vois, mais c'est oui, ça corrèle, enfin je veux dire fait. C'est pas si surprenant en fait, non, que non, ce soit le même scénariste derrière Jumanji et Homecoming. Et surtout il y a deux gars que j'adore qui s'appellent John Francis Daley et Jonathan Goldstein, qui sont les mecs derrière Vacation, Game Night et les deux Comment tuer son boss. Ah, tout le monde a parlé de Game Night, je l'ai toujours pas vu, mais tout le monde m'a dit du bien. J'adore Game Night. Et en fait pareil, qui sont des, pareil, on peut pas être fan de la structure, on peut trouver le tout un peu cliché, mais qui sont en vanne des tueurs à gages et qui arrivent à te pondre des scènes où tu sais, les scènes dont tu rigoles encore en sortant de la salle, quoi. C'est pas si facile, quoi. C'est très dur d'écrire ce genre de scène. Et donc voilà, Homecoming, c'est un peu cette succession de talents au service d'un film, en plus des comédiens, puisque je parlais des méchants dans la saga Sam Raimi. Là, il y a un très bon méchant en la personne de Michael Keaton dans le rôle du vautour. Ouais. Qui est quand même, je l'ai dit au début de l'émission, un méchant tout pété à la base, qui est un vieux gars chauve en pyjama avec des ailes. Bah là, ils en ont fait un père de famille vénère qui en veut au gouvernement, à la ville. Et, à Tony Stark. À Tony Stark. Ouais. Et qui veut juste s'en mettre plein les fouilles et protéger sa famille coûte que coûte. Et méchant street level de ouf. Donc ça correspond au héros. Très bon méchant. Moi, j'adore la scène de début du film, en fait, où tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment juste un gars qui souffre de Tony Stark. C'est-à-dire que c'est un ouvrier, ouais, c'est un mec. Il ramasse les merdes de Avengers, en fait, de la bataille de New York, ouais. Et là, c'est les cool. Mecs, on en parle souvent, des mecs qui. Enfin, on en parle souvent et on les voit jamais. Tu te dis qui répare tout une fois que les super-héros ont foutu le gros boxon. Bah, c'est lui, quoi, tu vois, et il est saoulé. Un ouvrier, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est cool parce que justement, un des entre guillemets reproches vite fait, au moins des haters du MCU, disait ouais, c'est le bordel à New York, il y a eu plein de dommages collatéraux et tout, c'est le bordel, bah, ils l'ont exploité. En disant, enfin, alors ils l'ont exploité, ils s'en sont servis comme excuse pour créer la bataille. Oui, mais tant mieux. Mais ça fonctionne bien, effectivement. Oui, puisque comme ça, ce que je disais à l'époque du Floodcast MCU, mais voilà, un méchant qui n'est pas un demi-dieu, qui n'est pas un gars qui veut détruire une planète, ou qui, voilà, c'est juste un gars qu'on a marre d'être pris pour un con par les Avengers et qui, du coup, veut un peu récupérer la thune qu'on lui doit, quoi. Enfin, c'est un méchant qui nous parle, et puis c'est un méchant crédible, c'est un méchant à notre niveau, et puis il y a cette scène évidemment de la voiture. Twist qui quand même a très très bien marché sur moi. Tout le monde, personne l'a vu venir ça, même si quand il réfléchit. Je pense pas. Quand il réfléchit, ça pouvait venir, mais en tout cas, c'est marrant parce que on peut le dire d'ailleurs. Du coup, c'est le père de l'amoureuse. Du love interest. Le père du love interest. En fait, c'est à peu près le même effet de ce dont tu parlais dans Into the Spider-Verse, c'est-à-dire que c'est un truc qui est gros comme une baraque. Mais que finalement tu t'es bien géré, donc que tu vas pas venir, et que quand tu vas venir tu te dis ah putain c'est gros, mais en fait l'acting est bien, c'est bien écrit, donc ça marche. Moi y a, tu vois, une fois de plus hein, je vais me faire le mec qui le contradicteur, l'avocat du diable. Non mais il y a, parce que je veux pas contredire tout ce que vous avez dit qui fonctionne dans ce film, effectivement tout le côté teen movie, l'écriture, les vannes, le rythme et tout ça c'est super. Pour moi il y a un manque d'ampleur dans la réale qui est super quand on est justement dans le teen movie, et qui je trouve manque d'ampleur quand on est dans le film de super-héros pur. Tu parles du final par exemple. Moi je trouve le final raté, quoi. Le final complètement raté. Je trouve la scène du bateau qui est une sorte de repompe en bizarre, statique, ouais, de la scène du métro de Spider-Man 2. Oui, mais elle ressemble trop. Oui, et puis en plus, elle bouge pas quoi. Enfin, c'est vraiment genre, ouais. C'est, tout est sur place. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu écrasé. Moi, je trouve Tony Stark un peu connard aussi pour l'avoir revu du coup avant Far From Home. Tony Stark. Ouais, je trouve qu'il est hyper douchebag. Un peu trop là. Il y a un peu un côté genre, tu te prends pour qui en fait. Avant, il le dit. Avant, il dit, j'ai l'impression d'être mon père. Tu fais, mais t'es même pire en fait. T'es pire. T'es pire parce que ton père, on va le voir après dans Endgame. Ouais. Et il a l'air sympa. Il a l'air cool. Et non, enfin. Maintenant que Homecoming a été fait et que Far From Home a été fait, j'aimerais vraiment bien que le MCU continue sur sa lancée avec le personnage, mais file les rênes à un réal peut-être plus solide en termes de spectacle. Alors on en parlera parce que justement Far From Home, je trouve, même si j'ai des réserves sur le scénario, en réal a pris un petit peu. Je trouve que le metteur en scène, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus d'idées en tout cas dans Far From Home. Ouais. C'est plus, ça prend plus d'espace. Quoi. Voilà, le scénario s'y prête aussi, hein, c'est plus le friendly, justement, c'est pas le gars du quartier. Quoi, c'est, ouais. Voilà. Pour finir sur Homecoming, c'est aussi un film qui place énormément de jalons, surtout la relation avec effectivement Tony Stark. Puisqu'il y a ce truc de père-fils qui est présent et qui va même déborder sur la saga Avengers, puisque c'est dans le cœur de Infinity War et c'est une des scènes qui a le plus fait pleurer les gens à la fin de Infinity War. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Parce qu'on en parlait dans le MCU, moi je disais que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. J'avoue ne pas avoir mon compte. Donc voilà, là on va vous spoiler Infinity War, Endgame. Donc là voilà, si vous n'avez pas vu les derniers films, pas encore Far From Home. Mais pour moi c'est ça a eu une conséquence aussi. Non, mais vous voulez dire il va pas spoiler, on va pas spoiler. Bon, vous savez quoi, on va spoiler toute la fin du MCU. Donc si vous avez pas vu Far From Home, Endgame et Infinity War, je vous invite à quitter ce podcast et je vous embrasse aller au très cinéma fort et aller voir Far From Home et revenez écouter après. Parce que grosso merdo, juste c'est plutôt un bon film. En tout cas, voilà. Far From Home. Ouais. Ah. Ouais. Attends, juste sur la relation Tony Stark, parce que ça. Attends, je dis juste au revoir à nos amis auditeurs qui peut-être se marrent, mais qui leur donnaient juste un petit avis. Okay. Moi j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça moins bien que Homecoming. Ah. Ouais. Et voilà. Moi je trouve que c'est une très bonne suite. Moi je suis un peu tiède. Voilà. Donc allez voir. Faites-vous un avis et revenez, puisqu'on va évidemment débriefer tout ça. Mais je trouve ça toujours un peu mieux dans les podcasts quand ils font. Alors partez sans spoiler et partez avec moi. On n'a rien dit en vrai. Donc voilà, partez maintenant. Je vous embrasse et nous allons parler. Tony Stark meurt. Oh putain, excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher, pardon. Mais déjà de base, excuse-moi Joe. Non, vas-y. Déjà de base, on l'a dit tout à l'heure, ils ont fait le choix de ne pas mettre Oncle Ben du tout. Ouais. Donc, il faut remplacer cette figure paternelle oncle. Comment on dit l'adjectif de oncle, y a pas Ah oui, au lieu de paternel. Ouais, non, bon, voilà, bah non, paternel de l'oncle. Ouais. Donc, bah, il fallait bien quelqu'un. Ils ont pris la resta du MCU, donc c'était Tony Stark. C'est pas déconnant parce que c'est aussi un scientifique, un ingénieur. Donc ils peuvent se retrouver sur ce côté un petit peu où on fait des trucs. C'est lui qui a été le chercher dans le Queens, etc. Donc pourquoi pas. Il y en a qui disent que dans Homecoming, on voit trop Tony Stark. Moi, je disais tout à l'heure que je trouve que l'équilibre est OK, même si effectivement, il a des côtés où c'est un peu un tarbat. Ouais. Il le met un peu trop à l'épreuve. Mmh. Mais j'aime vraiment beaucoup cette relation père-fils. Parce que dans Infinity War, tu vois que vraiment, il veut encore faire ses preuves. Hein, on l'a dit dans Civil War, mais il veut continuer à faire ses preuves. Et... Non, et là, pour le coup, il est moins douchebag. C'est ça que j'aime bien, Tony Stark. Dans Infinity War ? Dans Infinity War, il y a un peu un côté genre, bah non, ne viens pas dans cette putain de fusée, oui, tu vas crever en fait. Il essaye de l'aider et de lui dire, ah, t'es peut-être pas. T'es au niveau, mais là, c'est beaucoup. Enfin... Mais ce qui est fou, c'est que du coup, quand Peter Parker meurt, parce que spoiler aussi, il part en poussière, la scène, moi, je la trouve très touchante. Mais si t'as été pris par la relation à bien avant, parce que c'est le climax, et après, ce qui va mettre à mal Tony Stark dans Endgame et dans le saut de 5 ans, c'est d'avoir perdu Peter Parker. Ouais. Alors que lui-même avoir un enfant biologique et tout ça, mais il y a toujours ce truc, et c'est pour ça qu'il va revenir dans le game. C'est d'ailleurs. C'est ce qu'ils utilisent pour faire revenir Tony Stark. Moi, je l'avais dit dans le spécial MCU, c'est que c'était un truc qui m'intéressait beaucoup. J'ai été un peu déçu de la tournure que ça prend, et même dans Far From Home. Je suis un peu... Dans Endgame, moi, j'ai pas aimé la mort de Tony Stark, je l'avoue, et j'ai pas été touché par sa mort. Alors, bon, faut savoir qu'on le sentait aussi un peu. Enfin, il y avait un truc un peu de bon, on sent que ça va arriver, donc voilà. Ah bon, ouais. Et j'ai ce plan qui, moi, alors c'est pas pour faire le geek qui s'amuse à clasher pour sortir des bons mots, mais il y a un peu ce truc où ils font la queue pour lui dire adieu, et moi, je me souviens ne pas avoir du tout été impliqué émotionnellement à ce truc-là. C'est-à-dire que t'as Gwyneth Paltrow qui dit, bah, t'étais un héros quand même, machin, elle se barre, et t'as Peter Parker qui fait Monsieur Stark, Monsieur Stark, et lui en plus il est vraiment en train de crever, mais en plus je trouve que sa mort est vraiment crade à Tony Stark, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il est figé, il réagit ça, pas, il y a rien, c'est vraiment ah oui, donc il est handicapé, en train de perdre la vie, d'accord, ok. Et donc du coup j'ai trouvé ce final, et j'espérais que Far From Home me donnerait un espèce de truc de, d'héritage un peu intéressant, et il y a un côté Kingsman qui me casse un peu les couilles, que je trouve un peu gadget dans tous les sens du terme, sans vouloir encore une fois faire de bons mots, mais il y a ce truc un peu de j'y crois pas et je suis pas touché, et ça m'embête parce que vraiment dans le premier Spider-Man, quand il perd son oncle et qu'il s'en veut d'avoir laissé passer le gars, vraiment je suis pas bien pour lui, et là je m'en fous un peu. Mais tu vois, moi j'ai aussi le souci de la conséquence de ça. En fait, la conséquence de la mort de l'oncle Ben dans les Spider-Man de Rémy, il n'y a plus de riz du tout. Il n'y a plus de riz jamais. Il n'y a plus de riz. Ah. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est une astuce. Et, non, c'est mon problème. Les conséquences de la mort de l'oncle Ben, hormis le fait donc qu'il n'y a plus de riz, c'est une prise de conscience et la tentative de Peter Parker de coller à une certaine philosophie de vie. Donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et tout. Dans Far From Home, dans ce qui a été les jalons qui ont été posés par Homecoming et puis développés jusqu'à Far From Home, il y a pas ce truc-là. C'est genre Tony Stark meurt et donc il faut c'est un peu comme si Peter Parker devait devenir le nouveau Tony Stark et qui est pour moi représenté par les lunettes je trouve l'objet pas très iconique en plus. Je trouve l'objet pas très iconique. C'est comme si le truc qui enfin le truc qui fait Tony Stark, c'est ces fameuses lunettes vert fumé là. Et à la fin du film, à la fin de Far From Home, voir Peter Parker avec les lunettes de Tony Stark et enfin assumer le fait de les avoir et tout, c'est un peu ridicule. Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites sur ce gadget, mais même en rembobinant juste avant, c'est-à-dire dans Homecoming et même un peu après, en fait, je me dis deux choses. Je me dis déjà que pour moi, c'est plus de l'affiliation, c'est de l'héritage, quoi. C'est vraiment genre, justement, c'était moi le patron de la boîte, et maintenant il faut un nouveau patron, ça va être toi. Mais juste, alors sur l'héritage posthume, je suis d'accord. Mais de son vivant, tu vois, on disait que c'était un bâtard dans Homecoming, et c'est le cas. Mais il lui a quand même dit, il y a une petite phrase qui n'est pas à la hauteur de grandes responsabilités, enfin de grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais il lui dit, ah Monsieur Stark, me prenez pas mon costume, je suis rien. Il lui dit, si t'es rien sur le costume, bah t'es rien, quoi. C'est une très bonne phrase. Ça c'est cool. Et ça c'est un truc de son vivant qui lui a appris. Et l'autre truc que je me dis, c'est que peut-être ce qui fait que ça marche moins en termes d'héritage, donc posthume, c'est que tout le monde est en deuil de Tony Stark. Genre tout le MCU est en deuil. Dans le film, c'est pas rapidement fait. Exactement. Dès qu'il y a un mur, il y a une bougie. C'est avec, ça. Pas juste Peter Parker. À l'inverse de Uncle Ben, bon, on compte pas Tante May, mais Peter Parker était en deuil, c'était un one-to-one, tu vois. Donc il avait son truc, c'était très personnel, très intime. Et là, tout le monde est en deuil de Tony Stark. Donc en fait, c'est plus vraiment son deuil à lui, c'est plus vraiment son héritage à lui, quoi. Et Oncle Ben, il se sentait coupable. C'est ça. C'est-à-dire qu'il exactement. Avait laissé passer un gars. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Il s'est sacrifié pour sauver le monde. C'est ça. Et encore une fois, moi, je trouvais le poids de Tony Stark croyant en moi, il faut que le monde croie en moi. Enfin, je trouvais que ça, c'était intéressant. Pas que. Enfin, en plus, alors ça, c'est très personnel, mais j'ai jamais vu en Spider-Man un nouvel Iron Man. Non. Tu vois, il y a un truc de, je trouve ça un peu au chausse-pied, quoi. Ouais, tu vois, ce côté, il y a cette scène dans l'avion dans Far From Home où du coup il bidouille des trucs et tu fais waouh, je l'ai jamais vu vraiment faire ça. Tu sais, il touche vraiment l'ordi, il prend une espèce de logo et des araignées, il regarde genre, il fait ah là là, et tu fais t'es vraiment le nouvel Iron Man. Bah, d'ailleurs il fait le geste de prendre un hologramme exactement comme Iron Man 1 et là Happy il sourit. Moi c'est gimmick et c'est ultra fan service. Oui, mais là j'ai bien aimé. Moi c'est pas fan service, ça veut raconter un truc. Et moi ce que ça raconte, je dis non. Non, fan service dans le sens où il fait exactement le même geste en prenant l'hologramme. C'est gratos, un peu au chausse-pied. Mais encore une fois, je suis pas contre le fanservice. Enfin, moi, dans Endgame, il y a plein de trucs qui m'ont plu. Alors que vraiment, c'est. Enfin, tu vois, tous les trucs de voyage dans le temps, j'ai adoré. Alors que Dieu sait que plein de gens ont trouvé ça vraiment ridicule. Mais moi, c'est ce truc de. J'attendais tellement cette relation en me disant, c'est tellement intéressant de se dire, putain, j'ai. En gros, ma figure paternelle, c'est un héros pour tout le monde. Et là, il meurt et ça devient une icône. Comment je suis ce gars-là? Comment je succède à ce gars-là? Sauf que. Et qu'en plus, la bande-annonce disait « Mais je suis que la petite araignée du quartier, comment je vais faire ce truc-là » Et je fais « Oui, tout ça, des thématiques ultra intéressantes. » Et en fait, à partir du moment où il le vire de New York, déjà, je trouve ça un peu branlant. Déjà, il y a un peu un truc de Et encore, moi, je vais pas sortir l'excuse du geek, mais Spider-Man, c'est des grands buildings. Il faut qu'il ait, enfin, tu vois, même en oubliant ça, je trouve qu'il y a un truc un peu ridicule à voir Spider-Man dans des trucs historiques, dans des, tu vois, à Venise avec l'eau qui mais monte. Je déteste pas le voyage scolaire. Je trouve que, tu vois, tu disais que c'était, le côté teen était moins dans celui-là. Mais je trouve que c'est la continuité parce que j'aime bien le côté voyage scolaire. Ça fait très teen movie, je trouve. Voilà. Je trouve mal écrit, moi. Voilà, c'est mon problème. Ça serait trop bien. C'est mon problème. L'idée du voyage scolaire, d'accord. Oui, si c'est une sorte de récit initiatique et de truc qui fait avancer le personnage et tout. Là, le voyage scolaire, j'ai juste l'impression que c'est une sorte de prétexte, ouais. Ouais, je trouve, alors c'est peut-être les limites du MCU aussi, mais c'est que là maintenant je trouve ça un peu branlant tout, quoi. C'est-à-dire que là dans celui-là, ils nous ont appelé, c'est bon, on part à Londres. Tu fais quoi? Mais enfin, je veux dire, moi je suis prêt à croire plein de choses, mais le prof il est con, hein. Oui, non, mais c'est ça, ils disent le prof il est un peu con, oui, un peu et con. Du coup on l'appelle et on lui dit bah vous allez à Prague, et fait on va à Prague, on va à l'opéra, c'est gratos, et tu fais waouh, mais j'y crois pas, enfin c'est trop, c'est là ma suspension d'incrédulité, ouais, comme on l'appelle, là elle est poussée à l'extrême et j'y crois pas. Après tu te projettes en sachant que c'est Nick Fury qui fait ça, mais c'est vrai que c'est un peu gros. Mais en fait, même enfin, si moi, je... ouais. En fait c'est pas Nick Fury, si à la limite le prof c'était un Skull ou je sais pas quoi là, ouais. Pourquoi pas, ouais. Mais là non, si c'est un être humain normal, c'est un débile profond, oui, bah, qui était très drôle dans Homecoming et qui là je trouve la maladie de la suite, à savoir vous l'avez un peu trop mis, ouais, ouais, et ouais. Vous l'avez un peu trop poussé, c'est aussi le syndrome Joey dans Friends, il était débile, bah, ah, du coup il est complètement, ouais, abruti maintenant, clair. Et tu fais ouais mais on peut y aller doucement, enfin, tu vois, tu vois, et tout le binôme, il y a des running gags que j'ai trouvé un peu relou, l'autre prof qui a un truc sur les sorcières, enfin, ouais, il ouais, y a plein de trucs un peu gratos que j'ai fait, ouais, j'ai du mal quoi, en gros, pour être tout à fait honnête. Tout ceci étant dit, cependant, voilà, j'aime beaucoup Mysterio. Oui, j'aime beaucoup Mysterio. C'est un très bon choix. Même la scène où il explique ses motivations. Ouais, c'est gratos, mais c'est rigolo. Alors, j'aime pas les flashbacks, où là je fais... Parce que surtout, je trouve ça très mal branlé. Ah, là, pour resituer, ouais. Donc quand il avoue à tous ses potes, je suis un méchant parce que je vais vous redire le plan. Et qu'il y a tous ceux qui font, toi, quand tu as travaillé pour Tony Stark, moi, et qu'il y a des flashbacks. Oui, ouais. Mais moi, le problème, c'est qu'il y en a deux. C'est très comique. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. C'est-à-dire que soit tu les fais tous, oui, oui, et du coup, il y a un côté un peu cool. De ah, c'est cool. Sauf que là, il y a les deux premiers, t'as le flashback, et après, ils font. Et puis toi, t'as géré les ordinateurs. Et tu t'attends, et tu t'attends à un flashback, et il n'y est pas. Il n'y en a pas. Et tu te dis. Et c'est mon problème avec Far From Home, c'est que. Tout est un peu comme ça, je fais un peu kiffant, un peu cool, un peu gag. Enfin, moi j'aime bien, ça se prend pas trop au sérieux. Je l'avais dit dans le spécial MCU, moi je préfère les Marvel qui se prennent pas au sérieux, ouais, parce ouais. que quand ils se prennent trop au sérieux, je trouve ça ridicule. Mais là, il y a un truc où je trouve que c'est pas à fond à chaque fois, ouais. Et du coup, je suis un peu emmerdé parce que je suis un peu entre les deux. Mais là, déjà, pour revenir sur Mysterio et sur ses motivations. Pour moi, l'autre souci, c'est que c'est vraiment une sorte de ressucé des motivations du perso de Iron Man 3, quoi. Donc c'est le scientifique qui a voulu bosser avec Tony Stark, qui s'est fait plus ou moins spoiler son invention. Et qui est dégoûté parce qu'il a appelé ça le vomi. Et voilà, il a appelé ça barf. Oui, bah ok, d'accord. Et du coup, en fait, les motivations de Mysterio, que je trouve chambées dans le comics, c'est-à-dire l'acteur raté qui, pour devenir populaire, se dit bah, si je mets à mal un super-héros, finalement. Ça... Là. Oui, mais ça c'est peut-être du coup la résultante d'avoir fait de Tony Stark la pierre angulaire de tout le MCU, et il faut absolument que ça se rattache à lui, et donc j'espère vraiment que c'est le dernier, hein, là ça devient un poids en fait, c'est que dès le début des annonces, des trailers et tout, quand on a dit alors ils ont pas dit le méchant justement, c'était ça le truc, ils ont dit il y aura Mysterio. Tout le monde a vu qu'il était gentil dans le trailer, donc tu fais ok, il y a un truc qui va pas, ok, ils ont dit que c'est un méchant, bon pourquoi pas, alors que c'est un méchant dans le comics, on sait pas trop. Et en fait le truc c'est que pendant le film, à la moitié à peu près, tu vois que les élémentales là ils sont dégagés, donc tu dis ok, il va y avoir un twist, c'est sûr et certain, oui. Tu dis ok, Mysterio ça va être le méchant, et pourtant au moment où ça arrive, j'étais content, j'ai pas été sur le cul, mais j'étais un peu soulagé, je me suis dit ok, j'étais content. La scène du bar, moi je la trouve cool, après je comprends qu'on n'aime pas, c'est très théâtral, rigolote, très comics, après je suis d'accord, tout le monde n'a pas eu son moi je trouve la discussion avec Peter Parker trop cool, jusqu'à ce qu'il lui donne les lunettes et tout, et je trouve le reveal chambé parce que Jake Gyllenhaal joue trop bien, Jake Gyllenhaal est super vers la caméra, et qu'il y a les autres qui avancent vers lui, tu sais, tu dis il se passe un truc chelou, mais je sais pas exactement quoi. C'est ça. Et que d'un coup il fait sa tête, genre et t'en dirais la pub Mentos, tu sais, genre j'ai réussi mon coup. Ça serait pas Jack Gyllenhaal, ça serait différent. Super, parce que Gyllenhaal il joue vraiment hyper bien. Et moi, la suite en revanche, ça me casse les couilles. Après, quand il monte sur la table et qu'il fait toi, non. En termes d'acting, bon, il est super. Enfin, la construction du personnage, elle est discutable, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé ça super fun. Après, par contre, toutes les les scènes où il lui fait les illusions, où il est dans la merde, ouais, ouais. Voilà. Je trouve ça super. Il y a des twists dans tous les sens. C'est Nick Fury, non, en fait, c'est pas Nick Fury, machin. Ouais, oui. Les espèces de contre-pieds continuels. Moi, j'ai trouvé ça super. Ma meuf qui est parfois sujette aux crises d'angoisse, moi, là, elle m'a saisi vraiment là, le bras de. Oh là là, je me sens pas bien. Ouais, ouais. Et puis le train, moi, ça m'a aussi, genre, oh ouais, putain, l'enculé. Effectivement. Ça m'a... Non, moi, j'ai adoré cette scène. On l'a vu dans plein de trucs. Mais, ouais. Mais dans ce genre d'univers, dans Marvel, qui est un univers extrêmement codifié, ouais, et ouais, au dégueulis. Là, ça m'a fait plaisir d'avoir un truc aussi fucked up à un moment de ah ok putain c'est. En plus c'est ah. Fou parce que excuse-moi, Mysterio avant le reveal il te le vende comme un mec qui fait de la magie. D'ailleurs, enfin je pense que c'est clairement fait exprès, mais quand il lance ses trucs, il fait les mêmes mouvements que Doctor Strange, c'est-à-dire faire des claques. Il le dit d'ailleurs, voilà. Ils font mais c'est Doctor Strange. C'est ça, parce que, exactement. Ouais. Et donc tu dis ok bon en fait t'étais vraiment pris par le côté ok ils en ont fait un magicien blablabla et après tu vois que son vrai pouvoir donc les illusions sans même parler de la techno holographique on s'en fout c'est un prétexte. Qui est un peu relou. C'est un peu relou. Ouais. Oui mais bon l'idée de faire que les drones font des vrais damage, moi j'ai trouvé ça assez cool. Après, c'est un peu, je suis d'accord, c'est une facilité, mais le résultat et à la façon dont il fucked up l'esprit de Spider-Man, j'ai trouvé ça très très fun et visuellement hyper hyper cool quoi. Après, l'autre truc qui fait que juste après le reveal, une fois que j'ai eu le plaisir du reveal de Gyllenhaal qui joue bien, j'ai commencé à moins kiffer, c'est que en fait, on nous a vendu quand même pas mal un film où bah ça y est, c'est le multivers dans le MCU, et là, genre. Ah non, en fait, vous nous avez dit de la merde depuis le début. Bah ça, moi j'aimais bien. Bah ouais, parce que moi ça. Bah j'ai... alors, ah, moi j'aime bien. Deux choses. Déjà, Jack Gyllenhaal nous a niqué, donc ça c'est cool de se faire niquer parce que c'est un vrai twist. Okay. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a des indices dans le film qui te font penser non, qu'il y a possiblement. Il y a un indice, mec. Et toi, tu veux croire que c'est ça. Moi, je suis pas c'est persuadé pas. Que. On spoilera pas. Un truc qu'on peut pas spoiler. Bah c'est John Jameson. Ah, on a dit qu'on est full spoil. Ah bah d'accord, oui, on est full spoil. Non, mais on spoil le film là. En fait, le truc, c'est que donc la première scène post-générique, vu que la deuxième, c'est un peu de la merde en bar. Samuel Jackson. J'ai rien compris. Alors moi, c'est vraiment. C'est les scènes post-génériques où je fais. Bon, j'ai rien compris. Mais enfin, il y a rien à comprendre. C'est juste qu'on sait pas. Si, maman, ils disent parce que les Avengers sont bloqués quelque part. Ouais, je sais pas. J'ai rien capté. On comprend juste que Samuel Jackson est dans un vaisseau pour possible. La suite du MCU, mais on sait pas. Dans une scène absolument voilà. Copiée sur le film Valérian, ce qui est quand même toujours ah une catastrophe. Non, mais tu l'as pas, non, je l'ai pas vu Valérian. Bah, il est sur une plage et en fait, c'est un truc holographique d'un vaisseau. Ah là là. Enfin, bon, pas cette scène-là, mais la scène d'avant où, bah, quand même, what the fuck, parce que l'identité de Spider-Man est révélée ouais, au grand ouais, ouais. Par Mysterio. Et au détour du Daily Bugle avec J.K. Simmons c'est qui ça. Reprend son rôle. Et alors, ma théorie, et qui doit être sûrement la théorie sur internet, je pense, c'est que c'est J.K. Simmons. C'est possiblement juste un clin d'œil. Je vois que Joe me vomit juste à côté. Non, mais pour moi, ils ont mis ce gars-là déjà parce que je pense qu'ils n'imaginent pas un autre acteur faire Jenna Jameson, c'est pas possible. Et en plus, il a pas la même gueule, il a pas la même coupe alors qu'ils auraient pu lui mettre la même perruque exactement. Ouais. Et pour moi, c'est volontaire pour dire. C'est pas le même Jameson que Sam Raimi, et donc Sam Raimi est potentiellement un multivers. Sans, ah, tu vois, d'accord, moi, ok. Après, putain, c'est une théorie crafting. Ah, ouais, mais pour moi, c'est trop détaillé pour être un hasard, en fait. C'est pas possible. Ouais, mais... alors, tu vois, pour moi, c'est pas un hasard. Non, pour moi, c'est juste un cadeau. Hein. C'est moi, peut-être j'ai un vraiment... cadeau. Peut-être. Alors, j'ai envie de croire que c'est le multivers parce qu'ils sont obligés. J'ai pas envie de te l'enlever. Tu vois ce que je veux dire. C'est, j'ai envie... Merci. Non, mais j'ai pas envie de te l'enlever non plus. Non, mais le réalisateur a quand même dit, sans vouloir. Tu me l'enlèves. Je suis en train de te l'enlever à petit. Tu m'enlèves. Je suis en train de te dire juste, non, le Père Noël peut exister, mais le tour du monde en une nuit, c'est difficile quand même. C'est un peu chaud quand même. Non, c'est le réalisateur disait que. Ils l'ont presque improvisé sur le coup en fait, c'est-à-dire qu'ils avaient alors peut-être c'est peut-être aussi pour non, l'histoire Marvel tu vois, mais ils disaient à ce moment-là on trouvait ça cool de le mettre et en fait c'est aussi une petite ref au jeu vidéo parce que le jeu oui. Vidéo ils reprennent en fait ce truc de comment il s'appelle putain ce présentateur d'extrême droite aux États-Unis mais en fait c'est un mec qui a son podcast vidéo qui est pro-Trump horrible qui casse des trucs et tout, là. Ouais voilà c'est ça qui est un espèce de gars immonde voilà et en gros qui avait inspiré le jeu vidéo pour que Jonah Jameson soit ce genre de mec et du coup ils ont repris un peu ce truc là d'un gars qui voilà le site controversé du Daily Bugle qui est une espèce de du coup un truc anti-média à la Trump c'est ça. Et au contraire je sais pas si c'est un truc du multiverse quand bien même c'est pas ça. Après je te rappelle que à la fin de Homecoming ils avaient placé plein de petits trucs qu'ils n'ont absolument jamais utilisé parce qu'ils avaient à la fin d'Homecoming le scorpion t'avais non mais le scorpion et puis t'as Donald Glover dans Homecoming aussi oui tu disais peut-être qu'ils vont en faire quelque chose bon pas dans Farm From Home non, apparemment c'est juste que Miles Morales existe dans le MCU mais c'est ça c'est tout ce qu'on sait mais donc du coup il y a un peu ce truc là de ça se trouve ils placent des trucs oui non mais bien sûr après moi je me dis deux choses le multivers je trouve que c'est pas un petit truc quoi tu vois c'est ils sont obligés de l'utiliser un jour je ne pense pas des choses dingues dans le MCU enfin ouais mais en même temps avec le dessin animé moi je pense le dessin animé a pris trop de place je suis et ils peuvent pas se permettre ça effectivement en même temps on a envie parce que scénaristiquement c'est une récréation totale mais effectivement avec Spider-Verse Je sais pas. En même temps, le mais 3 c'est la suite logique. C'est la suite logique. Endgame, c'était le voyage dans le temps. À partir du moment où t'as fait croire aux gens magie, Dieu, voyage dans le temps, tu peux faire du multiverse. C'est vrai. Mais c'est vrai que passer par Spider-Man pour faire ça me paraît un peu tricky. Je passerais plus par Doctor Strange ou des trucs comme ça pour justement pas refaire le film qu'on a vu. Techniquement, alors attendez, si je dis pas de conneries, dans Endgame, ils voyagent dans le temps, mais via des... Enfin, ils deviennent tout petits, mais c'est pas des mondes parallèles, non, c'est ça, quoi, ça crée des trucs alternatifs, non, c'est pas ça? Bah si, c'est ça, c'est des mondes parallèles, en fait, ouais, au final. Ouais, ça crée des réalités alternatives. Oui, des réalités alternatives via leurs actions. Donc techniquement, c'est le multivers. Techniquement, c'est le multivers. Il y a cette réplique, quand on voit le futur, c'est de la merde, qui est quand même vraiment une audace, une audace assez folle. Bon, j'ai l'impression d'avoir beaucoup chié sur Far From Home, mais moi, j'aime beaucoup quand même Spider-Man. Enfin, je trouve que le perso est toujours aussi cool, et Peter Parker, j'adore comment il écrit, et toute sa petite romance avec MJ me touche. J'adore MJ aussi. Zendaya est extraordinaire, et puis le perso est bien écrit, et je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai fait ah putain, c'est tellement toutes les meufs un peu chelou que j'ai croisé quand j'étais au collège, effectivement. Oui, c'est ça, c'est l'inverse de la damsel in distress, comme tu disais tout à l'heure. C'est et, ça, c'est genre, je veux pas laisser faire, et tout, voilà. Mais peut-être je suis un peu amoureuse, mais je t'emmerde, mais peut-être je suis un peu amoureuse. Enfin, je trouve ça là, tellement bien écrit. Alors après, encore une fois, je tire pas sur Sam Raimi, ni sur Tobey Maguire, ni sur Kirsten Dunst, mais il y a une tension. Pas sexuel parce qu'ils sont peut-être un peu jeunes, mais un peu quand même amoureuse. En tout cas, il y a une tension, une gêne, une timidité entre eux que j'ai pas retrouvé même avec Andrew Garfield et Emma Stone, alors qu'ils étaient ensemble à la ville, tu vois. Donc je sais pas, il y a ce truc qui est vraiment authentique. Ah, mais je trouve que c'est ce qui est de mieux réussi dans les Spider-Man du MCU, beaucoup plus que les twists scénaristiques de Far From Home. Bah, là, vraiment, Far From Home, là sur le pont, donc il y a cette petite scène où elle fait bah t'es Spider-Man, ça me paraît évident, donc tu fais ah, un peu rigolo, un peu cool, machin. Et très vite, elle fait ouais, j'ai trouvé ça. Il fait machin, il appuie dessus, il y a un projecteur. Ça, tout va à une vitesse. Ah, bah donc c'est le méchant. Il fait ah, bah c'est que Mysterio doit être le méchant. Tu fais waouh, ça a été. Et je lui file les lunettes, j'ai fait le con. Et il court. Et il court. Oh là là, je fais, il se passe beaucoup de choses. Mais en contrairement à Homecoming. Vas-y. Je dis contrairement à Homecoming, la scène de fin avec tous les drones et tout, j'ai trouvé ça très très fun et très très cool. Non, la scène d'action est super. Et elle est en plein jour. Dieu merci. C'est vrai que t'aimes bien ça. Ah, j'adore ça. Et non, mais pareil, on a perdu un peu le côté, même si Mysterio il fait semblant et tout. Et qu'il y a des drones et que c'est pas vraiment des dieux. Moi, les bastons contre les éléments, un peu elles sont belles, hein, les scènes. Mais mine de rien, en spectacle, ça m'a un peu saoulé, quoi. J'étais là, genre putain, mais foutez Spider-Man contre des méchants normaux. Arrête, les demi-dieux, même si c'est créé par Mysterio, ça me fait chier. Et puis, je sais pas on ce que est vous... vu assez, en fait. Ça y est, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de Happy, mais moi, je le détestais un peu depuis Iron Man 3, où il était un peu inutile, limite ridicule. Là, il remplit sa part, donc le Ben, je trouve un peu. Ouais, bah il commence. Je prend soin un peu de Peter Parker et tu vois qu'il est encore en deuil lui aussi. J'ai trouvé assez cool. En plus, il se fait tante-mère, ce salaud. Ouais, mais alors justement, elle est cool cette scène. Ça, c'est très drôle. La scène où il les confronte. Tout à fait. Et où lui, il est là, genre, bah oui, on est ensemble. Et qu'elle, non. Ouais, tu sens qu'il est amoureux et elle. C'est une passade. J'aime bien. Elle est très kiffante aussi, d'ailleurs. Alors, très Stranger Thingsque, Gooniesque. La scène où il y a Happy avec les mômes et il y a juste un drone qui les cherche et qui les fait tuer et machin. Et qu'il est tout seul avec la grosse. Petit clin d'œil à Captain America quand il lance le pauvre bouclier. Ouais, de merde, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, John Favreau qui kiffe sa meilleure vie, puisque quand tu fais la même année, t'es dans les Spider-Man et les Avengers, tu réalises Le Roi Lion et une série Star Wars sur Boba Fett. Ah, c'est lui qui fait ça. C'est sur Mandalorian. Une série documentaire qui s'appelle Chef, où juste il va bouffer des burgers partout aux États-Unis. Putain, vous l'avez vu, il apprend les recettes. C'est, il est passé juste le passage d'un de ces épisodes où Gwyneth Paltrow a oublié. Quel était Siri, on a dit Siri et du coup mon Apple s'est lancé. Ah, mais oui, parce qu'on a dit Boba Fett. On a dit Siri ? Non, on a dit Boba Fett et Siri s'est lancé sur Star Wars. Ah putain. Siri, ta gueule ! un passage de Chef, l'émission, où Gwyneth Paltrow a oublié qu'elle avait joué dans Homecoming, justement. Oui, c'est vrai, exactement. Elle avait zappé ça. Mais non. Ah, je l'aime pas trop, pardon. Oh, moi je la déteste pas. Bah, j'ai pas dit que je la détestais, j'ai dit que je l'aimais pas trop. Moi, ça me fait marrer une nana qui joue dans le MCU et qui fait mine qu'elle. Parce qu'en fait, elle fait. Ah, puis il les enchaîne surtout. Mais oui, je pense que la scène est fausse. Hein. Enfin, ça, moi, je pense. Ah, tu penses que c'est fake? Je pense que c'est. Oh, je me suis fait avoir comme un bleu. Je pense que c'est ce qui. Mais tout est fake news, mon pauvre Ben. En parlant de petits clins d'œil qui m'ont filé les poils, parce qu'on parlait de Captain America, le clin d'œil où il prend l'espèce de réacteur au bout d'une ficelle et la pancarte du pont, c'est tellement Endgame. Ouais, mais j'ai trouvé un peu trop ça. Moi. Oh non. Moi, j'ai adoré. Mais après, alors. J'ai fait un petit bruit comme ça, je pense. On n'a pas. On parlera pas trop de Endgame parce que c'est pas vraiment Spider-Man, parce qu'il apparaît vraiment 14 secondes à la fin. Mais moi, j'ai un petit souci avec. Captain America dans Endgame. J'aime pas qu'il soulève le marteau. Enfin, ah, il est worthy. Ouais, mais non, moi ça j'ai du mal. J'ai bien aimé. T'avais dit ça dans le MCU, dans le spécial MCU. On n'avait pas parlé de Endgame. Ah, bah, non, putain, on n'avait pas parlé de Endgame. C'était avant, il n'était pas sorti encore. C'est vrai. Donc non, moi j'ai pas. Non, t'es pas client. Je suis pas ultra client. Mais alors attends, on peut parler d'un bout de Endgame qui concerne Spider-Man, c'est vu qu'il y a eu le passage de 5 ans après ce qu'ils appellent le blip. Ouais, non, ouais, non, ça j'ai pas compris. Hein. Ça ils ont du mal à gérer. Ils reviennent au lycée, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça j'ai pas compris. Si t'as 5 ans. Si j'ai t'as... pas compris en plus pourquoi on sous-entend que le mec Brad là. A vraiment. Il avait 5 ans de moins. Il avait 5 ans de moins. Et le lycée, il n'y a pas 8 classes au lycée, quoi. En fait, ils n'ont pas vieilli, les autres. Enfin, tu vois, genre, en fait, tous ceux qui ont disparu n'ont pas vieilli, mais les autres ont continué. En fait, ceux qui sont un peu connus. C'est ont ça, pas vieilli. C'est ça. Non, mais c'est bizarre. Il y a un truc qui cloche. Vraiment, parce que c'est ouais, mais surtout, ils je pense que la vraie erreur du film, c'est que, ok, il y a ce truc de 5 ans qui servait bien dans Endgame. Oui, oui. Là, ils essaient d'en faire des blagues et tout, mais du coup, c'est très compliqué. Parce qu'il faut suivre. Genre, il y a le truc où le prof dit, bah, du coup, elle a utilisé ça pour faire croire qu'elle me quittait ou je sais pas quoi. Ah, sa femme, ouais. Ouais, là, tout ouais. ça. Et donc, en fait, ils en font plein de blagues, mais du coup, vu que c'est pas précis de ouf. C'est vraiment et pas puis, précis. Et pareil, donc, ils réapparaissent là où ils étaient. Donc, ça, c'était un peu marrant visuellement, mais c'est vrai que ça a pas de sens. Bah, ça veut dire que déjà, les mecs qui sont, genre, dans les voitures, c'est-à-dire que tu réapparais au milieu de la route, enfin tu vois, c'est un peu bizarre. En fait, le et problème, on est d'accord c'est que cette vidéo YouTube au début là, c'est un peu nul aussi. Ah non, moi j'adorais la vidéo YouTube de l'orchestre. Le début avec le PowerPoint sur Iron Man, c'est mal découpé et tout exprès. Avec les effets d'ondes de choc. Et moi ça m'a rendu triste que c'était pas ça après d'ailleurs. Moi les 20 premières minutes de Far From Home, j'ai beaucoup de mal en vrai. Je vois pas où va l'histoire. Et en fait, le truc de ah, c'est mystérieux méchant, tu fais bah oui, parce qu'il y a pas de méchant, donc évidemment que ça va être lui. Non mais tu vois, il y a les sinistres, enfin les éléments vu qu'ils parlent pas, vu qu'ils existent pas, tu sais, oui bah c'est pas eux les méchants, c'est comme dans Thor, tu vois, il y a toujours un mec au-dessus. Ouais. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu mal géré, mais donc voilà, je suis pas un grand fan de Far From Home, mais parce que j'attendais tellement, je pense, j'avais tellement adoré Homecoming et Endgame m'avait tellement un peu déçu sur la relation Spidey-Iron Man que je me suis dit bon bah j'ai mis tous mes espoirs dessus et du coup. Mais là, c'est vrai que les lunettes, c'est pas très défendable. J'avoue que j'ai pas d'argument pour vous contrer, mais le film, dans sa grande globalité, moi j'ai trouvé ça très fun et je me suis vraiment pas ennuyé. Non, mais c'est rigolo. Après, il est pas parfait, c'est sûr. Non, franchement, mais c'est rigolo. J'ai eu mes petits moments de fuck yeah. La baston contre les drones, moi j'aime pas qu'ils se battent contre les drones, mais la scène en elle-même, je la kiffe. J'adore le jeu de Jack Gyllenhaal, j'aime beaucoup. Voilà, quand il met ACDC, bah, ça me fait kiffer, tu vois. Enfin, il y a des petits trucs comme ça qui marchent. C'est juste dit, j'en attendais plus, je pense. Ouais, mais tellement. Tu vois, par exemple, quand il met ACDC et que Peter Parker dit j'adore Led Zeppelin, je trouve déjà que le timing de la blague est foireux. Oui, et puis ça marche. Là, ça pour marche le coup, pas, ça marche quoi. Pas. Tu vois, t'es là, genre. Ah, mais... bah, surtout que c'est censé parce être là, un peu. C'est vraiment c'est censé un abruti, être un peu un nerd, tu sais, il cite Alien, il cite Star Wars, donc il connaît ses refs, même les refs de vieux, entre guillemets, parce que lui, il appelle rêve de vieux. Et là, il confond. Non, puis même, moi, c'est tellement. Enfin, c'est la blague que tout le monde fait tout le temps. Ouais, quoi, genre, mais ça, tu mets les Stones et le mec dit ah, j'adore les Beatles. Ok, on a compris cette blague. Non, mais de toute façon, les blagues de. Je crois que c'est ça aussi qui m'a déçu, c'est que Homecoming me faisait beaucoup rire. Il est moins marrant. Et celui-là, en fait, il y a autant de blagues, mais je trouve qu'elles sont moins efficaces. Quoi. Bah, ça fait un peu blague de vieille personne. Ouais, enfin, c'est pas écrit par des personnes qui sont aussi. Ouais. C'est pas les tueurs à gages de la vanne comme tu. Ouais. C'est les mêmes mecs, c'est la même team. Il y en a deux. Bah, il y a pas les deux mecs que j'adore là. Ouais. Mais il y a Chris McKenna qui est vraiment un bon scénariste, mais. Non. Et puis surtout, c'est un truc de running gag. Et donc du coup, quand la blague te fait pas rire. Le fait que tu vas te la taper tout le long. Ouais. Par exemple, moi j'ai plutôt été client du meilleur pote et de la meuf qui sortent ensemble. Cool. Mais si t'aimes pas la vanne, elle revient 35 fois dans le film. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai que pour les points négatifs, le côté tout ce qui se passe quand il se fout à poil devant la meuf qui lui a fait son costume et la scène du bus avec le drone. Sens. Pas ouf. Le drone, sur un quiproquo, il essaie de tuer. Ouais. Tu fais, juste pour qu'on comprenne. Et puis lui, d'ailleurs, lui, c'est la meuf, la blonde qui lui demande de se foutre à poil. Ouais, c'est très bizarre. Qui est cette blonde? Pourquoi pas foutre Nick Fury? Enfin, tu vois, faites un truc rigolo. Et effectivement, la scène du bus. Et puis ce mec, la Brad. Voilà, c'est ça. Lui qui vient de nulle part. Robert Pattinson. Où tu dis comment ils vont le conclure. Il le conclut pas. Et du coup, c'est vraiment un truc. Et du coup, je comprends toujours pas trop Flash Thompson, quoi. Bah, déjà, en fait, il ressemble à Christian Clavier, moi, je trouve. Déjà. non, mais c'est vrai, en fait, sans même dire dans les comics, il faut que machin, c'est vrai que tu t'attends à ce que ce soit un bully physique. Et en fait, c'est juste, il lui fait juste des blagues vite fait un peu méchantes, mais c'est tout, quoi. Mais disons, mais à ce moment-là, je ne l'appelais pas Flash Thompson. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais si, moi. Il y avait ce truc un peu intéressant de. Il adore Spider-Man, il déteste Peter Parker. Je trouvais ça rigolo, mais ils en font deux vannes. Par contre. Puis pareil que Mysterio soit l'idée des jeunes, ça j'étais. Ok. Genre ils écoutent les news, il fait Mysterio. Il s'appelle Mysterio, il fait. Non, c'est de l'italien, il a juste voulu dire qu'il était mystérieux. Il fait ah, je trouve ça stylé, Mysterio. Tu fais. Oh les gars, le méchant peut choisir son nom, on s'en branle. Alors là, c'est vraiment du détail. Il y a un truc qui m'a percuté. Peut-être que c'est dû au montage et que c'est un truc chelou, mais justement pour reparler de Flash Thompson. Ils mettent vachement l'accent sur, tu sais, à un moment, quand ils reviennent du voyage, il y a son majordome et il lui dit ah papa et maman ont pas pu venir. Oui, il y a ça et pareil quand il met les lunettes dans le bus, tu sais, il voit les textos de tout le monde et ouais. si tu regardes bien, tu vois le texto de Flash, lui dit ouais. Est-ce qu'on a des nouvelles de mes parents et tout, et tu mets putain vous voulez dire un truc ou est-ce que ça sera un 3 ou est-ce une espèce de gag chelou de personne de l'aime. C'est trop bizarre, ouais, c'est un peu bizarre. Bah ouais ouais, écoute, mais bon. Mais par contre pour finir ce que tu disais des immeubles et tout, tu disais tu tenais pas forcément à ce qu'il y ait des immeubles de New York, mais au final si tu regardes sur ces deux films là il y a jamais eu vraiment de scène d'immeuble de New York justement ouais, ouais. parce que dans Homecoming il y a la blague de il y a pas d'immeuble et ouais. là il est ailleurs qu'à New York sauf à la fin ouais. donc j'espère que dans le 3 il y aura un peu des trucs à la Saint-Rémy. Tu vois même ça dans Homecoming quand bon déjà le costume noir moi je m'en foutais, je trouve qu'il est gratos, petite gimmick. Non mais c'est des toys, c'est pour vendre des toys. Ouais, c'est des toys, c'est clair. C'est pour vendre des jouets, hein, mais pareil il y a tout un truc où il doit retenir une tour et il n'y arrive pas ouais. enfin tu vois, et en fait il y a des trucs qui me paraissent très gratos dans le film où je fais mais t'es juste un gars qui a failli se la prendre et qui l'évite et du coup on est un peu impliqué genre ah c'est un héros parce que là il se fait chier, il se ouais. cogne deux fois contre une cloche, tu dis ok donc un peu goofy, blague pourquoi peu pas, pourquoi tout, pas ouais. mais tout le truc sert à rien, en fait j'ai vraiment un problème d'implication dans ce film. Je l'ai peut-être regardé dans un sale mood, hein, j'en sais rien, non, mais moi, je pense qu'il y a vraiment un problème. J'étais pas à fond avec le perso et je trouve qu'en réel il est mieux que Homecoming, je trouve qu'il y a plein d'idées rigolotes et j'adore, enfin je trouve le méchant très fun mais... Ça n'a pas pris sur moi. Ah là là. Mais peut-être, ça y est, peut-être que Marvel, ça marche plus sur moi. On va voir la nouvelle. Parce que Captain Marvel, j'étais pas méga fan non plus. Endgame, j'étais un peu déçu. Ça y est, je commence à. Le prochain, c'est Black Widow, c'est ça? Non. Ils n'en ont pas annoncé d'autres, surtout. Enfin, il y en a en tournage, mais il n'y a pas d'officiel date. Ouais, bah, cela dit, c'est la Comic Con la semaine prochaine. A priori, c'est mai. Ils vont annoncer un film normalement pour mai 2020. Ouais, donc ce serait Black Widow, il y a des chances. C'est étonnant qu'il n'y en ait eu que deux cette année des MC. Il y a eu Endgame hein, qui était quand même le gros oui, truc. Oui, c'est vrai, c'est Endgame, ça vaut deux films. Ça vaut ouais. deux. Ça compte mais peut-être que Far From Home souffre aussi peut-être de ça. C'est-à-dire que c'est dur de sortir. Un peu comme Ant-Man 2 sortait après Infinity War. Bah là, il est censé clôturer la, saison, la phase 3. Mais il clôture pas grand-chose. Ouais, il clôture Iron Man, quoi. Ouais, surtout. Et puis il n'y a pas de hint sur la suite, quoi. À part Samuel Jackson dans son vaisseau. Je te dis, moi j'ai cette phrase. Alors s'il y a des auditeurs qui n'hésitent pas à m'envoyer des textos, des messages privés, pas en public s'il vous plaît sur ce qu'ils ont compris. J'ai cru comprendre que les Avengers étaient bloqués quelque part, mais alors je sais pas si parce que il y a ça aussi, c'est genre toute la truc qui est un peu rigolote de mais pourquoi moi Thor bah il est pas là, Captain Marvel bah pas dispo, et tu fais bah Thor tu sais qu'il est parti avec les gardiens. Oui non mais on est d'accord que enfin si c'est appuyé quoi, si c'est vraiment une menace ou c'est censé quand ils y croient à Mysterio ouais. c'est il a détruit ma planète. Donc tu te dis oui, bon bah on est donc quand même sur un drame où on peut aller chercher des super-héros ouais. un peu fat ouais. plus fat que Spider-Man. Non, mais alors, d'accord, mais dans ces cas-là, j'ai une explication qui va pas te plaire, c'est que la scène va me sortir dans les comics. Non pas du tout. la scène, la seconde scène post-générique qu'on aime pas là où on se rend ouais. compte que c'est des Skrulls, voilà. Ouais. Bah ils sont censés gérer pour Nick Fury en se faisant passer pour lui. C'est naze. Et donc, non, mais c'est naze, on est d'accord. Mais peut-être que du coup, quand il lui dit où sont Thor et machin, bah eux ils disent non, ils sont pas dispo. Genre en mode on sait pas quoi lui répondre, oui. tu vois. Du coup, c'est pourri. Mais c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être ça l'excuse. Mais c'est pourri. Ah, on est d'accord pourri. Que c'est pourri. Pas. Je comprends j'ai pas ce truc de des Skrulls. De toute façon, les faits que la scène des Skrulls, on t'explique que donc depuis le début du film, c'est pas vraiment Nick Fury. Et Maria Hill. Genre, mais. Ouais, c'est très bizarre. Pourquoi thématiquement, ça marche parce que c'est oui, les mais apparences. Non, mais, oui, bien sûr, mais à ce moment-là, mets-moi des hints un peu pendant le film où tu te dis tiens, il est bizarre, Nick Fury. Bah, si. Chelou par rapport si, il y a deux trucs chelous. À un moment, il dit motherfucker. Ah non, il dit bitch please, il dit. Ouais, bitch please. Et please, il rigole aussi. À la fin de mais justement, de... le fait qu'il dise bitch please. C'est très Samuel Jackson, mais bah c'est oui, pas très c'est Nick Fury. Très Samuel... Mais si, c'est Nick Fury à mort. Ah si, si, moi pour moi, c'était Nick Fury quoi. C'est... En fait, c'est il y a aucun moment où je me suis dit tiens. Non, bien sûr que non. Moi j'avais dit. Quand j'ai vu le truc à la fin, je me suis dit putain, ils ont quand même fait un travail d'acteur studio de ouf pour reproduire Nick Fury vraiment à l'exactrice. Moi ce qui me fait très peur, c'est que je crois que les Skrulls, je m'en branle. Et donc du coup, si toute la nouvelle saga c'est autour de eux et du fait qu'ils prennent des apparences. Ça peut devenir super. Moi, ça me ferait trop chier que la prochaine phase, enfin le thème principal de la prochaine phase, ce soit encore l'espace. Parce que, ouais. ok, on en a déjà eu un peu. Après, j'ai pas de meilleure réponse, mais à moins qu'ils mettent les Fantastic Four et c'est pas pour tout de suite, ou Galactus, ouais, ou. Ouais, Surfeur d'Argent, genre. Tous ces conneries-là. Voilà. Ouais. Mais ça, apparemment, c'est 2024-25, ouais, un truc comme ça, donc c'est pas tout de suite. Ah ouais ? Ouais, ouais. Bah, Fox vient juste d'être racheté, donc. Oui, c'est pas bon, tout de suite. Après, voilà. on peut y aller. Ah, c'est bon. Non, mais je préférais qu'ils aillent vers un Namor, tu vois, on l'avait dit dans le truc MCU, mais je sais pas, ce serait bizarre qu'ils continuent dans l'espace, même s'il y a énormément de possibilités, mais. Oh les amis, ça va faire 3 heures. Hein, oh là, pas, là, comme d'hab. Donc, mais en même temps, c'est voilà. Les anneaux, quoi. Il venait de sortir un Spider-Man, donc il fallait quand même en parler. Bon, j'espère qu'on vous a donné plein de trucs à regarder, à lire. À, voilà. En tout cas, il y aura d'autres hors-série l'année prochaine. Là, qu'est-ce que je pourrais vous dire en hors série que j'aimerais bien faire? Bah, il y aura le Joker, et puis c'est l'année des. C'est quoi l'année de... Quelle année de Batman là? C'est l'anniversaire 80 ans? Non, il a quel âge? Non, c'est cette année là. C'est cette année, donc peut-être que Joker plus 80 ans de Batman. Ah, puis il y a le Batman de Reeves, ouais, avec Robert Pattinson. Oui, mais lui, c'est 2021. Ah bon? C'est 2021. Ah, 2021, c'est plus tard. C'est 2021. Moi, je pensais à un petit Batman pour. Oui, en mi-novembre, quoi, au niveau de. Voilà. Et peut-être un spécial Tarantino. Moi, je suis un très grand fan de Tarantino, et je me dis, ah là, il y a un nouveau Tarantino qui sort. Peut-être son dernier, c'est ce qu'il se laisse entendre en tout cas. Oui, ça me rappelle un peu ACDC qui fait sa tournée d'adieu tous les 5 ans. Il n'y a pas une histoire de Star Trek aussi là? Il écrit dessus, mais il ne le réalisera pas. D'accord. Non, mais par contre, il continuera à faire des trucs, mais peut-être il ne réalisera pas. Mm-hmm. Bon, bref, en tout cas, il y a d'autres envies de hors-série. Et puis, on refera le Pixar qui a foiré en enregistrement. On le refera pour le prochain, mais ils en sortent un bientôt. Bah, avec c'était Tom Holland. Qui les invités? C'était François Descraques, Valentin Vincent et Timothée Hochet. Oh. Mais on le refera. Écoutez, est-ce que vous étiez d'accord pour Est-ce que vous avez l'impression de refaire exactement la même émission? Non, pas du tout. Tu vois? Non, pas mal. Donc, je me dis, ça se refait. Il faut juste laisser suffisamment de temps pour se redonner du plaisir et re-kiffer ce truc. Vous étiez d'accord pour dire que c'était Wall-E le meilleur Pixar ou pas? Oui, ça a été dit. Allez, ça a été dit. Mais on le refera, je vous le dis, on le refera. Il y a la sortie du nouveau film là, l'année prochaine avec, je te dis, Tom Holland et Chris Pratt de nouveau Pixar, donc on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, bah, bonnes vacances à tout le monde. Merci Joe, merci Ben. N'hésitez pas à écouter Comics Outcast si vous kiffez les trucs autour des BD. Alors là, il y a vraiment y a de quoi faire, il y a un milliard d'épisodes et sur l'actualité. Mais tu viendras. Et avec grand plaisir. Allez. Et on se retrouve eh bien, à la rentrée. Je ne vais pas vous annoncer de date parce que je ne la tiendrai jamais. Mais on se retrouve à la rentrée. D'excellentes vacances à vous et portez-vous bien. Ciao. Bisous. Crown.